rassemblage Rock Edition Week-end pour la semaine du 12 mars 2018. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. On vous parvient des studios de C'est fou à Trois-Rivières. C'est ça, là, ça. Tania, toi et ta voix, vous avez été absents toute la semaine. Fait que t'as sûrement, j'imagine, aucune idée de ce qu'on a fait. Hein, tu veux que je t'en parle un peu? M'a gagné à jaser de microbes dans sa chronique pas de concept, mais des squelettes. Marc-Olivier Dumas s'est plaint de l'absence de couverture médiatique pour les Paralympiques dans Sport et Filoché. Jimmy Thibodeau a discuté de la place des opinions politiques dans les relations interpersonnelles dans Gauche à Bévue. Sébastien Guertin a lamenté le manque de programmes clairs dans les partis politiques dans son bulletin Guertin. Un nouveau chroniqueur, Mathieu Janvier, nous a raconté l'histoire des jeux de société de leur début à aujourd'hui. De son côté, Antoine Lapointe-Ricard a révélé son attachement pour les vélos dans sa chronique plein air. Et on a goûté à deux friandises chocolatées, la Coffee Crisp Sticks au caramel salé et la O. Henry au beurre d'arachide de Riggs dans une grosse pointe en dress. Je dois corriger, Mathieu, parce que j'étais là toute la semaine. Ah ouais? J'essayais de parler, mais il n'y a rien qui sortait. Un peu comme maintenant. Ben, j'imagine que tu m'as pas vu parce qu'on fait de la radio. Il n'y a pas d'image. OK. Est-ce que tu crois que si je dis ça, la direction va me croire? Moi, je le crois. OK. Toujours avec Antoine Lapointe-Ricard. Bonjour tout le monde. Qui remplace Tania aujourd'hui. Et maintenant, on accueille Marc Gagné, qui a remplacé Tania la semaine passée. Donc, un petit retour. On remplace Tania, dans le fond. C'est ça, vraiment. Tania n'est plus là, là. Elle est passée. Ah ouais, c'est ça. On parle aujourd'hui d'hygiène. Propreté d'hygiène. Exactement. Là où il y a d'hygiène, il n'y a pas de plaisir, ça. Ouais, ben, des affaires de même, tu sais. C'est parce que moi, je me posais souvent la question, tu sais, lequel est le plus hygiénique? Est-ce le séchoir à main ou le papier brun? Oh. Là, j'imagine que vous connaissez déjà la réponse. Mais hier, je suis tombé sur une capsule vraiment pertinente. J'essaie des fois de rendre des choses pas pertinentes. Okay. Mais tu sais, les rendre pertinentes, j'ai écouté Mythbusters qui tu sais, comme vous le savez, il essaie de démystifier des mythes. C'est tout le temps le même. Mm-hmm. Puis là, la question qu'il voulait savoir, c'est que tu sais, après savoir laver les mains à l'eau chaude avec du savon, lequel est le plus hygiénique? Est-ce le séchoir à main ou le papier brun? Puis là, vous savez que le séchoir à main, c'est tellement plate d'utiliser ça parce que ça sèche pas. Ça sèche pas. Puis après ça, t'es essuies dans le derrière de tes culottes comme d'habitude ben, parce comme que tu veux monde, pas garder tes mains toutes. Tu sors des toilettes, tu rencontres un de tes chums, tu dis à la main, hey, comment hey, ça va, mon chum? Salut! Hey, je suis content de te voir. Ouais. Il y a un petit moment de malaise, t'es obligé de te justifier, t'es obligé de dire, ouais, inquiète-toi pas, je les ai séchés. Ouais. Je les ai séchés, mais ils sont encore en moite. Mais si je les sèche, je suis tes fesses. Ouais, c'est ça, exact. Peut-être que tes fesses sont plus propres que les miennes. Fait que, tout d'abord, en démystifiant le mythe, là, tu sais, là, savoir lequel était le plus hygiénique, je voulais savoir tout d'abord si se laver les mains, tout d'abord, ça marchait encore. Ouais, est-ce que ça élimine vraiment les microbes? Est-ce que ça élimine vraiment les bactéries? Ouais. Là, ils ont fait les tests avec du savon, puis là, ils ont fait pas de bactéries. Oh my god, c'est merveilleux. C'est un miracle. Le savon, man, ça fait encore des miracles sur nos mains. Puis, se rincer les mains, ça fait rien. Ah non, les bactéries restent encore sur nos mains, même si on les rince. Le savon détruit les bactéries, c'est ça. Ils les enlèvent, ça les enlève. Ils ont vu ça dans des flacons, zéro bactéries pour quand tu te laves avec les mains avec du savon, puis des bactéries quand tu fais juste se rincer les mains. OK. Fait que ça change rien. Si vous voyez qu'il n'y a plus de savon, mais que, bon... Trouvez-en dans une autre salle de bain. C'est ça, exact. Sinon, portez des gants. Ou faites comme d'habitude, dites-le pas. Dites-le pas. Je pense que... les gens sont tous pareils. S'il n'y a plus de savon, je vais me rincer les mains juste par principe. Juste pour me déculpabiliser de... pour avoir l'air de t'être lavé, mais juste pour pas fait. Que les autres qui te regardent disent pas « Ah, ils se lavent pas les mains! Espèce de sale! » Je me dis que de toute façon, tu peux prendre du Purel puis te laver les mains à l'eau chaude après, là, ou un avant l'autre. Ouais. Au pire des cas. Là. Ouais. Mais faut pas remplacer le savon par le Purel. Non. Sans eau chaude. Ça, justement, je vais en parler dans quelques instants. Parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment trouvé pertinent et que je me posais beaucoup la question. By the way, j'aimerais juste se dire qu'un bon lavage de main avec du savon, ça doit durer entre 40 et 60 secondes. Ah, quand c'est même long, ça. Ouais. C'est long. 60 secondes de frottage de main, ça peut. Ouais, ben, tu sais, moi, je vais dire comme ma mère, tu sais, souvent, un bon lavage de main, c'est quand tu te chantes à toi-même bonne fête. Mais combien de paires de couplets? Bonne fête à Marc, bonne fête, bonne fête à Marc. Puis là, tes mains sont propres. Ah, voilà. Alors, ils t'ont entraîné ta voix aussi. T'es-tu en train de nous dire que c'est ta fête? Hein? Non, c'est-tu non, un non, clé non, d'œil? T'es-tu en train de nous dire que tu t'appelles Marc? C'est ça. Non, mais non, je suis lion. C'est pas ma fête aujourd'hui. Guillaume. Mais c'est drôle ça. De nom, ça, Guillaume. Un lion? Guillaume, ouais. J'ai entendu Guillaume. Ah, c'est Lion, le signe astrologique. Ah, okay, okay. Vous lisez pas votre astrologie? Je suis une balance, fait que... Horoscope. Il est balance, fait que sans balance. Ah, c'est fort, ça, vraiment. Alors, finalement, la grosse question, il voulait savoir lequel était le plus hygiénique. On arrive enfin au séchoir à main et le papier brun, c'est pour s'essuyer les mains. J'ai hâte en ce moment. Oui, alors, d'après le séchoir, on va commencer par le séchoir, il réduit jusqu'à 23% des bactéries. Hey, c'est pas bien bien, ça. Non, c'est pas bien bien. Mais le papier brun, 71%. Alors, lequel est le plus hygiénique? J'ai toujours pensé que le papier brun, autant que, mettons, le séchoir, était juste là pour sécher et non pour te laver ou enlever les bactéries. Je pensais juste que c'est une question d'agrément. Ouais, ben, moi, je me disais, c'est juste une façon pour le concierge, mettons, de pas changer de papier brun. Ah, je pensais que ça allait dire de donner une job au concierge. Non, mais moi, ce qui me manque dans la vie, c'est... Est-ce que vous vous rappelez de ça? C'était une serviette de tissu. Ouais, ouais. Qui tirait puis qui revenait dedans ou je sais pas trop quoi. Ouais, hein. Puis des fois ça jammait. Ouais. Hein. C'était dégueulasse. J'ai jamais vécu ça. T'as jamais vu? C'est absolument pas de quoi. Il y avait un petit bâton de métal sur le côté pour faire tourner le tissu. Mais ça, dans le fond, c'est une serviette qui était constamment utilisée par tout le monde. C'est ça. C'est atrocement horrible. Je me suis dit qu'il a changé ou qu'il la lavait. Ouais, il a changé ou il la lavait, peu importe. Une fois par 3 mois. Ouais, genre. Sinon, est-ce que vous avez essayé ça? J'ai jamais compris l'existence de ça. C'est une boîte, c'est comme une boîte de mouchoirs, sauf que c'est des serviettes de papier. C'est Kleenex qui fait ça. Okay. C'est une serviette jetable. Oh. Tu mets ça dans ta salle de bain pour les invités, genre. Ta boîte coûte... Ben, c'est quoi le but, hein? Elle coûte 30 pièces, 40 pièces. Ouais. J'ai déjà vu un paquet d'assiettes en... OK, ça a vraiment plus rapport. Je m'excuse. un paquet d'assiettes en bambou non réutilisable. Puis c'était vraiment, mettons, comme dans un sac. Tu peux pas les réutiliser après, puis ça coûtait, je pense, 15 piastres. Ah, oh, wow, ouais. Là, tu... Puis là, t'ouvres le sac, c'est comme dans une salade, t'as un panda dedans. Genre. Ben, comme dans une salade. Dans ton emballage. Quand ça arrive. Oh boy. Mais il y a des gens qui essuient leurs assiettes en carton dans la vaisselle. Hein. Ah, arrête donc. Tu sais, je peux comprendre, mettons, les assiettes d'aluminium, là, OK? Ouais, peut-être. Les verres en plastique rouge, moi, je les réutilise. Je les réutilise. Okay. Mais les assiettes, c'est qu'ils sont tellement minces que c'est cheap, là, puis tu coupes dedans, puis ça te fait... Les microbes doivent s'accumuler là-dedans, c'est du carton. Là. Ouais. Ça, en plastique... Ah ben, en styromousse, tu parles? Styromousse et carton. Il y a plein de bactéries là-dedans. Mais juste pour vous dire que le Purel élimine 99,99999% comme c'est écrit sur l'emballage, c'est ben vrai. Oui! Pour ceux qui savent pas, Purel, gel désinfectant, tu sais, quand t'as des plaies sur les mains, ça fait mal! Ouais. Mais juste pour revenir au séchoir à main, ils ont ensuite compté le nombre de colonies qu'il y avait autour, les colonies de bactéries qu'ils appellent, c'est comme des types de bactéries. Puis autour du séchoir à main, il y avait genre 41 colonies de bactéries, qui est quand même beaucoup. Papier brun, 3. Fait que là, je me penche sur cette question. Pourquoi existe-t-il le séchoir à main si c'est pas pantoute utilisable? Pour sauver du papier. Mais ça prend de l'énergie, pareil. C'est de l'eau chaude qui sort de là. Tu sais, je veux dire, c'est pas juste de l'air, là. Ah. Tu dois prendre... Tu sais, comme ton séchoir à linge, tu sais, ta sécheuse. Ça prend du jus, ça. C'est que c'est constamment en train de s'éteindre. Ben ouais, c'est ça. Fait que je me disais, ça prend de l'énergie. Mais ça coûte moins cher, j'imagine. Ben ouais. Alors, à long terme, mettons que le papier, il suit... J'étais au Costco hier. Je fais pas de pub pour Costco ici, là. Mais j'étais dans un magasin grande surface sur abonnement. Exactement. J'étais dans les toilettes. Puis honnêtement, mettons, tu sais, ce qu'on disait tantôt sur ça sèche pas les mains, tout ça, le séchoir, j'ai jamais vu un séchoir aussi performant que ça. Ah ouais. Le Dyson que tu pousses les... Tu mets les mains. Il y a des parois de chaque côté, puis ça propulse de l'air de chaque côté de tes mains. C'est presque une expérience vivre ça. Là. J'ai mis mes mains, j'avais plus envie de les enlever. J'étais là. Il y a des trucs, pas d'infrarouge, mais de quelque chose pour nettoyer, il me semble. C'est ça, il y a de l'air et. Oui, je pense que oui. Des ondes de quelque chose. Là. En tout cas, bref, Dyson. Des fois ça marche, puis des fois ça marche pas. Ça marche pas. C'est ça. Celle-ci, au pavillon des Rébeaux-Soins, il pousse vraiment beaucoup d'air et il n'y a pas faut qu'il sèche moins que ça. Puis en plus, je me disais ça tantôt, tu sais, quand tu sèches tes mains dans le séchoir à main, là, tes essuies après tes culottes après. Hein? Qui sont pleins de microbes. Ben, c'est ça. Fait que je me disais, ça aurait été le fun, peut-être qu'ils comptent le nombre de bactéries sur nos culottes moyenne, puis voir. Tu veux pas le savoir. Non, OK. Mais je me demande par contre, parce que, mettons, moi, je sors du studio, là. Je m'en vais me mettre du Purel dans les mains. Combien de temps ça va durer avant d'avoir une bactérie zéro? Justement, enfin, j'arrive à cette question-là. Je t'ai suivi. Je suis allé sur la presse, je suis allé faire mon étude sur le Purel. Ça a vraiment pas été long, mais ça a tellement valu la peine. J'ai trois questions pour vous. Contre le virus et les bactéries, le gel vaut mieux que le lavage à main. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Vrai, tu viens de dire 99.9. Ben oui, vous avez raison. Bon. Ben ouais. Ça a l'air que les solutions hydroalcooliques, parce que vous le savez, ça c'est fait avec de l'alcool, sont plus efficaces que le lavage traditionnel. Sauf que l'affaire, c'est que les microbes restent sur ta main. Faut peut-être te laver les mains pour t'en débarrasser. Ça a l'air que l'action est plus prolongée que celle du savon. Ah, mais les microbes, mettons, tu frottes les mains, les microbes restent là, non? Ben, sont mortes. Sont mortes, ouais, sont mais c'est juste mortes. Ça reste dégueu. Dans mettons, fond, ta main devient un vrai cimetière à c'est microbes. C'est ça. Si tu mets le doigt dans l'œil, mettons, puis t'es rendu avec des microbes morts dans. Ben ouais, c'est vrai, j'avoue. Mais c'est ça, d'après ce que j'ai lu ici, d'après un certain docteur Alex Carignan, ils disent ici que, justement, l'action est plus prolongée que celle du savon quand tu mets du Purel. Donc, entre deux lavages de main, mettons, un petit peu de Purel, ça fait pas de mal. Ouais, puis ils disent ici que ça prendrait plus de temps avec les mains ne se contaminent de nouveau. Ah, parce qu'ils sont comme semi-protégés parce qu'il y a un lustre. Ouais, c'est bizarre. Mais deuxième question, ça peut pas nous protéger contre le virus de la gastro-entérite. Oh non. Ouais, parce que. C'est une question ou une affirmation? Ah, ok, ouais. Là, je suis tout mêlé. Est-ce que tu me poses la question ou c'est vraiment un fait? Moi, j'avais envie. Non, c'est vrai. Moi, j'avais c'est envie de te dire oui, ça peut nous protéger, mais là, je sais pas si tu me dis que non. Le gel protège contre le virus de la gastro-entérite. C'est faux. C'est faux. Ok. Puis, dans le fond, d'après ce qu'ils disent ici, c'est que dans le fond, ça, c'est comme. La bactérie qui provoque ça, c'est comme une genre de coquille. Puis ça a l'air qu'avec le gel, c'est vraiment tough l'affaire déguerpée. OK. Fait que dans le fond, là, la bactérie qui provoque cette maladie-là est forte puis est sénile pas mal. Là. Ben, c'est ça, c'est vieille bactérie, là. Ouais, c'est ça. Fait que je pense que le lavage à main, ça existe. Puis là, enfin, troisième question. Oh! Est-ce que le gel élimine vraiment 99% des germes? Tu l'as dit tantôt, là. Fais pas semblant. C'est faux. C'est faux? Attends un peu. Là, qu'est-ce que tu as dit tantôt, d'abord? Je faisais la promotion de Purel. Ouais, je faisais la promotion de Purel. Parce que c'est écrit sur la bouteille. Il élimine 99,9999% des bactéries. Ça serait... Ouais, mais... Moi, je me... Est-ce que... Mettons, on départage les termes, là. Germes, bactéries, microbes... Ouais. Je sais pas s'il parle... Est-ce qu'il parle de la même chose, là-dedans? Ben, germes, pour moi, c'est mauvais. Bactéries, hey, germ, c'est le terme en anglais pour... Non? Ben, n'importe quoi. Ouais, me semble. Ben, pour moi, germe, c'est comme mauvaise bactérie. Ouais. Puis bactérie, bactéries, t'en retrouves dans ton yogourt, fait que c'est correct. C'est ça, des bonnes bactéries. C'est ça, ouais, exact. Mais là où je veux en venir, en fond, c'est que le fait que ça élimine pas 99% des bactéries, des germes plutôt, c'est parce que, oui, tu sais, tes mains sont propres, mais il y a aussi les germes que t'attrapes par le respire. Ailleurs, ouais. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça que ça veut dire. Quand quelqu'un tousse, ben, tu peux attraper sa grippe même quand si tu n'as pas dans touché. Tes mains, ouais, mais en même temps, c'est 99,9999 pour les mains. Ouais, pour les mains. OK, c'est ça. Tes mains sont propres, mais c'est en termes de... Sur tout le corps, mettons. Ouais, en même temps, Purel peut pas... Non, c'est ça. Tu peux pas sniffer une shot de Purel. Ça tireront pas un filtre que tu mets dans ta bouche pour absorber les microbes. Un petit collier à Marcel Leboeuf, là. Pur Purelier. Pur Purelier. Fait que c'est ça. Tu sais, pour répondre à la question, ça marche, mais pas partout. C'est une très bonne question. Ouais, fait qu'on sait tout maintenant. Tu sais, ils disent si les gels éliminent la majorité des germes uniquement là où c'est appliqué. Mais ça protège pas le virus qu'on respire. Ouais. Est-ce que vous en prenez du Purel des fois? Non! Non? Moi, j'en ai un à la poire. Mais moi, c'est drôle, j'ai le réflexe à chaque fois que je passe à côté d'une machine. Ouais. Une petite machine, un petit distributeur de Purel. T'en veux, hein? Je vais m'en mettre juste parce que c'est gratuit, puis parce que c'est là, puis pourquoi pas? Il fait la même chose quand il croise un petit truc de ketchup, là, t'sais. Il s'en verse un petit shooter, t'sais, parce qu'il amène ça chez lui. C'est gratuit, c'est là. Fait, pourquoi pas le prendre, là? Je saisis l'opportunité, moi, c'est ce que je fais. Aïe! Mais c'est ça, justement, le Purel, ça fait son effet, là. C'est bien correct de même. Moi, ce que j'aime pas, c'est les distributeurs de Purel dans l'université sont rarement remplis. Ouais. C'est j'aime vrai, pas ça. C'est vrai. Mais je finis avec deux choses. Il faut s'assurer d'avoir les mains secs quand on se met du Purel parce que mélanger ça avec de l'eau, c'est pas bon pantoute. Ça dilue. Fait, hein? C'est pour, ouais, ça dilue. C'est ça. Ça empire. Ouais, en ça empire. Ça crée une bactérie en... Peut-être. Ah, ouais. C'est un peu comme les gremlins, ça. tu donnes de l'eau après minuit, là, c'est fini. Ça y est, tes mains deviennent des moins poilues avec des dents. Après minuit, les gremlins. C'est après minuit, je pense. Fait qu'ils pourraient pas faire un mash-up entre Cendrillon et les gremlins, comme genre, elles se transforment en gremlins après minuit. Non, mais hey, on n'a jamais su si pendant le jour, ils retournaient des gremlins poilus. Une fois qu'ils sont tournés en bébête, ils redeviennent juste. Rien à part des bébés. Ah, ok. Ouais, t'as juste Gizmo. Ouais, mais le soleil, est-tu pas pantoute, genre? Oh, mais ils sortent pas. Ah, ok. Ils font juste. Pour vrai, de ce que j'ai compris du film, ils font juste de la merde pendant une soirée, puis après ça, ben. Ouais. Bon film! Steven Spielberg, je pense. Ben, le premier, il était plus épeurant que le 2, par exemple. J'ai pas vu aucun des deux, je me sens C'est un must. Ah oui. C'est un must. Oh non, c'est. Ouais. Ben, c'est, non, mais c'est un petit film qui est. C'est comme horreur, comédie, genre. Mais ouais, le premier vaut plus la peine que le deux. Le deuxième, je pense que c'est plus une entrée d'argent que d'autres choses. Ouais, c'est ça. On a fait de l'argent avec le premier, mais on va en sortir un deuxième pour. Tu sais, c'est des petites bêtes poilues, là. Puis là, il faut pas que tu leur mettes de l'eau dessus, sinon ils pondent des œufs. Deux, trois règlements, mettons, à suivre pour t'assurer qu'ils deviennent pas des monstres. Puis un gremlin gentil là-dedans qui que c'est le plus mignon des gremlins. C'est ça, sont adorables. T'as juste le goût de le prendre dans tes bras puis il dit je t'aime. Oh, ouais. Et aussi des produits naturels, des graines de lin. Des graines de lin. Oui. Graines de lin. Oui, il l'a fait. Eh oui. Mathieu Blanc, mesdames, messieurs. C'est moi. Bon matin. Fait qu'on a parlé de Purel, puis c'est pas mal ça ta chronique d'aujourd'hui. Ouais, ben moi, c'est juste parce que j'avais un drôle de préjugé chez les gens qui se mettaient souvent du Purel. Je me disais tout le temps dans ma tête, ça marche pas ça! Mais finalement, ça marche. Mais moi, je continue à dire que, tu sais, mettons, promener avec une petite bouteille de Purel, là, tu t'en mets, ok, pendant deux minutes, tu vas avoir les mains propres, pas de germes. Mais après ça, tu vas ouvrir ta porte, tu vas toucher à ta poignée, elle va être pleine de bactéries. Les malheureusement, il y en a partout. Mais c'est ça, fait que je vois pas en fait l'intérêt. Limite, t'es peut-être mieux d'anticiper. T'adapter avec les bactéries que t'as, puis. Ouais, mais je suis bien content quand même que les salles de bain soient maintenant à air ouverte. En tout cas, leur entrée et sortie, il n'y a plus de porte souvent dans les salles de bain, donc au moins, t'auras pas à toucher la poignée. Parce c'est dégueulasse avant à l'université, là. La poignée de porte des toilettes. La poignée de porte à l'intérieur, t'oses espérer qu'elle est propre. À l'extérieur, c'est autre chose. Ouais, c'est ça. Je suis sûr, connaissant l'université et leur. Comment dire. Tu t'en vas dans un terrain. Ils ont dû sûrement que. Zone grise! Les anciennes portes des salles de bain sont sûrement en quelque part, dans le sens qu'ils les ont sûrement réutilisées en quelque part. Je me rappelle que la porte de notre ancien studio était devenue la porte de, je crois, le local du géant de la chasse, quelque chose comme ça. Donc, ils réutilisent les portes. C'est du recyclage. C'est ça, c'est bon. Un écologiste te dirait oui, c'est bon, Matt. Mais elle a sûrement pas été lavée, la poignée de porte. Ça, c'est autre chose, par contre, c'est un autre débat. En tout cas. Merci, Marc Gagné. Merci. Chronique, pas de concept des squelettes. Saint-Patrice Lécuyer. Pas de concept, un squelette Saint-Patrice Lécuyer. C'est excellent. Il y a tout le temps de la misère. C'est excellent. On aime ça de même. Ah, mais il y a presque en plus. C'est à quelques mots près. Pas de concept, pas de squelette. Non. Pas de concept, mais un squelette. Saint-Patrice Lécuyer. Mais un squelette. C'est ça qu'il faut que je retienne. Mais un squelette. C'est le squelette de sa chronique, il sait de quoi il va parler, mais c'est pas ce qu'il va avoir autour. Il connaît la structure de la substance. C'est comme s'il manque de chair autour. C'est pas grave, le squelette. Il est là. Pas grave. C'est l'essentiel qui est important. Puis 100 Patrice Lécuyer. Patrice Lécuyer, ça veut dire qu'il y en a comme 100 Patrice Lécuyer. Ouais, c'est ça. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, ils sont tous avec moi. On mange de la poutine ensemble. Ils sont tous dans ma tête. Ouais, c'est ça. On te retrouve la semaine prochaine. Puis mardi, je fais mon émission C'est dans ta face. C'est dans ta face. 15h. 15h, exactement. 15h de suite, je parle. 15h de suite. 15h à 3h de l'après-midi. Un gars déterminé. Je mets de la musique non-stop, je fais passer les mêmes tunes. Tout le temps. 15h de Spotify, t'es doué. Tout le temps, hibou-hibou, puis du Spotify. Exactement. De quoi tu parles ce mardi? Ce mardi, je parle de chiffres. Okay. Puis je parle de sujets genre la dépression, les périodes noires dans sa vie, l'anxiété, stress post-traumatiques. Non, c'est une chose. OK, moi je te suivais, j'étais là. J'allais l'écouter, moi, tu sais. Mais non, je fais passer de la musique, puis c'est pas mal ça, mon principal. Je t'écouterai pas d'abord. Mardi, 15h. pour l'émission C'est dans ta face. Magani. Ouais, c'est ça. 15h, hey non, écoutez ça, sauf Mathieu Plante. Tout le monde est invité, sauf Mathieu Plante. Ben, les 100 Patrice Écuyer dans ta tête vont tout être là. Ah ouais, ça va être la plus grosse fois d'écoute qu'on aura jamais. Fidèle au poste, prêt au combat. Hey, c'est ça, ils vont manger de la poutine avec moi. C'est ça qui se passe dans ma tête. Marc-Olivier qu'on a avec nous pour la chronique de sport qu'on appelle la Sport et Filocher. Et puis je sais, donc Marc-Olivier Dumas qui est là comme chaque semaine, même ça fait un petit bout qu'on s'est pas vu. Ça doit faire trois semaines. Trois semaines environ avec les jeux de la com, semaine de relâche. Ouais, la semaine de relâche, j'étais pas là. La semaine précédente, je n'étais pas là en raison d'examen. Mm-hmm. Parce que vous savez que vous m'amenez tout le temps, vous et toi et Tania. Okay. À être en retard à mon cours. Ah, c'est vraiment notre faute, ça. Totalement. Vraiment, tout le temps notre faute. Totalement. C'est pas parce que t'as pas fini de préparer tes affaires et tu veux que je joue une toune de plus, hein. C'est pas ça. C'est pas ça. Non, non, pas c'est ça. Vraiment non, c'est votre notre faute, faute à nous autres. Donc aujourd'hui, on parle, Marc-Olivier, qu'on apprécie énormément, on parle entre autres des Paralympiques et de d'autres tournois qui ont lieu. Par quoi est-ce qu'on commence aujourd'hui? On va débuter d'abord par les Paralympiques parce que, bon, on est en pleine saison des Paralympiques. Il reste encore quelques jours. Ça se termine dimanche le 18 mars. Avec, c'est moins long, hein? Beaucoup moins long. Ouais. C'est au lieu d'être 16 jours, c'est 9 jours de compétition. Il y a moins de sport aussi, ben surtout avec les Jeux d'hiver. Ouais. Il n'y a pas de bobsleigh, par exemple. Okay. Y a peut-être... Ce qui, pourtant, on va se le dire, bobsleigh, c'est un sport où tu n'as pas vraiment besoin d'aucun de tes membres, non? Ben oui, il faut que tu pousses le putain de bob. Ouais, mais tu peux pousser, tu peux avoir une personne qui pousse, puis le reste, tu es dans un bobsleigh. Ouais. C'est-tu parce que ce serait moins impressionnant ou moins... Je pense que c'est surtout parce que tant qu'à faire, il pourrait probablement participer à des épreuves normales. Ouais, c'est ça que je voulais dire. C'était ça que je voulais dire, finalement. Juste mal exprimé, mais c'est ça que je voulais dire. Mais encore là, il n'y a pas de bobsleigh, c'est surtout du ski. Ouais. En fait, non. Il y a du biathlon, du surf des neiges, du ski de fond, ski alpin, curling, hockey. Il y a un peu de sport, mais il y en a beaucoup moins. Et je trouve ça drôle à quel point à chaque sport, il faut qu'on ajoute para. Ouais, hein, ski ben para-alpin. Oui, je suis d'accord avec toi, parce qu'à un moment donné, para-ski de fond. Ouais. Para-surf des neiges. Puis est-ce que Radio-Canada appelle ça la para-couverture des Jeux, Jeux paralympiques à Paradio-Canada? Il y a des chances. Non, à para-ici. Excuse-moi, par-ici. Par-ici. Non, mais je trouve ça un peu dommage parce que on veut traiter ces athlètes-là un peu sur un pied d'égalité des autres athlètes, mais il faut qu'on rappelle à chaque fois. Ou autre, là, qui n'ont pas tous... Ouais. Non, mais soit para-correct, hein, quand même. Aïe, aïe. Mais c'est ça, on essaie de les traiter un peu sur un... Mais c'est pas ça du tout, parce que pour vrai, c'est comme les jeux de rejetons, là. C'est ça, mais il faut absolument le spécifier. Ce sont des para-ski de fond. Curling en fauteuil roulant. Ça aurait pas plus de succès si c'était... Les épreuves étaient un peu mélangées au reste des Jeux olympiques. C'est un peu comme genre la cérémonie, je sais pas trop, des People's Choice Awards. C'est la télé puis les films en même temps. T'sais. Tu mélanges les Paralympiques puis les Jeux olympiques en même temps, mais entrecoupés. C'est pas une mauvaise idée en soi, mais le problème que je vois avec ça, c'est que le monde changerait sûrement de poste. C'est là, ils ont vraiment leur événement à eux. Mais je comprends pas parce que c'est encore, pour moi, plus impressionnant. Oui, c'est assez impressionnant de tout voir ça, mais... Parce que t'as un petit niveau de difficulté de plus, là, je trouve. Je pense que c'est une question de mentalité, ouais, beaucoup. Puis il y a une question aussi de plage horaire, parce que on s'entend 16 jours aux Olympiques, sont très, très chargés. Par exemple, le hockey est très, très chargé. Et là, il faudrait qu'on ajoute le tournoi de hockey sur luge, qu'on appelle le para-hockey, alors que c'est du hockey sur luge. Ouais, c'est ça. C'est pas du para-hockey sur para-luge. Non, non, c'est vraiment du hockey sur luge. On devrait vraiment appeler ça comme ça parce que quelqu'un... Ils ont une obsession avec le mot para. Oui, c'est ça. Parce que para, ça veut pas dire genre à côté ou pas avec le principal. Je vais vérifier. Parce que c'est comme parascolaire. C'est comme un à côté, mais je suis pas sûr de ce que j'avance. Élément qui signifie à côté de. Oui. Donc c'est comme le hockey à côté. C'est comme le side dish, le side kick. Mais pourtant, le hockey sur luge, c'est un sport à part entière. C'est ça, qui est le sport qui est présenté là. pourrait être joué par n'importe qui. D'après moi, il y a un problème avec le comité olympique aussi. Peut-être qu'ils veulent pas que ce soit aussi populaire. Hein. C'est-à-dire qu'ils nuisent à la cause. Il y a peut-être ça, quoi qu'on leur donne quand même leur propre semaine, mais ouais. J'ai quand même un certain malaise avec ça, parce qu'il faut toujours rappeler, au lieu que ce soit du ski de fond, ouais. Si c'est en luge, ski de fond en luge. Ben, c'est comme de rappeler tout le temps, genre, OK, t'es un handicapé. C'est ça. Le seul... pointer le fait que t'es pas normal. Ça, c'est plate, ça. Le seul sport qui est peut-être normal, c'est le curling en fauteuil roulant, ouais. Parce que c'est ça le sport. Il y a pas personne qui balaye, c'est le curling, il y a quelqu'un qui lance... en fauteuil roulant, ou ça, on pourrait appeler ça le curling. Tu lances la personne en fauteuil roulant, ça, ouais, exactement. Ça glace, ça doit être malade, ça. Non, mais tu lances à partir d'un fauteuil roulant, mais ouais. On pourrait appeler ça le curling assis aussi. Ben tu oui, sais. C'est ça. Il y a plein de façons de le nommer, mais ouais. Bon, ils ont décidé qu'ils appelaient tout ça para et ça me tape un peu ses nerfs. Ouais, je voulais uniformiser la chose, mais c'est maladroit comme façon de le faire. À mon avis, oui, complètement. Bon, j'en ai parlé un petit peu dans le préambule de ma chronique. Je trouve que on manque aussi de visibilité à ce niveau-là. Ben oui. J'ai pas vu une épreuve, je n'ai pas entendu parler. Ça joue quand à Radio-Canada, si je me rappelle bien, c'est un bloc la fin de semaine. Puis la nuit. Et la nuit. Mais si c'était le jour, ça jouerait quand même la nuit. Ouais, parce que la différence d'heure, là, mais... C'est ça, mais... Je sais pas si ça avait été à des heures normales, ils auraient peut-être enregistré puis joué la nuit pareil. Oui, probablement. Ouais. Parce qu'on le sait, il y a plusieurs personnes qui... chialait pendant les Jeux Olympiques parce que... District 31 pis tout ça, ça change d'heure. Exactement. Ouais. Mes séries télé sont pas là. Ah, pas hey. Chouette, hein? Pas chouette. Deux semaines aux quatre aux ans. Quatre ans. Parce que l'été, t'as pas de séries télé, là. Non, c'est ça. C'est deux semaines. Oh, mes reprises, tu sais. Ouais. Deux semaines aux quatre ans. Ouais. Là, il faudrait leur demander trois semaines. Non. Ah, mais les gens ont de la misère à aller voter une fois par quelques années à se déplacer pendant cinq minutes pour aller voter. C'est ça. Les gens chialent beaucoup. Hein? C'est ça. Donc, le Canada, présentement, qui a quatre médailles d'or, une médaille d'argent et cinq médailles de bronze, un total de 10 médailles, sont dans le top 5, ah, présentement. Présentement, au premier rang, c'est les États-Unis avec 6 médailles d'or, 6 d'argent, 5 de bronze, suivi de l'Ukraine, 5 d'or, 4 d'argent, 6 de bronze. Donc, la hiérarchie sportive est un peu modifiée. Oui, oui, oui. Ben, c'est ça. Est-ce qu'on appelle ça des paramédailles? Oui. Non. Ça arrêtait pas pire. Hein? Je t'ai cru pendant une demi-seconde. Une para-or. Dans le para-top 5, on a para 5 le Canada a 4 para-or, une para-argent et 5 para-bronze. Ah, wow. Donc, c'est ça. Et comme je disais, bon, le manque de couverture. Et j'ai trouvé ça aussi un peu des Olympiques en général. En général, ouais. Bon. Chez la chasse-galerie, c'est RDS qui est présenté en continu. Et j'ai quasiment... Des fois TSN, des fois il y en a d'autres. Mais... En fait, c'est le même poste, média. Mais... Belmédia. C'est le même poste, mais en fait, de ce que j'ai vu, parce que je passe des fois des après-midi là, j'ai pas vu des Jeux olympiques ou pratiquement pas. Et RDS est le canal spécialisé officiel aussi diffuseur des paralympiques. Diffuseur officiel ouais. Des Jeux olympiques et des Jeux paralympiques. Et... J'ai rien vu ou presque. Tout ce qu'on parle, c'est de hockey. Tout le temps. De hockey. Et encore de hockey. C'est ce que les gens veulent voir. Et attends, je vais vous surprendre. On va parler de hockey. Mais il y a quand même du hockey. Là. Oui, exactement. Puis okay. Un peu de hockey encore. Hockey sur le côté. Ouais, c'est ça. Okay. Des puis... para-hockey, il n'y a pas ça. Là. Non, mais de temps en temps, on va te surprendre avec du hockey aussi. Ok, ok. Quand même. Okay. Un changement, là, t'sais. Oh, totalement. Puis, justement, j'ai parlé avec un homme qui fait la description de d'autres sports, c'est Alain Huzreau. Et il est allé voir un match de volleyball et il dit « Mais pourquoi on présente pas ces sports-là plus? Pourquoi ouais. Ces sports-là ne sont pas mis de l'avant? » Parce que personne les regarderait. Mais cette année, il y a personne qui regarde le Canadien. Ils sont pourris. Ouais. Et je trouve ça dommage parce que je pense que c'est pas spécialisé là. On manquait le bateau cette année. Ils remplissent pas leur mandat, clairement. Non, mais on vraiment manqué le bateau cette année parce que là, il y a une gronde chez les partisans parce que le Canadien, ils sont pas bons. Et là, bon, on cherche un peu ailleurs. Puis... Si on regarde là, rapidement, des fois on va voir que le monde est un peu moins heureux. Quand le Canadien va bien, le monde sont heureux. Quand le Canadien va pas bien, le monde sont un peu malheureux. Imagine avec le changement d'heure en plus. Ouf. Mais il y a vraiment du monde que ça leur tient vraiment à cœur, le Canadien, puis je peux comprendre ça. Mais en même temps, ça serait le fun d'aller voir autre chose. La saison est terminée. Arrêtez. Ouais, profitez-en vu que c'est plate d'aller voir ailleurs. C'est ça. C'est... Arrêtez de polluer les feeds Facebook avec juste qu'est-ce que le Canadien devrait faire. Est-ce qu'il aurait dû échanger? Allez voir autre chose, allez voir d'autres avenues, présentez-nous d'autres choses. Le volleyball, c'est un sport qui est super intéressant. Mais ils connaissent pas ça. Vraiment beau. Ils aiment ça connaître les affaires qu'ils regardent. C'est pas besoin de connaître quelque chose pour apprécier le volleyball. C'est surtout simple. Surtout féminin, hein? Ouais. De plage, là. Ah ouais, l'été, mais... J'attends une fois par quatre heures. C'est ça, mais c'est pas compliqué. te regardes, faut pas que le ballon touche au sol. Okay. Pas compliqué. Ouais. Il y a des lignes, comme au tennis. T'sais, si tu comprends le tennis, normalement, le volleyball, tu devrais le comprendre. C'est pas trop compliqué. Là. Je veux dire, t'as le droit à trois touches, faut pas qu'il touche de ton bord, puis faut que tu le mettes entre les lignes. Mm. That's it. Bon, il y a quelques autres règles, mais si tu comprends cette base-là, normalement, t'es correct pour comprendre le volleyball. Pourquoi on n'en présente pas plus? Il y a d'autres sports, il y a du basketball aussi. Pourquoi on n'en présente pas plus? Ouais. Ça veut dire que tout ce qu'ils présentent quand c'est pas du hockey, c'est le jour, des fois, les jeux de pompiers. Qu'est-ce qu'il y avait eu? Des émissions de chasse et pêche? Lumberjacker Game? Ouais. Les chasse et pêche. Les hommes forts. En fait, ils présentent beaucoup de choses en dehors des heures d'affluence. Ouais, c'est ça. Mais on dirait que ces postes-là, présentement, en tout cas au Québec, ils nous mettent dans une bulle. Ouais. La bulle de hockey. Aimer le hockey, c'est ça qui est cool au Québec. On aime le hockey. Et je trouve que c'est pas juste ça. Il y a d'autres sports. Et ça m'amène à la dernière partie de ce que je voulais parler du tournoi. Et c'est pour ça que j'aurais aimé ça que Tania soit avec moi ce matin. Faut dire, ouais, Tania est absente aujourd'hui. Et la première chose que Marc-Olivier a dit en arrivant, voyons donc, ça défait toute ma chronique. Qu'est-ce qui se passe? En fait, parce qu'il y a un tournoi qui débute et je voulais parler avec Tania un petit peu, à savoir, selon elle, quel est le championnat le plus difficile à gagner dans le monde du sport? Mmh. Et là, on peut... On lui laisse un silence pour la réponse, qu'on pourra ajouter au montage plus tard. Tu le criquais, là? Ouais, c'est... En fait, c'est pas une très bonne imitation. Non, c'est ça. Il y a deux façons de discriminer ça. On peut regarder le sport en général, on peut voir du côté individuel et du côté collectif, donc en équipe ou seul. Et si on regarde du côté seul, le tournoi le plus dur à gagner, je vous dirais, c'est probablement un des tournois du Grand Chelem de tennis. Okay. C'est très, très difficile. Il y a 128 personnes seulement qui font partie du tableau principal. Ça, c'est sans compter ceux qui participent aux qualifications. Il y a à travers le monde. Oui, à travers le monde. Il y a 128 participants, il faut que tu ajoutes à cela le tableau de qualification où, si je me trompe pas, il y a 32 personnes qui se qualifient, donc 32 participants, et pour se qualifier, il faut qu'ils passent 3 rondes. Donc, c'est 128 participants qui s'inscrivent aux qualifications pour 32 places, et de ces 32 places, s'ajoutent aux 96 participants déjà qualifiés. Donc, 128 au total, là, ça fait quand même un nombre assez élevé de participants. C'est, je te calcule ça, 224 personnes qui ont accès à ce tournoi-là. Et il y en a juste une au final qui lève le trophée. Et ça, c'est les 224 meilleurs à peu près qui peuvent soit se qualifier pour les qualifications ou se qualifier pour le tableau principal directement. Donc, il faut que tu sois quand même dans les meilleurs au monde pour pouvoir espérer participer à ce tournoi-là, donc qui fait un des tournois les plus difficiles à gagner. Il y a des tournois aussi de la PGA, les Masters, qui vont être très très durs. Ça, c'est au golf. Au golf, oui. Donc, il y a plusieurs tournois au niveau individuel, puis je pense que pour la raison au niveau individuel qu'il y a un seul gagnant, on peut pas vraiment comparer avec les sports collectifs, ce qui m'amène à ce que je veux parler. Donc, niveau collectif, quels sont les championnats les plus difficiles à gagner? J'ai parlé avec plusieurs personnes à travers le temps parce que j'adore le sport et j'adore débattre un petit peu. Et il y a du c'est monde... C'est Smash Brothers. Non. Non. Quoique... C'est quand même difficile à gagner. Oui, c'est très, très difficile. Ça peut rentrer... Mais c'est... Ça, c'est une autre question. Est-ce que tu considères le e-sport comme un sport? Moi, personnellement, non. Je suis pas capable. Ça n'en est pas, hein? Non. Aux Olympiques, moi, je trouve ça ridicule. Je trouve ça drôle. Je pense pas que ça n'ait pas sa place aux Olympiques. OK. Mais ce n'est pas un sport à proprement dit. Ouais. On va dire e-sport, je suis correct avec le terme e-sport tant qu'on mette le E devant le mot sport. OK. T'aimerais mieux qu'on lui trouve un autre nom. Mais c'est pas un sport. Ouais, c'est ça. Mais c'est comme dire que faire un marathon de Netflix, c'est un sport. T'sais. Non. Ben, c'est comme dire que les échecs, c'est un sport. C'est ça. Je comprends que tu t'entraînes, que tu dors pas beaucoup, que t'as de l'adrénaline et tout ça, mais non, je la catch pas du tout. En fait, je pense que le problème qu'on a, c'est que pour nous, sport, notre définition de sport, c'est qu'il faut que ça soit une activité physique. Okay, et ouais. Bon, la définition que j'ai sur Google, c'est activité physique, exercice dans le sens du jeu et de l'effort, et dont la pratique suppose un entraînement méthodique et le respect de règles. En d'autres mots, selon cette définition-là, le e-sport n'est pas un sport. Parce qu'il y a quelques facteurs. En effet, oui, t'as des règles, oui, t'as de la compétitivité, oui, t'as de l'entraînement, mais c'est pas du tout physique. T'es assis avec une manette dans les mains. Exactement. Et j'enlève rien à ces personnes-là parce que c'est impressionnant. Ça a sa place quand même. Ils font des heures et des heures de pratique, puis ils passent leur journée devant des jeux vidéo et faut pas se poser des questions des fois pourquoi ils sont un petit peu baquets. Mais pour j'ai rien dit de ça. C'est, je te laisse tous ces propos-là à toi. Ah, oh, je vais les garder, je les assume. Mais ça demeure que ce n'est pas un sport à proprement dit. Mais comme je le dis, ces gars-là mettent et filles-là, parce que ces gens-là mettent beaucoup d'efforts dans ce qu'ils font et c'est tout à leur honneur. C'est fun à regarder quand même une fois de temps en temps, mais peut-être pas aux Olympiques ou à RDS. Mais ça me dérange pas, que comme je te dis, que ça arrive aux Olympiques, parce qu'il faut que les Olympiques restent de leur temps. Si c'est ça que ça prend pour garder du monde, pourquoi pas? Mais moi, ce que je verrais plus, c'est qu'on parle des Jeux, entre parenthèses, Olympiques, là, qu'on leur retrouve un autre nom. Les Olympiades des jeux vidéo. Là. Mais c'est ça, juste des Jeux pour les jeux vidéo. Là. Plein d'e-sports, tu sais, du League of Legends, Rocket League, tout ça, qu'on mélange ça ensemble dans une semaine d'activité en LAN, puis qu'on fasse des jeux avec ça, puis on trouvera un vieux nom grec comme ils ont trouvé avec les Jeux Olympiques. Les para-paralympiques. Oh my God. Oh my God. Et là, on dit ça en tant que deux geeks, là, tu sais, qui jouent à des jeux vidéo, là. Oui. Je pense que la plupart des gens qui trouvent que c'est pas un sport, c'est les gens qui jouent à ça, non? Je sais pas. Peut-être. Peut-être les geeks en général. Peut-être ceux qui jouent doivent penser que c'est un sport, non? Ouais, peut-être. Tu sais, il y a pas consensus à ce niveau-là, mais il y a beaucoup de monde qui trouve que c'est pas un sport. C'est une activité qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'implication. Et ce serait le fun qu'il y ait des jeux olympiques. Ouais, ouais, c'est ça. Mais faut trouver quelque chose parce que, bon, pour l'instant, ça me dérange pas que ça fasse partie des Jeux Olympiques. Sans démonstration, c'est pas vrai. C'est ça. Mais éventuellement, je pense que ça leur prendrait leur propre plateforme qui serait diffusée sur Twitch de toute façon. Ben exactement. Et il y aurait pas de problème. Et le seul consensus, c'est que Phil Laprise et Tommy Verge, mais ça a pas vraiment rapport avec les Jeux Olympiques à RDS. Hein? Avec les jeux vidéo, excuse-moi. Non. Ça n'a pas vraiment rapport. Quand tu connais pas tes affaires... Oups. Donc, pour continuer sur ce que je disais. Donc, au niveau des sports collectifs, c'est quoi les championnats dans le monde du sport, autant amateur, junior que professionnel, les sports les plus difficiles à gagner? Ce qu'on s'était ostiné un petit peu, c'est qu'il me disait, bon, c'est la Ligue nationale de hockey. Tu sais, le monde qui sont un peu craqués. Il y a juste ça, hein? Il y a juste la Ligue nationale de hockey, il n'y a rien d'autre dans le hockey. Non. Ouais. Et de dire, excuse-moi, là, mais d'après moi, la Ligue nationale, la Coupe Stanley, c'est probablement un des tournois, je dirais pas les plus faciles, parce que ça demande quand même beaucoup d'efforts, mais c'est un des tournois dans le sport professionnel, avec la NBA, un des plus faciles à gagner. Il y a 16 équipes qui se qualifient sur 30, 31, tu sais, il y en a beaucoup, et après ça, ben, il y a un peu de chance. Alors que si tu regardes d'autres sports, comme le baseball majeur, tu as 10 équipes sur 30 qui se qualifient, football, tu en as 12 sur 32, et c'est des... Tu sais, c'est plus difficile, à mon avis. Mais encore là, j'ai trouvé encore plus difficile. Okay. La Coupe Memorial au hockey junior est un tournoi, à mon avis, beaucoup plus difficile à gagner, un championnat beaucoup plus difficile, parce que non seulement tu dois gagner tes éliminatoires, mais en plus, tu dois affronter les trois autres champions, les deux autres champions des autres ligues, la Ligue de l'Ontario, la Ligue de l'Ouest, quand on parle de la Ligue du Québec, et une équipe haute. Donc, il y a quatre équipes qui s'affrontent pour la Coupe Memorial, mais ces équipes-là ont déjà gagné. C'est comme un boss rush. Oui, exactement. Tu battes toutes les boss de suite. Exactement. Donc, à ce niveau-là, ça fait que c'est un tournoi, à mon avis, qui est plus difficile encore. Sinon, j'en ai un autre, et c'est exactement le tournoi que je voulais vous parler aujourd'hui. C'est le March Madness. C'est quoi déjà ça? Je te laisse une chance. Attends, March Madness. Il me semble que c'est aussi du basket, non? Bonne réponse. Yeah! Un point pour toi et deux morceaux de robot. De toute ma carrière, un point. Et voilà. Je voulais dire deux morceaux de robot, mais ça a mal sorti. Fait non, que... Donc, oui, c'est ça. C'est le March Madness au basketball. Et c'est 68 équipes qui s'affrontent. D'abord, il y a quatre matchs qui ont lieu ce soir et demain, les First Four qu'on appelle. Et après ça, on rentre dans l'arbre principal, dans le bracket principal, avec 64 équipes. Et c'est un seul match. Et tout repose là-dessus. C'est ça, c'est un match. Tu perds, t'es éliminé. Ouais. Donc, ce tournoi-là, c'est vraiment plaisant à regarder parce qu'il y a tout le temps des surprises. On ne sait jamais, même l'équipe favorite n'est pas sûre de gagner parce que sur un match, tout peut se passer. Et on a vu plein de belles choses arriver. Et pour se qualifier pour le March Madness, il y a 33 places pour les champions de chaque conférence. Environ, je suis pas sûr exactement du nombre. Mais chaque conférence, entre 8 et 16 équipes. Donc, il faut déjà être champion ou être une équipe très forte dans une conférence très forte. Mais ça laisse quand même 68 plutôt maintenant, 68 places pour un total de 300 équipes à peu près partout aux États-Unis et il y a un seul champion. Et pour un joueur, ce qui fait que c'est très difficile, un peu comme la Coupe Memorial, c'est que t'as pas beaucoup de chances de la remporter. À la Coupe Memorial, t'as entre 2 et 4 chances de remporter la Coupe Memorial. Dans toute ta carrière junior, là, t'as entre 2 et 4 chances. Il faut que tu te rendes là. Si tu te rends à la Coupe Memorial une fois, c'est bon. Donc le gagner, c'est encore plus dur. Mais le March Madness, c'est un peu semblable. Les gars, à peu près, peut-être 2-3 chances s'ils sont chanceux de remporter le March Madness. Donc ça fait que c'est très très difficile et dans les meilleurs joueurs du monde, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont jamais remporté le March Madness. Si je me trompe pas, LeBron James n'a jamais remporté le March Madness. Okay. Michael Jordan ne l'a pas remporté, mais là je dis ça sous toute réserve, ça se peut que je me trompe. Mais ça, March Madness, c'est pas la saison complète, c'est une parenthèse dans la saison. C'est les séries éliminatoires. C'est les séries pour vrai, ok. Donc, c'est ce qui met fin à aux éliminatoires. Pardon, je vais me reprendre. Michael Jordan a remporté le March Madness. Ouais. Il a fait un lancer spectaculaire pour remporter le March Madness. Oh. Mon erreur. Mais tu joues le rôle de Tania de recherchiste à merveille aujourd'hui. Ben oui. Donc, mais Stephen Curry, qui est un des meilleurs joueurs présentement, n'a jamais remporté le March Madness. Donc, il y en a beaucoup. Il est au basket, lui. Je me suis toujours demandé c'est quoi son sport, parce que oui, tout basket. Ce que je fais, c'est voir sa face à des pubs à TV. Oui, c'est basket. OK. Donc, il y en a beaucoup, tu sais, des gros joueurs qui n'ont jamais remporté le March Madness. On va se le dire, il n'y a pas beaucoup de joueurs dans les 68 équipes présentes là. Il n'y en a pas beaucoup qui vont être repêchés. Il y en a une soixantaine cette année, soixantaine l'année prochaine, mais avec ceux. Fait que c'est même pas un joueur par équipe qui va être repêché. Fait que tu sais, ça donne une idée déjà que le tournoi est très très difficile à remporter. Mais en plus, le peu de chance qu'on a et la qualité des joueurs qu'on a, ça fait que c'est un tournoi très difficile. Et juste parenthèse comme ça, si Tania avait été là, je suis sûr que comme championnat, m'aurait parlé probablement d'un championnat dans le monde du sport automobile. Probablement. Parce qu'on va se le dire, remporter un championnat du monde de Formule 1, quand t'as pas de voiture, c'est assez difficile. Ça peut être dur. Mais quand t'as une voiture, genre Lewis Hamilton, ben là, c'est facile. Fait que, tu sais, t'as un couteau à double tranchant. Donc, c'est ça, le Final Four. Ça va être présenté un petit peu à la télé. Si vous allez voir CBS, les réseaux américains, ça va être présenté partout. Je sais qu'on en présente un petit peu aussi sur les réseaux francophones, mais très peu. Mm-hmm. Parce que, bon, le Canadien joue c'est ce soir. Okay, c'est ça, ben ouais. Donc, mais ça vaut la peine. C'est vraiment un tournoi qui est le fun. Si ça vous intéresse pas trop le basket, je vous encourage quand même à regarder peut-être les 2-3 dernières minutes de chaque match. Parce que c'est là qu'il y a le plus d'action, c'est là qu'il y a le plus de rebondissements, que les équipes vont s'échanger des points. C'est peut-être un peu plus long comme un moment du match, parce que les 2-3 dernières minutes du match, je pense. C'est pas les camps non plus, ils sont 2-3. C'est jamais à la même heure. Non, c'est ça, mais il y a beaucoup de matchs. Donc, on commence avec les first four. Ce soir et demain. Donc on aura deux matchs ce soir et deux matchs demain. Et par la suite, on débute jeudi avec les premiers tours et les deuxièmes tours. Ça, c'est toute la fin de semaine. Et jeudi et vendredi, il y a des matchs à toute heure de la journée là. Si vous regardez, c'est TBS, CBS, TNT et True TV. Ça, c'est en anglais. Si vous changez de poste un petit peu, vous allez voir tous les matchs défiler. Si vous allez voir un petit peu sur internet, c'est très très facile aussi à trouver. Vous allez voir, ça se défile très très bien. Il y a des matchs à toute heure. Peu importe où vous allez, il va y avoir un match qui va être en cours à un moment différent du match. Ouais. Il y en a toute la journée. Il y a un forfait NBA aussi sur les câbles aux distributeurs. Oui, mais ça, c'est pas de la NBA. C'est pas de la NBA? C'est NCAA. Attends un peu, là. Ah, t'aurais... Ouais, il y a deux... Raconte-moi donc ça, bon. Il y a okay. deux... La NBA, ça, c'est le professionnel. Okay. Donc, c'est la National Basketball Association. C'est les équipes professionnelles. La NCAA... C'est pas juste au basketball, il y en a au hockey, il y en a en athlétisme. Ah, c'est ouais. le sport universitaire. Ah, oh, National ouais. College Athletic Association. C'est super populaire. C'est, de... c'est très populaire, ah, le ouais. sport universitaire aux États-Unis. On joue même les finales dans des stades de football des fois. Wow. Et c'est plein. Le football aussi est ultra populaire aux États-Unis. Le hockey un petit peu moins, mais pour vrai, aux États-Unis, le football, ben, le sport collégial est ultra populaire, très très présent dans leur culture. Regardez les jeunes, c'est par là que les jeunes passent pour se rendre plus haut. C'est ultra populaire, leurs stades sont pleins. Les stades de football universitaires il y en a plusieurs là, qui sont plus gros que les stades de la NFL et ils sont pleins. Aïe, aïe. Un meilleur exemple, c'est Michigan. L'Université du Michigan a un stade de 116 000 personnes. C'est le plus gros stade aux États-Unis. Uh-huh. Et c'est plein. En Floride, à Gainesville, il y a un stade de 106 000 personnes. Et c'est plein. Donc, le monde, ils vont, le monde, ça fait partie de leur culture d'y aller. Alors qu'ici, nos sports de développement, donc le junior, l'universitaire, c'est pas les meilleurs, donc on s'en fiche. Mmh. Mais on a une culture, puis j'impute ça un petit peu sur la faute des réseaux spécialisés. C'est qu'on a une culture, on veut juste le meilleur, alors que ça serait le fun de voir ce que les jeunes loups font, ce que les futurs athlètes professionnels font, de les voir grandir et d'avoir un attachement quand ils sont jeunes. Tu sais, quand ils ont 16-17 ans, et faire comme ce joueur-là, je l'aime, puis suivre sa carrière tout au long, au lieu de juste faire comme « Ah, ben lui, je sais pas d'où c'est qu'il arrive, mais tout d'un coup, il est bon. » Puis ça arrive souvent. Ouais, ça fait pas de cash, puis c'est Bell Media qui s'occupe de tout ça. C'est ça l'affaire, c'est que c'est tout le temps les monopoles, autant dans les radios commerciales que dans les chaînes de sport spécialisées. Oui, et ça fait aussi que la musique est très, très plate à la radio. Et voilà, et les grandes compagnies, on vous salue. On vous aime pas. Non, désolé. Hey, c'est ça. C'est ça. C'est une bonne chronique. Ça, tu m'as appris plein de choses encore. Mais tant mieux. Ben oui, Marc-Olivier Dumas, on te retrouve. Est-ce qu'on te retrouve, je te demande en ongle, est-ce qu'on te retrouve un jour à Patriote en action? J'aimerais bien ça, mais ça sera pas tout de suite ça parce que bon, avec l'horaire qu'il y a présentement, c'est fou. Faudrait que je bump une émission, ce que je ne ferai pas. Et... Tout est bumpable. Oui, non, non. Ben oui, je vais bumper quelqu'un qui est là live. Ah, ok, dirait. Non, live, mais non. Et bon, les seuls autres trous que j'ai, ça se bump pas. Donc pour l'instant, ça reste en suspens. J'aimerais bien revenir, mais pour l'instant, c'est pas dans les projets immédiats, malheureusement. On s'en reparlera. Oui. Ouais. Sinon, ben, on se retrouve la semaine prochaine. Exact. Une chance, au moins, t'as cette tribune-là à 8h tous les mardis matin. Ben, je fais une demi-heure, là. C'est juste la moitié de mon émission. C'est très bien. C'est très bien. Moi, c'est en masse pour moi. Sport et Flashy, Marc-Olivier Dumas. À la semaine prochaine. Bye-bye. Toujours avec Antoine Lapointe-Ricard. C'est qui, lui? C'est lui, là. Qui suis-je? Puis lui, c'est qui? C'est Marc Gagné. Hey, Marc Gagné. Hey, salut. Hey. Hello. Et maintenant, ben, c'est une édition bonus, encore une fois. On se tannera jamais d'une grosse pointe en dresse. Quoi? J'ai pas entendu! Dernière fois! T'as quoi? C'est ça. Ah! C'est une grosse pointe dans le reste? C'est pas mal une grosse pointe dans le reste, je te dirais. La chronique des produits du tiroir, c'est-à-dire la chronique où on goûte un produit qu'on a acheté en épicerie, qu'on n'est pas allé en pharmacie pendant la semaine et que j'ai gardé dans mon tiroir de mon bureau, littéralement. C'est pour ça les produits du tiroir, pour ceux qui n'ont pas compris le gag. Ah, est bonne, est bonne. Pas pire. Donc, je disais, Antoine Lapointe-Ricard de la chronique Disons le campus, chronique plénière, il est aussi à Assemblage requis depuis comme quelques semaines. Oui, exact. Marc Gagné, qui est animateur pardon, de C'est dans ta face, les mardis 15h. 15h. Sur nos ondes. Les deux sont là pour remplacer Tania aujourd'hui. Il faut toujours deux personnes pour remplacer Tania. Sinon, c'est pas assez. C'est la coutume. Ouais. Et aujourd'hui, je sais pas si vous avez remarqué, depuis les dernières semaines, on a juste bu des choses. On a bu. Oui. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé. Ça fait un mois, en fait, qu'on n'a pas mangé dans cette chronique-là. Je commence à avoir faim. C'est vrai, hein? J'ai pas déjeuné le matin, moi. Non. Moi, j'ai déjeuné. Ah. Hey. J'ai encore faim. Je déjeune pas d'habitude, puis là, j'ai pris des croque-pain doré. Tu t'es gâté à matin. C'est sucré rare, ça. Ah. Ouais, mais quel genre de croque-pain doré? C'est des petites céréales en forme de pain doré. C'est full chocolat. Ok, comme les céréales. Comme les céréales. Okay. Pas comme les céréales, c'est des céréales. C'est des céréales. C'est des céréales. Non, ce qu'on goûte là, non, ok, t'es tout mêlé. Ah ouais, ok. Je te parle de mon déjeuner, moi. Là. Ok, fou. Non, ce qu'on va manger, en fait, est aussi sucré, mais un petit peu un mélange sucré-salé. En fait, est-ce que vous aimez les mélanges sucré-salé habituellement? Pretzel enrobé de chocolat. Ouais. Non. Non. Non. Non. Ben oui, j'aime bien, oui. Oui, good. Oui. Ben, je sais pas, des barres de chocolat. Oui, barres de chocolat. Ben oui. Ouais. Oui. Salé. Y a pas de bretzel là-dedans. Attends, je pense que j'en avais amené deux. Oui, j'en ai amené deux, une chance. Je me disais, écrit, mais il y en aura pas assez pour deux personnes. Mais oui, il y en a. C'est deux fois les Coffee Crisp Sticks. Ok. Comme le Kit Kat. Ok, mais je pensais dire comme le Ben Sticks. Ah, okay. Comme le Ben Sticks. Ben, c'est aussi ça, là. Ouais. C'est quoi leur grand hit, à eux autres? Sticks. Sticks? Qu'est-ce que tu chantais, non? Sweet Madame Blue? Je sais pas. Me semble. Ben okay. Ouais, me semble c'est. Je sais pas. Coffee Crisp Sticks au caramel salé. Ça dit que c'est une collation, un goûter léger et délicieux. Donc, pareil comme la vraie Coffee Crisp. Okay. C'est écrit gaufrette, 32 grammes. Ce qui me surprend, c'est que c'est un petit emballage. Tout minuscule, à la place d'avoir les grosses barres. C'est ça, c'est le concept, c'est deux petites Est-ce qu'on sait c'est combien de calories par gaufre? Tu veux vraiment savoir ça? Oui, je veux savoir. D'habitude, on lit pas les calories, mais je vais faire exception pour toi. Pas pour une barre de chocolat. Non, ça lit pas les calories pour une barre de chocolat. Vraiment pas. Pour deux barres, c'est de 32 grammes, donc 160 calories pour les deux. Waouh! C'est l'équivalent d'un Big Mac, c'est ça? Ça se peut. Ouais. Mais j'imagine qu'on va, on va chacun manger une barre, mettons, probablement. Mm-hmm. Donc, divisé en deux, ça fait combien ça? 80 calories, c'est pas si pire pour des gens. Ouais, c'est correct. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'écrit dessus? Ça fait partie du plan de source de cacao provenant entièrement de sources durables. Okay. Donc, quand même, environnemental. Tu fais avec de l'huile de palme, ça? Il y a probablement de l'huile de palme. Oh. On va aller voir. Est-ce qu'il y a des ingrédients dessus? Parce que des fois, les petits emballages... Ah oui, c'est sur le côté. D'accord. Colin, c'est le deuxième ingrédient. Oh, non, ça commence par sucre, ensuite huile de palme et végétal modifié, farine de blé, substance laitière modifiée, pâte de cacao, beurre de cacao, lécithine de soya, sel, café, cacao, bon, bicarbonate de soude, levure, et arôme naturel. Hein? Nestlé, mieux manger, mieux vivre. Wow! Ben, contenant de l'huile de palme. Ouais, mais c'est ça, mieux manger, mieux vivre pour les humains, mais malheureusement, on ne parle pas des orang-outans. Exactement. Il y a pas mal d'informations là-dessus, à part pour dire que caramel salé, moi je m'attends à ce que ça goûte pas assez le caramel salé, vu que c'est un produit grand public. Je te lance ça, attention. Alors Antoine, directement, attention Marc. Hey, mais aujourd'hui, on l'a l'affaire. Ouais, mais là, toi, t'en veux-tu? Parce que t'en as juste deux. Oui, j'en veux. On va se partager. Bon. Mais oubliez pas que le micro magique est là pour ouvrir l'emballage. Donc, si vous voulez bien vous approcher du micro magique, vous pouvez l'approcher de la main. Et voilà. On tire. On n'entend pas grand-chose. Non. Attends, je vais faire les effets sonores. Merci, Marc. Bon. Ouais, c'est pas un emballage très bruyant, on va se le dire. Non, il est doux. À côté, comment dire, apparence, ça ressemble à une Coffee Crisp, mais en plus petite, vraiment. Ouais. Et là, on parle de pas la moitié, on parle de quasiment le tiers ou le quart de la grosseur d'une Coffee Crisp, même peut-être moins que le quart. Hein. Ben, c'est comme une Kit Kat. Là. Ouais, plus comme une Kit Kat. Un petit peu plus gros qu'une Kit Kat. Ok. Un corps de Kit Kat. C'est cubique, là, et rectangulaire. C'est un prisme rectangulaire dans c'est les vrais. Ouais, avec les coins arrondis un petit peu quand même, donc je sais pas s'il y a un mot pour ça. Prisme rectangulaire à coins arrondis. C'est à ça que tu viens de dire. Ben ouais. Wow, moi, je l'achète comme ça. Côté odeur. Ah, ça sent. Ça sent le chocolat. Ça sent le cacao. Ça sent le cacao. Le chocolat au lait. Confirmation. Spécifiquement, là, c'est très au lait. Mais ce n'est pas un chocolat noir, donc. Olé! Olé! Sinon, on sent pas le caramel salé à l'extérieur du tout. Non. Je ne sens pas le sel. Non. Pourquoi tu sens le pas les sel? Aisselles? Tu sens pas les aisselles? Ok, allons-y avec le goûter. Hein. On mord là-dedans. Attention, je vais sortir d'ici. Ça goûte vraiment la Coffee Crisp. Ben ouais. C'est les mêmes ingrédients. La gaufrette est présente. Il y a où le caramel salé, donc? Il y a un arrière-goût. Il y a un petit arrière-goût que j'aime bien. Quand tu l'avales, on dirait qu'une fois humecté de salive... Exact. Un peu, mais c'est très subtil, je trouve. Ouais, c'est vrai. Ouais. D'habitude, une Coffee Crisp, on aime la subtilité. Oui, on aime. On aime la subtilité. Mais quand tu me vends du caramel salé, je veux que ça goûte vraiment le caramel salé, non? Ouais, ben ça dépend pour qui, mais moi je le goûte un peu. Là. Un peu. Ouais, mais tu sais, c'est pas une caramel. Non, pas, c'est ça. Il faut que ça reste une Coffee Crisp pour que ça goûte principalement le café en premier, non? Parce que visuellement parlant, à l'intérieur, il y a pas de caramel. Non, c'est pas coulant de caramel. Si ça casse en deux, ça va pas juter de caramel partout. Malheureusement, non. Puis de sel non plus, en fait. Ça pourrait être pas pire, ça, par contre. Que ça jute le caramel? Non, mais essaye d'imaginer, là. Une caramel. Pas une caramel, non, une Coffee Crisp, mais avec vraiment un petit coulant de caramel. Un petit coulis. Ou un petit topping de caramel. Avec du nougat. Mais là, on tombe dans le caramel. C'est fancy. Moi, j'ai du sirop d'érable, ça aurait été encore meilleur. Je sais pas si c'est le début d'une lignée sur... Ça doit exister, je peux pas croire. Mais c'est vrai, on a jamais fait ça. Ben, une barre de chocolat à l'érable. Ben, il y a la Mars à l'érable qui a existé, mais il était comme trop puissant, l'érable. On l'a déjà goûté en once, c'est trop puissant. Ben là... pendant que c'est estival, la Saint-Ambroise à l'érable, ah ouais, vient juste de sortir. Ouais, mais de la bière à l'érable. Ah, c'est pas si pire, ah, mais ouais, comme d'habitude, moi, tu sais, une bière de comme ça, tu sais, je m'en sers pour déguster, là, pas pour me saouler. Moi, je veux boire du sirop d'érable. Ah. Je veux que littéralement cette bière-là me fasse rappeler le sirop vraiment d'érable. Ben, c'est quasiment ça. Ah ouais, ouais. C'est quoi le petit truc que tu peux, tu sais, qui est pas, ils te le vendent pas nécessairement, il faut que tu le demandes puis qu'ils soient bien gentils avec toi, là. C'est pas un grand c'est bientôt t'auras même plus besoin d'être gentil. Ben ouais, c'est comme faire bouillir de sirop d'érable ou je sais pas trop quoi. C'est comme faire fondre du sucre. Sucre d'érable, pas un nom. Il y a un nom pour ça, je me rappelle jamais c'est quoi. Oh boy, c'est bien rare d'avoir c'est du sirop d'érable. Ouais, c'est ça. Ok, comme un genre de la tire d'érable. Ah, de la tire, non plus. On va pouvoir faire tous les produits de l'érable puis on le trouvera jamais. Bref, moi j'ai hâte de voir d'autres sortes de ça. Je sais pas si c'est la seule, j'ai juste vu celle-là moi au caramel salé, Coffee Crisp Sticks. Mais moi, ça passe, par contre. Ça passe aussi. Ah, ça passe. Mais en fait, je suis pas un mangeur de chocolat à la base. Je m'arrêterai jamais au dépanneur pour m'acheter une barre de chocolat parce que j'ai, à quel point une. Même si c'est gratuit, on a dit ouais, mais quand c'est gratuit, ouais, tu prends. Mais oui, si c'est gratuit, moi, si on me l'offre, j'apprends. C'est sûr, je la dévore, je l'adore. Un bol au complet. Mmh, exactement. Puis, oui, à l'Halloween, mettons sur le comptoir, il y a un petit chocolat, moi, les Smarties. Ouais, je vole les Smarties aux enfants, moi. C'est Halloween. T'as l'air de ça. T'as l'air louche. Donc, moi, je mets mon pouce en l'air pour ça, moi, facilement. Mais clairement, mon. Oui, on met le pouce en l'air. Pouce en l'air pour la Coffee Crisp Sticks et pour le band Sticks aussi. Bah ouais, Sticks. Même si je connais aucune toune de Sticks. On n'est pas capable de sortir une seule toune. Je les connais. Je sais que je les connais. C'est sûr que si tu mets du Sticks. Leur hit, c'est Madame Blue, non? Je cherche le Sticks Band. Ça prend un Y, Sticks, hein? Ouais, c'est ça. Sticks Band. ST, comme la rivière de Sticks. Oui, c'est ça. La rivière en enfer. Et leur article est vraiment long, hein? C'est un long article. Ah ouais, ben, c'était quand même. Ça existait dans le temps de Pink Floyd. Là, ouais, c'est un bel rock. C'est des classiques. Ça, là, ouais, c'est ça. Je cherche encore la chanson Come Sail Away. Come Sail Away. Ah, c'est ça! Hey. Come Sail Away. T'as peu, je bosse ça avec Mr. Roboto. Sticks, je te jure. Ben je te jure. Voyons. Qu'est-ce que ça dit? Ouais, ouais, gamin, ça, là. Mr. Roboto. Mr. Roboto. Monsieur Roboto. Ok. J'aime ça. Ouais, ok. Ça commence bien. On a le droit à 5 secondes avant de se faire couper, malheureusement, pour les droits. Fait qu'on joue pas Mr. Roboto. J'espérais que ça arrive sur le refrain, mais non. Voyons donc. Ça valait tellement la peine. Ah, oh boy. And the Mr. Roboto. C'est tout ce qu'on a droit de jouer. Ah, bon. Ok, mais mettons avec le refrain, je. Ouais. Ouais. Hein. Oui. Ok, ouais. Je pensais que t'allais dire Mrs. Robinson. Je suis hey, pas mal là. Hey, est-ce qu'on parle un petit peu de. Je sais pas, j'aurais envie de parler un petit peu de produits qui sont disponibles un chimique, petit peu en magasin chimique, évidemment. Pour nettoyer des tables. Non, pas ce genre de produits-là. Des produits consommables. Ben non. Consommables à l'alimentation. Là. Ben là, consommables. À couche, là. Ça ressemble à ça. À couche, qu'on découche. Je me demandais juste si on avait le temps. On a le temps, un petit peu. On va en faire très rapidement. Donc, on va commencer par. Tiens, on a parlé dans la dernière chronique d'une grosse pointe d'adresse. C'était avec toi, Marc Gagné. On avait parlé de Coca-Cola. On avait goûté à du Coke Diet. On avait trouvé ça. Ah, je pense savoir de quoi tu parles. Ben, Coca-Cola, le vrai pas Diet, a une version framboise californienne. Ah, ouais. Une version pêche de la Géorgie en ce moment aux États-Unis. Mm. Fait avec du sucre de canne de sucre, truc. Seulement dans des bouteilles de vitre. Ça, j'essaierais tellement ça. Je suis sûr que ça va être vraiment meilleur que les Coke Diet qu'on a goûté. Ouais, ben, il y a des rumeurs qui racontent que Coca-Cola vont sûrement arriver bientôt avec leur première boisson alcoolisée. Au Japon, j'ai entendu dire ça ouais, aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, il va falloir l'importer, malheureusement. Je pensais que t'allais parler de ça parce que j'ai vu ça passer d'un bottin, là. T'as raison, mais je pense que j'ai vu la nouvelle sortir hier puis j'ai pas préparé cette chronique-là. Non, mais c'est bien correct. Ouais. Demain, t'auras le temps. On en reparlera, c'est ça. Oh, oui. Sinon, au Canada, cette fois-ci, quand même impressionnant, c'est rare qu'on ait des produits canadiens, mais on a de la Schweppes Cadbury. C'est-tu Cadbury Schweppes? Ouais, c'est ça. La Schweppes. La Schweppes. Ah, oui, c'est du chocolat, ça. C'est du oui, chocolat, mais ils font aussi des boissons gazeuses. Oh, ça, je savais pas. Ouais, il me semble que c'est Cadbury, en tout cas, peu importe. Mais Schweppes, c'est du soda ginger ale. Okay. OK. Mais sauf que celui-là est à la pêche et au bleuet. Blueberry Peach Ginger Ale. Schweppes? Moi, des saveurs, là. Non? Je sais pas. J'achète pas. J'ai tout le temps peur. T'aimes l'original, hein? Oui, mais j'ai tout le temps l'impression que ça va goûter le chimique, là. Ouais. Mm-hmm. Je pense qu'il y a juste l'orangeade que je tolère, mettons, que j'aime bien. Ouais. Il y a rien qui goûte pas l'orange, par contre, là. C'est le traditionnel Canada Dry. Hey, qu'on aime le Canada Dry. Ouais. Ah. En tout cas. Ça vient d'où, by the way, ça? Tu t'as demandé la même chose à la dernière chronique. T'es redondant, hein, c'est vrai. Mais non, je sais pas, en fait, je me suis même pas renseigné. Mais le Canada Dry, nature, j'aime ça, mais j'aime aussi la version version canneberge qui ont sorti récemment. Ah, plein de sortes. J'aime beaucoup leur, leur façon de goûter à ce Canada Dry canadien. Ensuite, Mountain Dew Energizing Original Dew Start. Oh boy, des boissons énergisantes, Mountain Dew. Ça, c'est Kickstart, c'est ça? Non, justement, non. Parce que les Kickstart, c'était à des saveurs spéciales. Orange. Là, ils l'ont sorti à la saveur originale. C'est ça qui fait que c'est original. Dans le fond, c'est des Mountain Dew Kick. Okay. Mais version saveur normale de Mountain Dew. Le classique Mountain Dew. Et le Mountain Dew Diet aussi. Quand même, et seulement 5 calories pour le Kickstarter Ultra, qui est celui Diet, sans sucre ajouté, mais sucre à l'ose, aspartame, acésulfame, potassium et autres trucs comme ça. Alors que le régulier, lui, a du sirop de maïs, sucre à l'ose et acésulfame, potassium, avec 90 mg de caféine. Okay. Donc c'est du Mountain Dew avec plus de caféine, juste assez de kick d'ici. C'est juste ça. Juste ça. Prenez un café puis un Mountain Dew en même temps, ça va être la même chose. Peux-tu les mélanger ensemble? Avec ça ben va, du sucre. Ouais. Un vieux Mountain Dew brun, là. Brun et chaud. Est-ce que vous aimez les raisins secs parlant de brun et chaud? Absolument pas. J'ai jamais aimé ça. Non, Marc? Ben oui. Oui, ben imagine si t'avais des raisins secs surettes au melon d'eau. Non, la vraie marque Sunmade qui sort ça, là. Ah ouais. Quelle drôle d'idée qui a eu cette idée-là? Ben. Au melon d'eau, des raisins secs au melon d'eau. Au melon d'eau, surette. Surette en plus. Un peu, les Skittles, mettons, Skittles, ils ont le droit. Ouais, c'est ça. Mais sérieux, c'est correct, ça passe. Des raisins secs, j'en mange pas souvent, c'est rare. Mais qui s'achète un paquet de raisins secs? T'sais? Qui d'envie va à l'épicerie pour s'acheter un paquet de raisins secs? Personne! La rangée des raisins secs, le mettons qu'il y a ça dedans, tu vas me dire jamais aller dans ranger les raisins secs. Honnêtement, je me demande même s'il y a vraiment une rangée de raisins secs. Sûrement un secteur. Au Bulk Barn, il doit avoir, mettons, un petit rack de raisins secs, juste pour subvenir à demande de la ville de Trois-Rivières. Légalement parlant, ils n'ont pas le choix. Ah, c'est ça. Un petit peu, là, quand même. Et bref. Voilà. La personne qui va arriver, il va faire « Excusez, je cherche les raisins secs. Ah, dans le fond, dans le coin noir, là-bas, à droite. » Dans la rangée 1. Il va falloir que tu traverses un chantier avec des crocodiles, puis après ça, t'as les raisins secs. Fait que c'est ça. Puis là, on va avoir mis le jeu Step de Poop. Ton Step in the Poop. Juste pour décourager tout le monde de passer là-dessus. Fallait être là tantôt pour ça. Bref, voilà pour une grosse pointe en dresse. On a fait juste 4 petits articles comme ça, juste pour compléter notre case horaire déterminée. Les notes de l'émission sont sur assemblagerequis.com. C'est les notes de l'émission numéro 12-16 pour les liens dont je viens de parler. Vous écoutez Assemblage Requis, édition week-end. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Vous écoutez Assemblage Requis, édition week-end. Avec Tania Baudin et Mathieu Plante. Jimmy, salut. Oui, bonjour. Gauchère Bévue, nom de ta chronique, et toi qui prends un sujet de la gauche qui vient le déboulonner, je dis ça souvent, je dis détruire, démystifier, ça dépend du moment. Ça dépend du moment, oui, donc voilà, une critique de la gauche de quelqu'un qui vient de la gauche aussi. Le gars qui sait de quoi il parle, parce que, tu sais... Ben, parce qu'il vient de là, tu sais, il y en a vu d'autres. aujourd'hui, justement, ce qu'on va parler, c'est... Peut-être, ça va être une revue de certaines choses qui sont passées dans l'actualité pour faire un lien avec ce que j'ai dit dans d'autres chroniques. Surtout, une de mes chroniques où j'avais parlé de l'art du dialogue dans la gauche. On ne sait plus dialoguer dans la gauche, être ouvert aux dissidences et tout. Puis on ne sait plus comment gérer ça, outre que comme donner des étiquettes de n'importe quoi à ceux qui sont dissidents aux opinions de la gauche. Fait que j'avais cette critique-là contre certaines personnes de la gauche. Ouais. Mais pas nommé au moins. Non, c'est ça. On va l'appeler Roger. Il y en a plusieurs, mais dans le fond, là, ce que j'ai aujourd'hui, c'est des nouvelles par rapport à ça qui sont super, super intéressantes. J'avais dit aussi à un moment donné, on donne des étiquettes partout, puis ça fait que... Avant, un des tabous, jadis, c'était par exemple les mariages entre ethnies, des trucs comme ça, entre différentes cultures, entre différentes religions. Maintenant, le grand tabou, c'est les mariages ou en tout cas les gens qui se mettent en couple, mais qui sont d'opinions politiques différentes. Ça peut créer des frictions. Ouais. Si c'est le genre de sujet que vous abordez, parce que tu peux aussi jamais parler de politique parce que ça t'intéresse juste pas. Aussi. Mais ça, c'est en... Ben... c'est un peu mieux, ça, je pense, d'être pas intéressé par la politique. Mettons, si t'es quelqu'un qui est vraiment politisé à gauche, puis t'es quelqu'un qui est pas intéressé par la politique, c'est, ça peut marcher. Mais quelqu'un qui est de gauche, puis quelqu'un d'autre qui est vraiment de droite, conservateur ou libertarien, là, ça marche pas. C'est bien beau de dire que tu veux pas parler de politique trop souvent, mais ça reste qu'il y a des opinions qui font partie de la politique qui en ont pas l'air, que ce soit peu importe, là, c'est les droits des gens. Ça, c'est vrai. On peut défendre ça comme ça. Mais. En tout cas, bon, la nouvelle, je vais la garocher tout de suite. Dans le fond, c'est juste un. C'est pas une nouvelle en tant que telle. Ça, pour cela, c'est un reportage qui est sorti dans la presse. En fait, ça dit que. Ben, c'est des interviews de gens des États-Unis. Puis ça montre, en fait, que depuis l'élection de Trump, les sites de rencontres et puis. Ben, en fait, dans les sites de rencontres en général, les agences matrimoniales et tout ça, c'est plus du tout pareil la job. Il faut tout le temps faire attention aux opinions politiques des gens. Ouais. Depuis que Trump a été élu, en fait, tous ceux qui ont supporté Trump sont systématiquement rejetés par n'importe quelle personne de gauche sur les sites de rencontres. Toute personne censée aussi, ouais. Ouais, c'est ça. Ce qu'on voit de plus en plus dans les profils, par exemple les profils Tinder sur, aux États-Unis, c'est en fait si vous avez voté pour Trump ben vous pouvez swiper à gauche le plus loin possible à gauche, c'est ça. Fait que là ben ça donne une petite idée, mais c'est vraiment rendu très vrai. Ils ont interviewé une agente d'agence matrimoniale, puis lui dire ben en 20 ans j'ai jamais vu ça, on peut plus maintenant comme matcher des gens ensemble sans prendre en considération les opinions politiques, sinon c'est séparation assurée. Ben c'est sûr, parce que Trump en tant que tel est tellement extrémiste dans ses propos, dans ses actions, que c'est sûr que ça provoque de la polarité dans la population, ça n'a pas le choix. Ah certainement, moi je suis d'accord avec ça. Je pense que c'est sûr que ça peut être choquant ce que Trump a fait, puis il y a des gens qui ont tendance à projeter ce choc-là sur ceux qui ont voté pour Trump. C'est sûr, parce que les gens n'ont pas nécessairement voté pour chacun des petits facteurs de la. Mais en même temps, tu sais dans quoi tu t'embarques en votant pour lui. Là. Ben ouais, hein? C'est sûr, mais c'est ça. Donc, faut pas vraiment. Comme culpabiliser, je pense, les gens qui ont voté pour Trump non plus. Là. Il y avait des bonnes intentions, peut-être. Ouais. Puis c'est un petit peu ce que je disais avec l'art du dialogue. T'sais, on dit, c'est quelqu'un qui a supporté Trump. Donc, il supporte absolument tout ce que Trump a dit. Puis c'est un salaud pour telle raison ou je sais pas, moi. Il y a personne qui vote pour 100% d'une personne. Ben, ça, c'est déjà une chose. Mais une autre chose aussi, même si c'était vraiment quelqu'un qui supportait vraiment Trump 100 000 à l'heure. Trump en lui-même c'est pas bon, mais est-ce que c'est bon, est-ce que c'est bon pour autant de prendre la personne puis lui dire ok, cette personne là elle a voté pour Trump, donc c'est une personne désagréable que je veux éviter, que je veux isoler socialement parce qu'on s'en fout de cette personne là puis qu'elle aille au diable, je sais pas trop quoi. L'attitude clairement de plein d'électeurs américains frustrés que Trump soit élu mais vraiment à mort, là. Donc, c'est vraiment une sorte de ressentiment épouvantable. Là. C'est de l'isolement social, du rejet social épouvantable. C'est une manière, une sorte de payback, un peu de revanche, j'ai l'impression. Mais c'est pas ça qu'il faut faire dans une démocratie. Il faut dialoguer ensemble. Si t'es pas d'accord, tu dialogues, mais t'en profites pas pour isoler la personne dans un coin, puis lui faire honte et tout ça. C'est pas comme ça. C'est pas poli pour commencer. Mais pas juste que c'est pas poli, c'est juste que ça marche pas comme ça. Les gens qui sont rejetés comme ça se font juste au pire se radicaliser. Là. Exactement, ou encore se convaincre encore plus les uns les autres, puis peut-être que ça va faire qu'on va avoir 8 ans au lieu de 4 ans. Hein? Ben exactement, tout à fait. Et c'est pas mal des choses comme ça qui ont mené à l'élection de Trump, et on fait encore pire maintenant. Il y a des gens, un autre témoignage intéressant dans cet article-là, c'est de dire, il y avait un gars qui avait voté pour Gary Johnson, qui est un libertarien, pas du tout Trump, là, mais quand même un libertarien. Ouais. Il connaissait pas grand-chose, c'était un petit inoffensif, un petit. Ben, c'est ça. Puis c'était pas Donald Trump. C'était pas Hillary Clinton, en tout cas, c'est ça que je veux dire. Puis il y a des gens, en fait, qui ont dit « Moi, je veux pas être avec toi parce que t'as voté Gary Johnson. Fait que je veux pas de date avec toi. » Mais c'était même pas Trump, là. Puis là, les personnes disaient « Ouais, mais t'as pas voté pour Hillary Clinton, puis un vote pour non-Hillary Clinton, c'est un vote pour Trump. » Ça, c'est un débat de toute la vie au complet, là, mais bon... Ouais. Gary, le pauvre petit Gary. Ben, pauvre petit Gary. Il avait l'air d'un enfant dans le débat, il était au courant de rien. Ben, déjà une chose, mais non seulement ça, mais tu sais, on a-tu le droit de voter à cette heure pour les idées qui nous représentent le plus ou pas? C'est un petit peu comme ceux qui ont voté pour les Verts aux États-Unis, qui sont de gauche, là. C'est pas des deux de pique, là, les Verts, là. Sûr que, bon, on peut critiquer un petit peu la chef, puis elle avait pas tout le temps les connaissances parfaites sur certaines affaires, mais quand même, c'était pas des deux de pique chez les Verts, là, mais on a le droit de voter chez les Verts si on veut pas, si on veut les voter pour eux autres. C'est, si on vote pour eux puis on veut pas voter pour Hillary Clinton, c'est peut-être parce que Clinton a fait quelque chose de pas correct puis que on devrait peut-être se regarder dans le miroir. Sa réputation la précède et la suit. Ben ça, plein d'autres choses. T'sais, on a beaucoup de ressentiments puis on dit ouais, mais là on n'a pas voté pour Hillary Clinton, on a laissé Trump rentrer, on est vraiment comme des toutes des pas bons. Mais premièrement, plus que 50% des gens aux États-Unis voté pour Hillary Clinton, c'est ce, le découpage des districts qui font que c'est Trump qui a gagné, premièrement. Mm-hmm. Puis deuxièmement, c'est pas une obligation morale là, de voter pour Hillary Clinton. Puis il y avait effectivement des trucs qui étaient pas bons. Là. Hillary Clinton, c'est une démocrate de centre. Là. Elle est pas nécessairement au goût de certaines personnes plus de gauche. Qui serait peut-être plus attiré par le Parti vert, des trucs comme ça. Je pense qu'elle représente quand même le passé, quelque chose de... Ben aussi, l'establishment, là, tout ça. Mais je ne vais pas entrer trop là-dedans. Là. C'est un petit peu comme présomptueux un peu, mais quand même, c'est ça. Donc, le portrait général pour les sites de rencontre et tout ça, les achats matrimoniales. Est-ce que tu as écouté du Éric Lapointe en temps venant, tantôt? Éric Lapointe? Tu as parlé deux fois de ressentiment. Ressentiment. Ressentiment dense. Ah, non. Mais non. Malheureusement. Malheureusement. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas entendu cette chanson-là en plus. Mais fait que c'est ça, c'est quand même incroyable. Les gens qui recherchent l'âme sœur, voilà. Ouais. Mais il faut pas qu'ils aient voté pour Trump. Puis il faut pas qu'ils aient voté pour Gary Notion, ni pour les Verts, faut qu'ils aient voté pour Hillary Clinton. Mais j'avoue que je sais pas ce que je pourrais avoir en commun avec quelqu'un qui aurait voté pour Trump. Je m'excuse, mais je pense qu'on s'entendrait pas sur grand-chose. Ben c'est sûr que ça peut faire des frictions, mais je sais pas, mais... Tu sais, faut bien laisser la chance, là, mais à un moment donné, c'est parce que les opinions de la personne vont à l'encontre des tiennes, ça donnera pas grand-chose. Ben, ça dépend sur quel plan. C'est sûr que si t'es tu supportes Trump, puis t'as absolument des idées un petit peu rétrogrades sur la famille, mettons. Là. Mettons, exemple. Ouais, c'est ça. Ben là, ça va pas, mais tu sais, dans l'absolu, tu sais, se fermer comme absolument parce que t'as pas les mêmes convictions politiques que moi. Là, je pense que c'est un petit peu trop exagéré, puis on revient un petit peu à l'étiquetage. Et tu sais, je pense qu'il faut condamner vraiment les comportements, pas les personnes. Donc, faut pas vraiment arriver toujours avec des préjugés envers les gens qui ont voté Trump. Il y a des gens qui ont voté pour Trump pour différentes raisons. Il y a même je connais des gens qui ont voté pour lui juste pour, détruire le système entre guillemets là, ironiquement pas c'est ça c'est questionnable mais c'est des gens de gauche qui ont fait ça mais ça n'empêche pas que moi un de mes plaisirs de la vie c'est d'envoyer des gifs animés de Trump en train d'avoir la cave. Mais, fait qu'il faut que je puisse faire ça. Mais ça, c'est bon. De toute façon, les figures politiques, c'est des figures publiques, puis ils sont habitués depuis des siècles et des siècles, n'est-ce pas, à être caricaturés. Donc ça fait partie de l'ordre des choses. Donc c'est correct, la liberté d'expression. Hein? Oui, premier c'est ça. Premier amendement, c'est là, je pense. C'est ça. Ouais. Donc les gens sont très, très libres de dire... j'emmerde tous les supporters de Trump puis je me tiens loin d'eux autres dans les dates là. Ils sont libres de dire ça, mais on est aussi libre de dire que ce qu'ils font c'est vraiment cave puis que c'est vraiment comme agressif puis que moi en tant que personne de la gauche j'ai honte d'être associé avec ces gens-là. Puis lors d'un speed dating ça ferait quoi? Ça ferait ting. C'est notre seul effet sonore. Wow. Un accessoire en plus. Ouais, c'est pas pire. C'est malade. On avait tout prévu ça nous autres hier. Ah vraiment? Bon, deuxième nouvelle. Deuxième nouvelle. Oui. Mais c'est quand même assez rapide celle-là d'ailleurs. J'ai déjà parlé un petit peu du politically correct avec les rencontres amoureuses, mais le politically correct est vraiment très large et nous étouffe de toutes parts, n'est-ce pas? Un autre exemple de ça, je sais pas si tu as vu ça passer toi-même, Louis-Jean Cormier s'est excusé récemment. S'excusait, et là les gens disent t'aurais pas dû t'excuser, assume-toi, blablabla. Ouais. Mais ses propos étaient quand même bizarres un peu, non? Bon, mais je vais mettre la situation en contexte. Bon, Louis-Jean Cormier a été vraiment. Ben, en fait, il y avait une interview qu'on a faite à des artistes, puis En fait, il y avait une question qui venait, c'était qu'est-ce que vous pensez de la parité homme-femme dans les, dans les festivals? Après t'sais? Que les sœurs voulaient chialer sur le fait que le Festival d'été de Québec n'avait pas beaucoup de personnalités féminines. Voilà, exactement. Tu sais encore plus de contexte que moi, c'est le fun. C'est pas pire. Bon, fait que c'est ça. On a demandé à des gens, puis là, Louis-Jean Cormier a dit, ben, tout le monde dit, ah, je suis pour la parité homme-femme, tu sais, dans les festivals, ça va de soi, en tout cas. Louis-Jean Cormier, il voulait dire, ben, je vais lire exactement ce qu'il a dit. Je suis très ambivalent et je ne sais pas où me positionner tant que ça, a-t-il répondu. A priori, je suis contre la parité 50-50. Car je veux qu'on fasse passer l'art avant le sexe. J'ai de la misère, j'ai de la misère à défaire mon focus de l'art et du talent, et si on fait tout 50-50, j'ai peur que ça donne des programmations grises. Du côté de la technique, ce que je veux, c'est avoir la meilleure équipe possible, mais on n'est pas proche de l'équité parce que les techniciennes n'ont pas beaucoup d'expérience. Mais c'est vrai que c'est un métier qui s'apprend sur le terrain et qu'il faut ouvrir ce terrain. Bon. Comme il a dit dans ses excuses, bon, il y a des propos qui ont été peut-être déformés, peut-être qu'ils n'ont pas pris toutes les phrases, et peut-être que le média en tant que tel voulait pouvoir montrer des pour et des contre. Et si tu mets des zones grises, ben, tu vas mettre tout le monde dans le même panier. Il fallait avoir quelqu'un qui était contre, donc ils ont choisi les propos qui étaient contre, peut-être, non? Peut-être, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on prend la citation comme telle, on peut comprendre pourquoi les gens étaient offusqués un petit peu, là, dans le sens où... forcément, si on fait la parité 50-50, ça devient gris puis ça devient pas bon. Là. Ben c'est ça, ça devient pas fade, mais comme contractuellement obligatoire de performer là. C'est un peu bizarre. Ben non, mais c'est pas ça que je voulais nécessairement en venir. Je voulais dire, ben en fait, il voulait juste. Je pense que le sous-entendu dans ce qu'il vient de dire, son sous-entendu un petit peu. Comme involontaire, c'est si on met plus de femmes dans les festivals, ça va être moins bon. Il va avoir moins de talent. Ce qui est sûr que non, c'est sûr que c'est pas ça la réalité, c'est sûr. Ouais, mais c'est pas ce que Cormier voulait dire, non, je pense. Là. C'est sûr que. De façon maladroite de le dire. Ouais, ça laisse entendre ça. Puis je pense qu'il se rectifie, c'est bon. Mais les gens se sont pas offusqués juste pour ça. Non. Juste parce que c'était un involontaire puis c'était un malentendu involontaire. Ils sont offusqués pour plein d'autres affaires. Ils sont offusqués parce qu'il a dit qu'il était contre la parité 50-50. Mmh. C'est pour ça qu'ils que se sont offusqués. Puis là, je lui ai encore mis, c'est rétracté puis il a dit « Ah, la parité, c'est bon. 50-50, let's go. » Moi, je dis pas que la parité, c'est nécessairement mauvais. Là. Les quotas, la discrimination positive, on en a déjà parlé ici. Puis j'ai dit que c'est un couteau à double tranchant, puis ça peut être bon. Puis moi, je suis pas nécessairement contre. C'est quand même des fois un mal nécessaire. Mais à utiliser avec prudence, je pense. Ben c'est ça. Ben comme on a résumé l'autre fois, c'est la parité 50-50, d'avoir des quotas là-dessus, c'est pas nécessairement de dire que la personne va être prise à la place de quelqu'un d'autre qui aurait pu faire la job. C'est plus que le choix par défaut est tout le temps l'homme blanc. Souvent. C'est le comportement implicite des gens, même si des gens qui sont très bien intentionnés. Donc, le quota, ça permet de forcer un petit peu le changement des perceptions sociales. Donc, c'est bon pour ça. Donc, moi, a priori, c'est sûr que personnellement, les quotas, moi, dans les festivals, je serais pour ça. C'est de maximiser le nombre de femmes dans les festivals. C'est d'y penser, pas nécessairement d'avoir une formule mathématique là-dessus avec pi et tout ça. Là, juste se forcer un petit peu plus que de leur choisir juste un ou deux. Il n'y a vraiment pas beaucoup de femmes dans le fait. Là. Ben oui. Puis bon, après, y aller jusqu'à 50% versus 50%, je sais pas. Ça, c'est une autre question. Peut-être en ratio du nombre de bennes qui existent sur la planète. Ouais. Mais tu sais, mon point là-dedans, là, le retour sur la discrimination positive, c'est le fun. Mais par contre, le gros point là-dedans, c'est crime. 50-50, c'est peut-être bon, c'est peut-être pas bon, mais on peut-tu en parler rationnellement sans se taper ses doigts, s'il vous plaît? Pourquoi quelqu'un est obligé de s'excuser par rapport à ça? OK, il peut dire « Ouais, j'ai mal formulé les propos, je veux pas dire que s'il y a plus de femmes, c'est moins bon. » Mais ce que je veux dire, c'est que il faut que, par exemple, dans les auditions, on pense juste au talent. Puis si ça arrive 50-50, tant mieux. Si ça arrive 60% hommes, 40% femmes, ben tant pis. Faut faire la voix, mais mettre un filtre sur les voix pour que tout le monde soit avec le même ton de voix. Puis là, ils vont se revirer, voir que c'est une femme ou un homme, puis ça va être le hasard qui va déterminer les choses. Je pense que ce que Louis-Jean Cormier voulait dire, c'est que, dans le fond, là, ce qu'on voudrait, c'est... juste penser à est-ce que la personne est bonne ou pas bonne, mm-hmm. puis l'apprendre la personne en fonction de ça, puis pas en fonction du genre. Ouais. C'est une position défendable. Moi, je serais pour les quotas personnellement, mais ça se défend, puis c'est pas nécessairement offensant ou quoi que ce soit. Là. C'est pas sexiste non plus. Je veux juste dire, c'est juste qu'il s'oppose à la discrimination positive dans les festivals. Mm-hmm. C'est pas quelque chose de sexiste, c'est pas quelque chose de quoi que ce soit. Donc, on peut-tu en parler de manière civilisée, s'il vous plaît? Il a arrêté avec, tu sais, la gauche critique beaucoup cette notion de politically correct en disant qu'on l'utilise à outrance, là. Mais c'est clairement applicable. À un moment donné, là, il faut commencer à débattre, parce que si on n'est pas capable de débattre, on va avoir de plus en plus de dogmes qu'on sera plus capable de remettre en question. Donc, c'est ça. La discrimination positive, est-ce que c'est bon? Ben, fine. Ben, défendez-le en public. On est capable de très, très bien de défendre l'abolition de l'esclavage aujourd'hui. On n'a pas de problème avec ça. Donc quand quelqu'un est pour l'esclavage, mais on peut lui dire pourquoi il n'y a pas raison. Quand il propose oui, de même. S'il vous plaît. Bon. Mais quand quelqu'un. Ben, ça, c'est un exemple vraiment très évident. Oui, c'est assez extrême. Ouais, mais quand. Son Trump un peu, là. Mais quand quelqu'un veut qu'il n'y ait pas de discrimination positive, ben vous trouvez que vous avez la meilleure position parce que vous êtes pour la discrimination positive, ben allez défendre cette position-là devant ce monsieur-là, puis dites-lui pourquoi il a tort avec quand il est contre la discrimination positive, plutôt que de lui dire il devrait avoir honte, puis lui faire du shaming sur les médias sociaux pour qu'il se rétracte, puis qu'il s'isole, puis qu'il se dise ouais, ben je peux plus vraiment parler parce que sinon je me fais taper ça à la tête. C'est exactement ça. Est-ce qu'on a encore au Québec une émission de débat neutre qui montre les deux côté de la même façon? Je pense qu'on n'a pas tant ça. On a juste des talk shows qui invitent par défaut des gens de leur avis et une personne du côté opposé, mais qui est tellement faible qu'il réussit pas à se défendre comme il faut. Ouais, ça c'est clair. Dans les débats, dans les médias, ça c'est un autre problème qui est tout le temps comme ça. Puis surtout dans les médias, je pense les plus jeunes, là, des trucs comme Vice ou je pense surtout à ce média-là, qui fait surtout... Des fois, ils passent des opinions de la droite, par exemple, puis s'ils passent ça vraiment rapidement, puis ils en rient assez rapidement aussi, même les journalistes eux-mêmes. Donc, Mais tu sais, c'est parce que c'est divertissant, puis on aime ça, lire des trucs qu'on est déjà d'accord avec eux autres, puis pouvoir rire de l'autre côté, sauf que ce serait le fun d'avoir vraiment... T'sais, pas du temps égal, mais t'sais, presque 50-50 sur les avis. Tout à fait. Pour pouvoir vraiment amener les facteurs les plus vrais pour choisir soi-même. Mais on n'a plus rien de ça. C'est pas encouragé de toute façon. Puis si on prend juste Facebook, les gens qui prennent leurs nouvelles sur Facebook, ben c'est sûr qu'ils sont encouragés à avoir les mêmes nouvelles parce que plus ils ont les mêmes nouvelles de gauche, par exemple, puis si t'es de la gauche, ben là, c'est ça. Tu deviens. Là, t'es content parce que tu vois qu'on a les mêmes opinions que toi. Donc là, t'es plus récompensé. T'es valorisé. C'est pour ça que Facebook puis les médias sociaux en général valorisent ça aussi. Puis essaient d'encourager le fait qu'on soit dans une bulle politique. C'est pour ça que les bons vieux débats dans les médias traditionnels, c'est de moins en moins là. Puis c'est pour ça que je pense le shaming, puis ça, c'est de plus en plus là aussi, malheureusement. Puis c'est pour ça que, tiens, on va faire un lien avec les sites de rencontres que j'ai dit la dernière fois. Cute. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des sites de rencontres. Attends, j'ai-tu les noms? Les sites qui sont faits juste pour les gens d'un même bord. Des sites de rencontres qui sont juste faits pour un même bar. Un exemple, Liberal Hearts. OK. Ouais. Cœur de gauche, là, si on veut. Là. Il y en a un autre, c'est... il y a aussi un site de rencontre pour les communistes. Ça, c'est assez drôle. Ah, ben oui. Il y a un truc pour... à la droite aussi, ça existe aussi. Conservatives Only. Des trucs comme ça. Là. Wow. C'est assez... C'est phénoménal. Est-ce que je suis capable de... T'en as pour tous les goûts. Elite Singles pour les gens qui ont un diplôme universitaire. Elite Singles pour ceux qui ont un diplôme universitaire. T'as Bumble pour ceux qui veulent que ce soit la femme qui choisisse en premier. Ah oui, ça, j'aime bien d'ailleurs, ce truc-là. Bernie Singles aussi. Bernie Singles. Aïe! Ouais. Pour ceux qui ont voté de Sanders, tiens, on peut être ensemble, ouais. Il me semble que tu veux pas que ça te burnie quand t'as des relations sur ces sites. Parce que tu sais, quand on pense aux rencontres amoureuses, on pense tout de suite à Bernie Sanders. C'est les cheveux. Hein. Ben c'est les cheveux, c'est sûr. Puis... en tout cas, donc voilà, ceci est la fin de ma chronique. Hey, c'était excellent, comme toujours. Ça m'a diverti, moi. Ben c'était divertissant, n'est-ce pas, ce matin? Ouais, merci beaucoup, Jimmy Thibodeau. Ben merci à vous. T'es fin, t'es bon, puis tout ça. Ben, voilà, donc Jimmy Thibodeau et Gauchère Bévue, on se retrouve la semaine prochaine. C'est mardi à 9h. Sonia Baudin est remplacée par David Ferron à la co-animation. Salut David. Salut, Nia, j'espère que t'es pas trop découragé. Tu dis pas, oh non, j'aimerais ça retrouver la voix parce que vraiment ça fonctionne pas. Attends, j'ai pas tout compris. Ouais, c'était quoi ça? Ben non, on espère juste que, parce que c'est quand même chaussé de gros souliers que d'être au micro de Tania. Ah. Ouais, c'est quoi, des 6? Non, merci, c'est gentil. Des 8. Des 8, quand même. Ben, je dirais que c'est des 15, là. Des 15? Oui. Oh, mon Dieu. Radiophoniquement parlant, c'est des 15. Merci beaucoup, des grands merci beaucoup. Pieds radiophoniques, Tania. Tania, les gens qui ont déjà des fantasmes qui lui écrivent sur Facebook tous les jours, maintenant qu'ils savent qu'elle a des pieds souliers 15. Ouais, c'est ça, peut-être qu'ils vont vouloir me les licher. C'est ça. Mais c'est radiophoniquement parlant. Ah, OK, OK, OK. Merci beaucoup. Bref, les amis, David, Tania, Mathieu, oui. La formule habituelle, on est de retour ensemble pour une grosse pointe d'adresse. On n'est pas sur le beat pantoute. Matin, les gars. C'est le gros point d'adresse à la chronique où on déguste un produit du tiroir, c'est-à-dire un produit acheteur d'épicerie, en dépanneur, en pharmacie, quelque part. C'est quelque chose de malsain, finalement, dans une rangée miteuse, une ruelle, si on veut. Quelqu'un m'a échangé ça contre de la drogue. Je sais pas. Et boy. Ouais, c'est un peu. C'est trash, un peu cette affaire-là. C'est comme si toi, tu possédais de la drogue. Ben non, jamais de la vie. Si j'en possédais, je l'échangerais contre du chocolat, c'est sûr. Donc aujourd'hui, à la chronique, David Ferron, chef de pupitre du journal Zone Campus, chroniqueur à Assemblage Requis pour la carte bleachée, bien sûr. Tania Baudin qui est de retour après plusieurs chroniques d'absence. Ouais, ouais. C'est là, sans que tu saches, qu'on a commencé à parler par-dessus l'intro de la chronique. Ben ouais, tu vois ça. Ouais, puis moi, j'ai essayé de suivre, puis ça n'a pas marché. Ça a pas, non, c'était pas très bon. C'est pas grave. Mais bref, Tania est là avec son pas de voix. Oui, je suis désolée. Ça va revenir un jour. Je travaille fort. Ouais, je travaille très fort dans les coins. Malheureusement, on n'a pas d'alcool pour t'amplifier la voix parce que d'habitude, c'est pas mal ça le conseil qu'on dit. Hein, de l'alcool fort, je pense. Ouais. Je pensais que ça déshydratait. Donc, à cause de l'effet déshydratant, au contraire, ça empirait l'infection. Mais ça dépend quel genre d'alcool tu vas chercher. Là, tu vas pas le vin, ça changerait absolument rien sur le mieux de ta voix. Mais si, par exemple, tu vas chercher un scotch avec un peu de miel, ça peut faire quelque chose. Est-ce qu'il y a du sirop alcoolisé? Ça me surprendrait. L'hydromiel. Non, ça, c'est à base de miel, c'est vrai. Mais ça, oui, il y aurait caribou, je pense, si je me trompe pas. Ouais, mais c'est pas du sirop. Non, ça. Sirop pour la toux, David, comme dans genre. Tu sais, du sirop que tu boirais avec l'alcool dedans pour faire une combinaison. Il me semble que oui, il y a un alcool qui s'appelle, je me rappelle plus c'est quoi, mais c'est mauve. OK. Faudrait que je revérifie c'est quoi, mais oui, en effet, un mélange d'alcool avec du sirop mauve. Trouve-nous ça, je veux savoir ça. Trouve-nous ça. Je vais vérifier ça. Bref, aujourd'hui, les amis, comme annoncé précédemment sur Facebook, parce que quelqu'un nous a envoyé le commentaire, Stéphanie Paradis, notre chroniqueuse. Stéphanie Paradis a dit, quand on a goûté au Coffee Crisp Sticks la dernière fois, qu'on avait quand même aimé ça relativement, c'était quand même pas pire. Elle nous a dit, Stéphanie Paradis, est-ce que t'as goûté à la O'Henry au bar de Peanut Reese? Et j'avais dit non, et elle est dans mon réfrigérateur. Oh. Pour qu'on puisse y goûter en ondes. C'est excitant. Est-ce que tu as trouvé quelque chose pour ça? Oui, que, oui, ça s'appelle, j'ai montré les photos, j'ai essayé. Et... Enfin, j'essaie de montrer. Non, là, ça fonctionnera pas, fait que fais juste le dire. Pas trop à ça. Ça s'appelle du Sears Up, S-I-Z-Z-U-R-P. OK. C'est très mauve. C'est très mauve pastel. Ben, pas pastel, mais c'est une couleur particulière. Comment t'appelles ça? Sears Up, S-I-Z-Z-U-R-P. Cool. Tant mieux que ça existe. Je disais donc, O'Henry, ou à beurre d'arachide Reese. C'est vraiment écrit avec beurre d'arachide Reese. Donc, pas nécessairement le même chocolat que la Reese's. Non. Parce que c'est ce qu'on aime dans la Reese's. C'est d'habitude, c'est la combinaison entre leur chocolat spécifique et leur beurre d'arachide. Donc, j'ai hâte de voir si le chocolat va goûter la même chose dans une O'Henry. On dit que c'est arachide croustillante, beurre d'arachide, caramel crémeux dans un enrobage chocolaté. Mmh. Ça ressemble à ma personnalité, ça, je pense. Il y a les mots avec beurre d'arachide écrits en arrière-plan, tout le temps avec beurre d'arachide, avec beurre d'arachide, avec beurre d'arachide en surimpression, si on veut. C'est apporté par Hershey Canada, mon préféré. Sauf que, évidemment, il y a toujours de l'huile de palme modifiée, donc on ne peut pas encourager ça, mais... Hein, la chronique serait pas grand-chose sans l'huile de palme, malheureusement. Ingrédients, arachide, sucre, huile de palme modifiée et huile végétale modifiée. Ensuite, on a de l'huile de palmiste modifiée, sirop de maïs à haute teneur en fructose, chocolat non sucré, substance laitière modifiée. Et le reste, bon, sirop de maïs et plusieurs autres trucs comme ça. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus que ça. Donc, je vous l'envoie. Attention, zwip. Voilà. Notre micro magique a disparu. Ah, il est parti se cacher. Tu sais, entre deux chroniques, il fait comme. Moi, il m'a reposé. Surtout qu'on l'utilise peut-être deux fois semaine. C'est ça. Il fait des drôles de bruit aussi, des magiques des fois. Oui, on vient d'entendre. Ouais, je sais pas pourquoi. C'est bizarre. On n'entend pas grand-chose, là, vous me direz, mais c'est normal, hein, c'est un ça. Emballage. C'est la O'Henry avec beurre d'arachide Reese. Ça sent bon. Oui. Je te dirais qu'à première sniff, ça sent la O'Henry. À première sniff, j'aime ça. Oui. Ça sent la O'Henry avant de sentir le Reese? Ben, il n'y a pas d'odeur de beurre d'arachide. De beurre de pin, ouais. Ah, ben ouais, ils l'ont gardé en dedans, faut croire. Là, par contre, j'aimerais savoir comment est-ce que tu veux que je la divise, Mathieu. À votre envie, là, comme okay. Ça te tente, là. Ouais. Divise-la en trois. Moi, ouais, un tout petit morceau, parce que comme je l'ai expliqué, je suis pas un fan de Reese, malheureusement. Je m'excuse, Mathieu. C'est vrai, tu m'as dit ça tantôt, que le beurre d'arachide dans du chocolat, pour toi, t'admets pas le contraste, la fusion des deux, le côté sucré-salé? C'est juste que je trouve que le côté salé est trop mis en évidence. Mais tu trouves ça salé, toi, du beurre d'arachide Reese? Ben oui. C'est salé. Pas tant, non? Ben, je trouve que le mais côté... Mais du beurre d'arachide, c'est tout le temps salé? Ben oui. Ouais, OK. Les arachides, c'est à la base salé. Oui, c'est sûr. Le côté chocolaté, je trouve qu'il est pas très prononcé dans les Reese. On va voir si c'est différent dans la O'Henry. Mange-la pas tout de suite. David, je sais qu'il est tenté. Là. Bon, je vais essayer de ne pas en mettre partout. C'est les arachides à l'intérieur hein, qui sont... quand tu casses la barre... Ouais, c'est ça la porte. C'est ça. Je te reprends tout ça, Mathieu. Et voilà. Merci beaucoup. Et belle, en tout cas, de l'intérieur. Oui, O'Henry, c'est toujours beau, quand même. Je vais manger juste une pinotte, voir. Ça goûte les pinottes. Oh. Là, est-ce qu'on y va parce que c'est à veille de fondre? Hey, t'as raison, le caramel est en train de sortir de derrière. Ouais. C'est quand même particulier. Je vais manger par le bout qui est fermé pour voir. OK. Moi, je serais pas ça, j'ai pas que ça déborde. Très arachidé. On sent beaucoup les grosses pinottes. Il y a beaucoup de grosses pinottes. Mais il y a déjà des pinottes dans la O'Henry. Ouais. On sent un petit peu le beurre d'arachide Reese, mais pas tant que ça. Je trouve pas que ça diffère beaucoup d'une O'Henry normale. Ah oui, le petit arrière-goût, ouais. Le petit arrière-goût de beurre d'arachide, par contre. Ouais. Mais attends, j'ai peut-être pas croqué à la bonne place. Je sais pas si j'aurais peut-être remplacé les arachides complètement par juste le beurre d'arachide Reese. Je pense que ça aurait été mieux. Moi aussi, j'aurais fait ça. Une autre bouchée pour être sûr. Je dirais que... En tout cas, j'ai peut-être pogné un bout où il n'y avait pas de beurre d'arachide, là, mais... Je le sens pas vraiment non plus. À peine. Mais parce que le goût des arachides et le goût du beurre de peanut, Reese, c'est un peu le même goût. Ouais. Donc... Je trouve pas la texture non plus du beurre de peanut. Mm-hmm. Je trouve que ça goûte la O'Henry normale. Ouais. Mais il faut, mettons, que tu mâches quand même une pelle de foie pour sentir un petit peu le goût du beurre d'arachide. C'est très subtil. Mais je le sens dans la gorge, par contre. Ouais, t'es allergique. C'est lèvres je le sens dans la gorge. Non, mais ça pique un petit peu. Ouais. Tu trouves? Ben, j'ai peut-être mal à la gorge, puis je le sais pas. Ouais, c'est peut-être ça. Ouais, c'est peut-être ça. Je vais prendre du sirop alcoolisé. Là, puis, c'est correct. Non, je sais pas, je suis déçu un petit peu, j'aurais préféré. Moi, aussi, moins de peanuts, plus de beurre de peanuts. Écoute, pour le fait que c'est censé goûter quelque chose autre que juste la O'Henry, je vais le mettre sur le côté. Moi aussi, côté. Moi, oui, vu que j'ai trouvé que le côté sucré et salé était bien équilibré, justement, vu le petit côté beurre de peanut pas très accentué, c'est un pouce en l'air. OK, fait que dans le fond, le fait que c'est pas ce que ça devrait être mérite un pouce en l'air pour toi. Pour David, ouais. Moi, j'ai aimé ça. Non, mais c'est bon. C'est... Encore une fois, comme quand c'est... On dit souvent le pouce sur le côté... Tu sais, ça veut dire j'aime ça, mais c'est pas ce que ça devrait être, c'est des trucs ça. Comme ça souvent. Donc c'est correct, c'est bon, mais ça ressemble vraiment plus à un coup de marketing comme dans genre on va mettre le logo de Reese dessus, ça va faire que ça va se vendre. Mais oui. Mais on va pas vraiment travailler fort sur la recette là. C'est clairement ça que c'est passé. Il y a un goût caractéristique, le Reese, qu'il faut qu'il soit là si tu veux que ton produit soit au Reese. Ça goûte différent, spécifiquement ça. Mais c'est comme un crunchy dans le Reese que t'avais pas là-dedans. Ouais. Ouais. Moi, il y a un côté mou aussi, tu sais. Ouais, ouais, ouais. T'as le croquant du chocolat à l'extérieur, le cup là, en tant que tel, avec les petits zigzags. Là. Mm-hmm. Ça, c'est quand même croustillant. Mais le reste, c'est mou et onctueux. Non, ça, moi, je trouve ça trop mou, le Reese. Ben, mais là, au frigidaire avant. Ouais, je le sais, mais on dirait que ça redevient mou tout de suite après. Ouais. Est-ce que je t'ai parlé de la barre? Aïe, aïe. Faut que j'arrête. T'as mis un peu plus. Je suis désolée. Non, ça va. Je t'ai parlé de... Qu'est-ce qu'il y a? Rien. OK. Je t'ai parlé tantôt, David, de la barre de chocolat Reese. Hein. C'est disponible partout. C'est une grosse barre divisée en carrés. Okay? Et à l'intérieur, t'as la texture d'un vrai Reese. Donc le mou et le petit côté sablé, je pense, sablonneux de la Reese à l'intérieur d'une barre. Je la conseille énormément. Je conseille ça. Mais là, il n'y a pas ça. Ça existe. Non, mais il l'avait pas dans la barre. Il l'a dans l'autre barre. Donc, moi, tant qu'acheter ça, j'achèterais l'autre barre parce que le chocolat est vraiment plus, plus dur et l'intérieur est plus moelleux. Il y a aussi les Reese's en gaufrette. Ça vous tente d'essayer ça? Jamais goûté. Très bon. Je me rappelle pas comment. C'est des Reese's Sticks, quelque chose du genre. Je me rappelle pas trop, mais c'est vraiment très bon. Et j'ai conseillé aussi à David tantôt les Reese's Pieces. C'est comme des M&M avec du beurre d'arachide dedans. C'est excellent. Pas vrai. Je vous conseille tout ça plus que la O'Henry avec tendance marketing. Moi, je fais manger la O'Henry bien régulière. Ouais. Ben, c'est ça, j'ai trouvé qu'elle goûtait, moi. Ouais, c'est vrai. La régulière. Bulletin Guertin. Bulletin Guertin avec donc Sébastien Guertin. Bonjour à toi. Oui, bonjour. Tu as dit parler de plusieurs choses. Oui. Et là, ça m'intrigue. C'est très accrocheur quand même. Oui, hein, ben, en fait, c'est que une des raisons pourquoi j'ai dit ça, c'est que j'aime pas ça faire le spoiler. Ah, je comprends. Moi non plus, j'aime pas ça. Je veux garder la surprise. C'est ça. Mais tu sais, je suis comme déchiré entre vouloir garder la surprise et vouloir que les gens restent à l'écoute. Ben, c'est ça. Fait que là, je reste nébuleux. Puis finalement, le monde sont déçus quand ils restent après la pause. aujourd'hui est une de mes chroniques avec semi-podcast. Préparé, mais pas tout à fait. C'est ça. Pas tous les chiffres devant toi. C'est plus éditorial, puis plus. Comment je dirais ça? Une genre de discussion. Ah, OK, on va jaser. On va jaser. Ça a été fait à trois, mais on va le faire à deux. Hein? C'est ça, c'est pas grave. Hein? C'est quand il y en a assez de deux. Hein? C'est ça. Même c'est si ça avait été là, ça aurait été. Ça a été ça. On sent un petit ton acrimonieux. Non. Hey. Je ris pas. Ben, on rit de l'un et de l'autre tout le temps. Fait que c'est correct. D'accord. Okay. Elle est probablement en train de rire de toi. Probablement. Avec son iPhone. Elle est en ligne sur Facebook en ce moment. Fait que probablement qu'elle écoute. Non, écoute pas, Tania. Repose-toi, Colin. Oui, va te coucher. Là. Ta voix, c'est important. Mets ce qu'il te faut aux endroits où il faut pour que tu puisses retrouver ta voix. Quoi? Parce que je suis pas vite de comprendre la matière. Il y a pas de tabou, c'est suppose-toi. Il n'y a pas de tabou à ça. Ben, il y en a un peu, mais... Des tabous? Ben, il devrait. Ouais, j'avoue. Ouais. Ouais. Trop tard. C'est ça. Trop tard. Le mal est fait. C'est ça. Oui. Donc, parlant de mal qui est fait... Oui. Je vais parler d'une petite tendance en politique qui était disparue, qui veut revenir, peut-être, on sait pas. En fait, je voulais parler d'un truc, je vais garocher ça demain. Ouais. Que j'ai comme une opinion, mais j'en ai pas une, puis tout ça. C'est pour ça que je voulais en parler. C'est les politiciens qui écrivent des livres. OK. C'est ça, cette histoire-là. Pour préfacer ce que je vais dire là-dessus, dans les derniers. Un prologue, comme on peut un livre, dire. Une introduction. Ouais. Un chapitre premier qui met la table. Il fut un temps où, quand tu voulais faire un choix intelligent pour lors des élections ou autre, ou t'informer, ou peu importe, tu pouvais te procurer le programme d'un parti, ouais, le lire et savoir ce que le parti proposait. Mm-hmm. C'est plus difficile à cette heure. Étonnamment, on se dirait, ouais, mais ils ont un site internet. Ouais, c'est ça, ils n'ont pas un PDF à quelque chose, non? C'est que ce qui arrive, c'est que c'est plus à la mode de faire ça, vraiment. Ils prennent des grandes positions, mais souvent, la plupart des partis, ce qui arrive, c'est qu'ils font un congrès un peu avant les élections. D'ailleurs, on est comme dans la période de tout ça un peu. Là. Ils décident, bon, ça va être quoi les gros points qu'on va parler aux élections? Puis le programme du parti, ben, tu touches pas vraiment à ça. C'est un PowerPoint, finalement, leur programme. C'est ça. Souvent, il est difficile à trouver sur le site quand il existe. Je pense entre autres au PCC qu'aux dernières élections fédérales, il existait carrément pas. Ah ouais. Erreur 404 quand on se clique dessus. Ouais, ben oui pis non, là, c'est que t'avais des documents là, qui étaient en gros là encore les gros points de presse avec un argumentaire un peu avec, mais c'était à peu près tout. T'avais pas de vision cohérente, pis t'as pas l'impression, tu regardes les partis dernièrement, t'as pas l'impression que c'est si à mode que ça avoir une vision cohérente. Ouais. pour tout le monde en même temps. Dans le parti. Il fut un temps où ce que de toute façon, même sans programme, tu pouvais te dire Parti libéral, OK, c'est le parti du libéralisme. Ouais. C'est des libéraux. C'était compris, non écrit. Droits et libertés. Ouais. Donc, puis les affaires qui vont avec. Ça, c'est dans les années 70, c'était pas mal ça. 60-70, là. Parti québécois. C'est un parti libéral, mais souverainiste. OK. Parti conservateur. C'est un parti qui défend le conservatisme. Oui. Tu sais, c'était... C'est comme, comme les Anglais disent, it says what's... Voyons, c'est quoi la phrase? What's on the tin, tu sais, là. Genre, c'est ce qui est écrit sur la canne. C'est, ouais, ouais, t'sais, on peut dire ça de même. C'était clair qu'est-ce qu'il défendait. NPD, Nouveau Parti démocratique. Si on regarde vite, OK, ouais, non, Nouveau Parti démocratique, fine. Il est affilié avec l'International. OK, c'est un parti socialiste. Voilà. Là, ils ont enlevé tous les mots, toutes les instances du mot socialiste dans toute la documentation c'est de mal NPD. Vu. Ben, parce que là, c'est un mot qui fait peur. Ouais. Hein? Socialiste, hein? Les Russes, socialiste au bout, les Russes. Ouais. C'est ça. Bref, si vous regardez dernièrement, ça fait peur. Mmh. Vraiment, vous, savoir sur quoi vous votez, c'est plus difficile. Parce que quand surtout, ils doivent avoir une plateforme, étant donné que tu peux faire la boussole électorale et savoir de quel parti tu serais, ça veut dire qu'ils ont au moins des grands points, non? Il y a des grands points. Ceci étant dit, même là, puis la boussole électorale, c'est le fun. Mais quand que tu connais un peu plus l'affaire que la moyenne, tu te rends compte que c'est bien limité comme. OK. En partant, mettre la politique sur deux axes. Ouais. C'est déjà mieux que sur rien qu'un, tu sais, gauche puis droite, ça, y a rien qui m'écœure plus que ça. Tu sais, bon, j'anime une émission qui s'appelle La sortie de secours est à votre gauche, puis c'est jeudi pas parce qu'on. Faut que tu fasses ta plug. 18h, faut faire la plug. C'est rare, je la fais tôt de même dans la chronique. Mais. Tu sais, c'est qu'à base, c'est un peu une joke de dire qu'on est des gars de gauche parce que. Moi et mon co-animateur, Lucas, on croit pas tant que ça à l'appellation de gauche. Mmh. Parce que, tu sais, pour bien des affaires, il y a du monde qui trouve que je suis de droite aussi. Ben c'est très, très noir et blanc. Il y a des zones grises. Il y a des zones grises, puis parce que c'est pas rien qu'une question d'un gradient de couleur dans les zones grises. C'est que ça va dans de tous les bords. Ouais. T'sais. T'es pas c'est nécessairement. 2 millions de couleurs. Ben, c'est ça, c'est que t'es pas nécessairement. Tu sais, mettons, oui, j'ai plein d'idées de gauche sur des affaires, mais je suis très libertarien sur d'autres affaires aussi. Puis, comme ben du monde de gauche, quel exemple je pourrais donner? Juste, mettons, ben, donner un exemple, le militarisme. Mm-hmm. Ben du monde de gauche qui sont pour qu'on abolisse l'armée. Moi, je suis pas pour ça. Je suis pour qu'on change un peu le genre de mission qu'on fait puis tout, mais personnellement, je suis pas contre le fait qu'on ait une armée. Ouais. Mais en même temps, exemples comme ça. Faut comprendre qu'il y aura pas, il y a beaucoup plus de partis que que les partis majeurs, mais s'il fallait qu'il y ait un parti pour chaque façon de penser. Mais mettons, il y a les partis majeurs puis semi-majeurs. C'est on va dire ça de même. Parce que trop, c'est comme pas assez. Hein. Si tu mets à regarder tous les petits partis, c'est rien. C'est que souvent, c'est des partis d'une seule cause. Ouais. Ouais, le parti bloque pas, je sais pas quoi. Là. Ouais, c'est ça, tu sais. Ils ont d'autres politiques, fine, mais à base, c'est le parti d'une seule cause quand même. Le parti vert est peut-être la porte d'entrée de ce que j'appellerais les partis sérieux, mais. De base. Je vais expliquer rapidement pourquoi. C'est que, puis c'est là où je vais en venir avec mes histoires de livres, c'est une vision cohérente. Quelque chose d'organisé. C'est ça. C'est que. Il y a tellement d'idées pis tout. Tu peux pas être cohérent si tu suis 100% de tes opinions que toi t'as sur ça pis ça pis ça pis ça pis ça. À un moment donné, ça sera pas cohérent parce qu'une affaire que tu trouves importante va peut-être pas fitter avec une autre affaire. C'est un des intérêts des gros partis. Pis c'est rare qu'on va faire l'apologie des gros partis. Pis je fais pas l'apologie des gros partis dans leur état actuel aujourd'hui. Je vais la faire de... L'idée derrière le fait qu'on a des gros partis et qu'on en a pas beaucoup de ceux-là, c'est qu'à un moment donné, ça devient des professionnels de l'idéologie et de la vision cohérente de la société. Parce que ce qui arrive, c'est que de proposer ci, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, ben à un moment donné, ça finit que tu te contredis. Ça finit qu'il y a des contradictions dans ce que tu fais puis qu'il y a pas de cohérence. Tu t'en vas pas vers quelque chose, tu patches du bobo. Tu sais, un peu comme, t'as bien beau te mettre des plasters un peu partout, mais ça règle pas la maladie des fois. Non. T'sais, c'est un peu la même affaire. Ça empêche les enfants de brailler. C'est ça. Parce qu'ils ont pas l'éponge. Empêcher de brailler d'un bord puis de l'autre, ça va pas régler la maladie tout le temps. Ouais. T'sais, c'est un peu comme, ben, t'sais, exemple extrême, mais quelqu'un qui a le cancer, que tu traites les... OK, il y a tel symptôme, tu traites ce symptôme-là. Il y a tel symptôme, tu traites ce symptôme-là. Mais à un moment donné, si tu ne l'envoies pas en chimio, Colin, ça va continuer d'aller mal. Mm-hmm. Ben c'est ça. C'est un peu la même affaire. Donc, l'idée des gros partis, dans ce qui devrait être, c'est d'avoir une idée cohérente de « OK, notre société est là. On pense qu'il faudrait qu'elle s'en aille là. Fait que nos propositions, c'est le chemin pour se rendre là. » Présentement, ce qu'on constate dans les gros partis, c'est que la société est là, puis déjà là, savoir la société est où, à cette heure, c'est rendu touché un peu, parce qu'elle n'est pas tout le temps exactement où ce qu'on nous dit qu'elle est, de un, hein, la désinformation, fake news, ça, c'est sujet de toutes mes chroniques à peu près depuis le début de, depuis le début de l'année scolaire. Mais hein, le maudit trumpisme. On est titané. Hein? Non, c'est effrayant. Mais tu sais, c'est pas, il a pas inventé ça. Non, mais il a peaufiné l'art. Il dit qu'il a inventé ça. Oh, ouais, c'est vrai. Là, il essaye d'avoir le crédit du terme fake news. Ouais, ouais. Peut-être du terme, mais c'est pas le premier qui bullshit en politique. C'est sûr que non. C'est certain pas. Puis surtout de cette manière-là, de manière aussi déconnectée de la réalité, c'est pas le premier non plus. C'est celui qui a. On pourrait dire qu'il a porté ça à son apogée. Ah oui, c'est beau ça. Mais c'est pas lui qui son l'a inventé. Climax. Un peu comme avec sa porn star. Ouais, exactement. Le. J'en reviens pas. Non, ouais. Mais, tu sais, c'était un peu comme Hegel, philosophe du 19e siècle, disait. Bagel? Hegel. OK. Hegel. Kegel? Hegel. Hegel. Disait que puis c'est pas le seul à avoir dit ça non plus, je sais plus qui avait pris ça, mais en tout cas, on est chaque grand penseur est un nain sur les épaules de géants. Parce que les grands penseurs, tout ce qu'ils ont fait, c'est prendre tout ce qui se faisait dans ce temps-là, puis l'améliorer, le mettre en mots, mettons. Faire un confit de philosophie. Faire un confit de, ouais, c'est ça. Un confit philosophie. Fait que c'est un peu la même affaire, tu sais. Trump est un nain sur des épaules de géants de la bullshit. Il a des petites mains, on le sait. Ouais. on est dans la dominée ma matin. Ouais, c'est facile. Hein? C'est facile. C'est vrai. On en fait tout un petit peu ben sur lui aussi. Il amène à ça. Il fait ressortir ce qu'il y a de moins bon. Là, un peu comme on a tout un chum de gars un peu niaiseux qui nous fait tout le temps faire des mauvaises affaires. Ouais. Faire sortir le plus mauvais en nous. Là, ben, il est un peu de même, on dirait. Il est parfait dans ce qu'il fait. T'sais. C'est ça. Donc, vision cohérente de la société. C'est que, bon, ce que je disais à l'origine, ce qu'on voudrait qu'un parti fasse, c'est OK, la société est là. Nous autres, dans notre idéologie, mettons qu'on prend le parti libéral, on veut une société plus juste, plus égalitaire, où les gens sont plus libres de mener la vie comme, leur vie comme ils l'entendent, et le gouvernement devrait leur fournir les moyens de faire ça. Ça serait un parti libéral que ce qui est dans la tine, c'est la même affaire que le nom qui est écrit dedans, qui est écrit dessus. Ben, does exactly ça. What it says on the tin. C'est ce que Wikipédia me dit que c'est la phrase est. Bon. Donc, puis, ben, là, OK, présentement, l'état des droits et libertés et de des opportunités des gens de mener leur vie comme ils l'entendent, c'est ça. Faudrait que ça aille vers ça. Ben, OK, on va faire ça, puis ça va nous amener vers ça parce que, voilà, ça devrait être ça, une idéologie de parti. Je donne un exemple parce que libéralisme, c'est en quelque part l'idéologie politique la plus partagée en Occident, mais en même temps, peut-être la moins respectée dernièrement. La plus pervertie, mettons, on va dire ça de même. Donc, ce qu'on constate présentement, c'est que il y a comme trois phases à ça. Il y a l'état actuel, l'état désiré et l'entre-deux. Ce qu'on fait pour se rendre à l'état désiré. Le problème, c'est que, bon, présentement, de un, l'état actuel, c'est connu depuis plusieurs années. Nos gouvernements coupent dans à peu près toutes leurs possibilités d'avoir leur juste sur l'état actuel. C'est pire au fédéral. Les années Harper ont été dégueulasses là-dessus. La science commanditée par l'État a été démolie complètement. On s'en remet encore de ça même 3 ans plus tard. Mais bon, il y a déjà ça. Qui plus est, plus souvent qu'autrement, on va pervertir les faits même quand on en a pour faire l'affaire de notre agenda. Puis là, comme je dis, l'agenda, c'est pas la même chose que l'idéologie, l'objectif, où est-ce qu'on veut se rendre. Ensuite, l'objectif où on veut se rendre, c'est plus toujours celui qu'on dit. On va donner l'exemple du Parti libéral au Québec. Parti libéral au Québec, comme je disais, en gros, qu'est-ce que ça devrait être un parti libéral? Permettre aux gens d'être plus libres. Puis ça, c'est pas là, du liberté city de libertarien. Là. C'est donner la liberté aux gens de mener leur vie comme ils l'entendent. Ce que ça veut dire, le résumé très rapide de c'est quoi la vraie idéologie libérale. Tu sais, quand votre mère, elle disait « Ta liberté s'arrête, celle de l'autre finit, celle de l'autre commence », c'est un peu ça, le libéralisme. C'est, toi, t'as ton petit espace de vie, puis tu fais ce que tu veux avec, tu fais ce que toi, ta vie, puis tu déranges pas les autres, et la société sert à te créer les opportunités de faire ça. Mmh. Ce que ça veut dire, oui, ça veut dire un genre de libre entreprise, peut-être, ça veut dire un paquet de choses comme ça, qu'on associe présentement au Parti libéral, le mais ça veut et tout, aussi dire, puis pas nécessairement le gros capitaliste sale, mais oui, une sorte de les gens ont la liberté d'un peu faire ce qu'ils veulent dans la vie. Ouais. Par contre, une chose aussi, pour être réellement libre, il faut que tes besoins primaires soient garantis. Mmh. Donc, c'est pour ça qu'on a un filet social. La santé universelle, c'est une affaire de libéraux. Parce que la libre entreprise ferait habituellement, ce serait que du privé. C'est ça, exactement. Mais quand que ta possibilité de vivre une vie décente dépend de tes moyens financiers de base, t'es pas libre. Donc, c'est comme anti-libéral, la libre entreprise, dans certains domaines comme la santé, entre autres. Puis là, c'est intéressant qu'on amène ce sujet-là parce que on regarde le Parti libéral présentement qui devrait être devrait être le défenseur de ces belles valeurs humanistes-là de... On donne le fond, là, la fondation, la société donne la fondation aux gens de bâtir leur propre petite maison dessus. Puis on se demande présentement, la fondation est-tu vraiment là? Parce que ce qui arrive, l'objectif caché mais à peine de l'actuel gouvernement libéral, ben c'est la privatisation des services sociaux. Il s'en cache à peine. Philippe Couillard lui-même, qui est notre premier ministre présentement, qui est un ancien, qui est un neurochirurgien de formation, qui a même été dans le domaine de la neurochirurgie, qui est quand même dans les pas pires dans le monde, en fait. Ben, il a pas probablement, ça fait des années qu'il pratique plus, fait qu'il en a peut-être perdu pas mal, mais, je veux dire, il a été chez neurochirurgien de multimilliardaire en Arabie Saoudite, pis tout. Wow. Il doit être pas si pire, tu sais. Mais, dans le temps qu'il était ministre de la Santé sous le gouvernement Charest, puis depuis qu'il est revenu au Parti libéral, qu'il est revenu en politique québécoise, son objectif, c'est assez clairement la privatisation du système de santé. C'est lui qui a créé le système de santé à deux vitesses. Avant son règne de ministre, des assurances privées, c'était pas la même affaire, pas en tout. T'avais pas mal moins d'affaires de couverte par ça. C'était vraiment un genre de monopole d'État et c'était bien correct de même, en fait. Ça, parenthèse, il y a bien du monde qui va me dire oh, « Le système de santé québécois, c'est un peu de la merde, nanana. » C'est comme « Oui, mais... » T'as faut pas faire payé attention. Des dizaines de milliers de dollars pour chaque affaire que c'est tu veux. C'est ça. À base, le fait que t'attendes à l'urgence, c'est un petit prix, ça fait chier. Un petit prix. Puis j'ai eu ma dose moi-même d'attente à l'urgence. Puis je peux vous dire que quand ça fait 6 heures, ce que je vais dire là, quand ça fait 6 heures que je t'essaie à l'urgence à attendre de voir un médecin, c'est sûr que je suis moins porté à le défendre bec et ongles, mais ça reste que c'est quand même mieux d'être obligé d'attendre en allant à l'urgence que de se dire « J'ai-tu moyen d'aller à l'urgence avant d'y aller? » Ouais, ben effectivement, puis je vois même pas comment dire le contraire de ça ou faire l'avocat du diable de ça. Je veux dire, on parle de dizaines de milliers de dollars pour quelque chose de base, là, t'sais, à chaque opération aux États-Unis ou dans d'autres pays qui n'ont pas le système. Et faut voir aussi que il n'y a pas grand pays, en fait, qui n'ont pas de système de santé universel. C'est juste que on a l'exemple des États-Unis d'en face, nous autres. Parce que les États-Unis, c'est le meilleur, c'est le pire exemple. Ouais. C'est probablement un des pires systèmes de santé du... En fait, pas probablement. C'est assez reconnu comme étant le pire système de santé du monde, des pays développés. Si tu veux apprécier celui que tu as, regarde les États-Unis. Parce que ce qui arrive, c'est qu'il y a bien du monde qui dit « Ouais, mais tu sais, aux États-Unis, il y a des assurances, tatata, pis ça, tu es comme « Ouais. » Sauf que si tu travailles, si tu gagnes la moyenne de salaire qu'on gagne au Québec, t'aurais pas les moyens d'en avoir des assurances aux États-Unis. Tu seras endetté à mort. Si t'es chanceux pis que ton employeur en fournit, ben, t'es déjà pas mal mieux que bien du monde. Puis l'autre affaire aussi, ce que le monde oublie, c'est que les États-Unis, dans les pays industrialisés, non seulement c'est un des pays, c'est le pire système de santé, mais c'est étonnamment un des pays qui dépense le plus par habitant en santé quand même. Juste parce que, au lieu d'avoir un système de santé universel single payer, c'est que ils ont quand même un genre de filet social, mais c'est le gouvernement qui paye le prix que les compagnies privées de santé décident de charger. Ce qui fait que ça leur coûte ridiculement cher. Tu sais, nos médecins, on est dans l'encore des pays industrialisés. au Canada et au Québec, on est une place où ce que les médecins sont payés le plus cher. Ça, il y a un gros mythe qu'il y a à défaire autour de ça, mais on est quand même des places où les médecins sont payés le plus cher dans le monde. Puis là, on se dit, ouais, mais aux États-Unis, ils sont payés bien plus cher. Oui, parce que c'est eux autres qui ont le record. C'est les pires là-dessus, mais encore. Oui, c'est ça. Et puis c'est pas de déprécier le travail des médecins, mais c'est qu'à un moment donné... C'est pas comme tu dirais. C'est ça, tu sais, c'est... c'est juste de mettre les pendules à l'heure. Ouais. Bref, je digresse. Je voulais revenir à ce qu'on parlait. Donc, je disais trois phases d'une idéologie, l'état actuel, où ce qu'on veut aller et le chemin entre les deux. Ouais. Donc, pour récapituler, d'un parti actuellement, l'état actuel, il y a bien de la bullshit autour de ça. On n'a pas souvent la bonne heure juste pour différentes raisons que j'ai développées tantôt. Là, j'essaie de récapituler parce qu'on est parti loin, puis je vais revenir un changement peu. Changement d'heure, tout ça. Là, c'est ça. Question de se fucker un peu plus. L'objectif où ce qu'on veut aller, ben comme je dis souvent, ce que j'expliquais là, c'est que c'est souvent pas celui qu'on nous vend. C'est-à-dire, je disais, un parti libéral, à la base, n'importe qui verrait un parti libéral qui connaît un peu ça, se dit « OK, ça se dit libéral, donc leur but, c'est le libéralisme. Liberté des gens, filet social pour leur permettre de faire la vie qu'ils veulent. » Présentement, c'est pas ça le Parti libéral. En fait, depuis l'ère Charest, le Parti libéral est rendu beaucoup plus un défendeur du conservatisme économique que du libéralisme économique. Ce qui est des fois difficile à distinguer, mais... Il y a une différence. Beaucoup moins d'État-providence, entre autres, là-dedans. Puis comme je disais, ben, l'objectif quasiment avoué de l'actuel Parti libéral, de notre gouvernement qu'on a là, c'est la privatisation des services publics. Et finalement, puis là, j'arrive au troisième point, qui est le chemin entre les deux. Mm-hmm. Ben, de un, quand déjà ton objectif est perverti, on s'entend-tu que les gestes que tu vas poser entre le présent et le futur, en quelque part, sont pervertis par cet objectif-là. Mais qui plus est, souvent, même à cette heure, les politiques ponctuelles, on va dire, chaque petite décision que le gouvernement prend, sont pas nécessairement tant que ça. Oui, il va en avoir qui vont aller vers cet objectif-là, mais de plus en plus, c'est du « on va faire fermer la gueule à ce groupe-là ». C'est du ponctuel, comme je disais. C'est plus une vision cohérente d'un objectif. C'est « ouais, OK, on fait des grands moves pour notre grand objectif, mais... » Au jour le jour, on va pas parler de ça. On va parler de qu'est-ce qui fait une nouvelle, puis c'est là-dessus qu'on va légiférer. Pis qu'est-ce qui fait que les gens vont voter pour nous la prochaine fois aussi? C'est ça, exactement, de l'électoralisme. Ouais, du pandering qu'on appelle en anglais. C'est ça, du pandering. C'est OK, bon, là, on va aller chercher, ou encore du clientélisme électoral. Ah, c'est beau. C'est un autre terme. C'est de dire, bon, OK, il y a tel groupe d'intérêt que nous autres, stratégiquement, on sait qu'on peut aller chercher si on fait ce move-là. Ça on est capable de le faire. Pour les... Go for it, on va chercher eux autres. Ouais. On les vole à telle autre partie, puis ainsi de suite. C'est du pandering, du clientélisme. Appelez-le comme vous voulez, mais c'est ça quand même. C'est croche. Puis là, je donnais l'exemple du Parti libéral parce que, bon, c'est le gouvernement, fait qu'un tout le temps mieux de faire ça sur ceux qui sont au pouvoir. Oui. PQ font en même affaire présentement. Bon, là, puis c'est... en fait, ce qui est drôle, c'est que ma chronique est partie un peu d'un côté que je m'attendais pas, c'est que... Tu voulais parler de livres à la base, hein? Je voulais parler de livres à la base parce que... Ben, ça, c'est l'état des choses pas mal actuel. Par contre, une tendance que, tranquillement, pas vite, on voit peut-être ressurgir un peu. Puis étonnamment, ça ressurgit pas des places où ce que j'aurais pensé. C'est les politiciens qui écrivent des livres pour parler de politique. C'est le genre d'affaire que t'aurais attendu que la gauche classique, genre QS, aurait fait. Puis non, ça vient pas tellement d'eux autres. Je pense que celui qui a peut-être recommencé un peu ça, c'est Sol Zanetti de Feu Option Nationale. Moi, Option Nationale, je suis niaisier QS. Non, Option Nationale s'est fait bouffer par QS. Ils ont ravalé, c'est ça. C'est ça, je veux dire, je m'excuse, là, c'était ça où ils crevaient de leur belle mort. Ouais. On va se le dire, là. Mais il y a son comité de quelque chose, c'est ça? Ouais, c'est ouais, ça. Ben, ouais. Ben, c'est ouais. La gang qui s'occupe de l'indépendance dans QS. Faire taire les péquistes, finalement. c'est ça. Il y a ça, Zanetti qui a commencé, mais en fait, les deux derniers exemples qu'on a, ben, c'est François Legault avec son livre là, sur le projet Saint-Laurent, que j'ai pas encore lu, mais que j'ai. En fait, je l'ai lu à la bibliothèque. J'ai l'intention de le lire là, prochainement. Je vais peut-être faire une chronique là-dessus des prochaines semaines, en fait. Parce que une des choses, François Legault, chef de la CAQ, depuis sa fondation en 2011, 2012, enfin, ça sonne vrai. C'est distingué comme étant un parti que c'était pas clair ce qu'il défendait. Ils ont 2011, novembre. 2011, ouais. Ils ont comme un genre de programme, mais ça part de tous les côtés. D'ailleurs, dans ces années-là, je sais plus si c'était vraiment l'année de la fondation ou comme l'année d'après, mais il y avait eu un gag que j'avais trouvé extrêmement révélateur au bye-bye de cette année-là. Il l'appelait François Lego, puis ouais. La CAQ, c'était un jeu fait à partir de morceaux de d'autres jeux, tu sais. Donc, t'avais la boîte Lego du PQ, du Parti libéral, puis d'autres de l'ADQ, puis mis ensemble, ben tu sais, tu me prennes des pièces d'un peu tout, puis ça donnait la CAQ, là. Ça, ils se font un peu... C'est la critique constante, surtout à gauche, d'ailleurs, de la CAQ, c'est que c'est un parti de sondage. Pis ça, François Legault s'est fait un peu... s'en cachait pas quand il a fondé le parti, c'était de gouverner avec les sondages, c'est-à-dire, ben, on va parler de ce qui est important pour les gens. Puis... avec tout ce que j'ai dit là, ça me fait mal au cœur de dire ça, mais je me dis, c'est pas si insensé que ça, des fois. Parce qu'en tant que policier, est supposé représenter la population. Si la population a une opinion, mais c'est logique. Mais qui plus est, les autres le font déjà, puis lui, au moins, il assume le fait que c'est ça. Ouais. Fait qu'à quelque part... À quelque part. Puis, il y a quand même un genre de projet. Puis là, c'est là que... Bon, je me prononcerai pas sur la CAQ est-ce une option politique viable. Moi, c'est sûr que les grandes positions qu'on sait qu'ils ont prises, moi, je suis pas d'accord avec sur un paquet de choses. Mais il y a quand même des idées intéressantes. Ça pour dire que, bon, je suis venu à parler de ça un peu. Puis pourquoi est-ce que j'ai décidé de lire son livre finalement? Ben c'est que présentement, ça regarde pas mal pour que ça soit notre prochain gouvernement. Ah, pour vrai? Parce qu'on est en élection à l'automne prochain. Mm-hmm. Fin de l'été, début de l'automne. Puis présentement, si la tendance se maintient, évidemment, il peut se passer bien des affaires dans une campagne électorale, mais actuellement, selon les sondages, la CAQ serait un gouvernement majoritaire si l'élection était aujourd'hui. Eh ben. Fait que c'est ça. Puis ça, il y a bien du monde qui panique avec ça. Puis moi, je suis pas sûr que je panique. Puis je suis pas en train de dire que je voterai pour eux autres, mais je suis pas sûr que je panique non plus. Ce serait pas la pire affaire, tu penses? Je pense que ça serait pas la pire affaire. Okay. Mais, justement... François Legault nous a donné un livre qu'on peut lire pour savoir à quel point. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est intéressant comme affaire. Il y a Sébastien Proulx qui a... J'en ai parlé un peu, en fait. Non, c'était à mon émission, j'en ai parlé. Des fois, je me mêle de où est-ce que j'ai dit quoi. Matin, puis... soir, même affaire. C'est ça. Sébastien Proulx, actuel ministre de l'Éducation pour le Parti libéral. D'ailleurs, un ancien de l'ADQ. Hein? L'ancêtre de la CAQ, ouais. Ben, puis oui, puis non. Rattaché. C'était pas exactement la même affaire, là. C'était... Oui, la CAQ est un peu née des restants de l'ADQ. Des cendres. Beaucoup, mais c'est pas tous les ADQistes qui étaient des grands CAQistes. Puis, en tout cas, c'est pas exactement la même affaire, okay. Là. C'est pas... Dans la tête du monde, la CAQ ont peut-être ramassé une partie des restants de l'ADQ, mais c'est pas comme un parti relié à ça qui a été refondé, un peu comme ce qui s'était passé avec le Parti conservateur au fédéral, entre autres. Okay. C'est vraiment comme un autre parti, mais qui partage certaines notions. Imaginez les diagrammes de Venn, les deux ronds qui se touchent. Là. Ben, tu sais, le milieu, il superpose pas complètement, mais il y a quand même une superposition plus grosse que la moyenne, maintenant. C'est une belle image. On dit ça de même. Ben, donc, qui vient un peu de la même idéologie en quelque part, Sébastien Proulx, qui a écrit un livre aussi sur ses objectifs en tant que ministre de l'Éducation. Moi, je n'ai rien un peu parce que les grandes lignes, c'est toutes des affaires qui sont pas nouvelles, puis qui sont pas originales, puis qui... c'est le genre d'affaires qu'on se fait rebâcher à tous les cycles politiques. Ben oui, puis que une des raisons pourquoi ils se produisent jamais, c'est que c'est des idées de merde. OK, bon. C'est des idées qui sont bien belles sur papier, mais qui donnent rien de réel en fin de compte, puis qui coûtent cher à mettre en place. Tu sais, puis ça, d'ailleurs, depuis le début de son mandat, le ministre Proulx, ben, les idées chères qui donnent pas grand-chose, il est fort là-dessus. Fait que ça commence à faire des acaques personnelles. Ouais. Ben là, lui, c'est un libéral. J'attendais de la placer, ouais. Ah, mais c'est que les... Ça fait défaire mon gaz. Oui. Mais c'est ça, c'est que c'est un... tu sais, on pense entre autres quand il y a l'espèce de consultation là, un peu paradoxale là, pour moderniser l'école publique, là, que... Bon, c'était bien gros sur le flafla, puis... Tu sais, à base, les problèmes de l'école publique, c'est que Colin, faut arrêter de leur couper les vifs, puis ramener les services à ce qui était dans les années 90, là. C'est un peu ça, là. Quand ça allait arrêter d'enlever des ressources, Colin, là. Remettez les ressources qu'il y avait avant. Arrêtez d'essayer de régler des problèmes qui n'existent pas, puis régler les problèmes que vous avez créés en essayant de régler les problèmes qui n'existent pas. Hey, si seulement la vie fonctionnait comme ça. C'est ça. C'est pas une affaire de designer des menus intéressants ou regarde à m'amener le menu de cafétéria, là, regarde, hein. C'est du pâté chinois, ouais. Des affaires de même, c'est bien normal, là, c'est bien correct. Tu sais, quand tu parles de ça, c'est de l'éducation, ça n'a rien à voir avec l'éducation de pâté chinois. Non, c'est, ben, ça, oui puis non, parce que oui, le non, le, surtout non. Le, non, il y a... Ouais. Tu peux avoir des protéines, mettons, là, sans non, avoir... Non, mais dans le sens que le ben, la cafétéria, ça fait partie de l'école en quelque part. Ouais. Il y a différentes raisons pourquoi il y a ça puis pourquoi c'est relié avec l'école. Les autobus aussi, puis il y a plein d'affaires comme ça. Les gens qui font ça, qui font traverser les coins de rue, oui, ça a rapport, mais c'est tangente un petit peu. Ouais, c'est ça. C'est à la base, tu sais, ça ramènera pas des spécialistes dans les écoles. Exact. Parce que c'est un des problèmes criants. Ouais. Bon, ça, on n'adresse pas tellement ça. Disclaimer, je l'ai pas plus lu son livre. Bah. J'ai lu ce que les gens qui ont lu en ont eu à dire, ce qui ont les grandes lignes qui en ont ressorti. Puis une de ces grandes lignes-là, ben, c'est l'ordre professionnel des enseignants. Puis ça, j'ai fait un beau gros éditorial là-dessus sur pourquoi c'est pas une bonne idée. Ben, pourquoi c'est pas une bonne idée. À quoi ça servi, pourquoi ça servirait à rien, en fait, puis ça ferait juste... Ça fait juste... Ben justement, ça répond à des problèmes de... Tu sais, on va reprendre la grille que je donnais tantôt, tu sais, l'état actuel, où est-ce qu'on va aller, puis le chemin entre les deux. L'état actuel dans ce cas-là est un peu perverti parce qu'on dit, on met ça à faute des profs, les problèmes qu'on a dans le système d'éducation. C'est un peu ça qu'on dit quand on parle de ah ouais, faudrait créer un ordre professionnel des enseignants pour revaloriser, puis là je fais des gros guillemets, là, des air quotes, là, revaloriser la profession enseignante. Mais c'est parce qu'en même temps, ce qu'on dit, c'est que le problème, c'est que les enseignants sont pas bons. Si notre solution au problème présentement en éducation, c'est de se mettre un organisme de plus, parce qu'il y en a déjà, qui vérifie la job des enseignants, ben c'est parce qu'on sous-entend que c'est les enseignants le problème. Ouais. Alors que le problème, c'est le manque de ressources, Colin. Fait, c'est pas qu'on ne peut pas tout faire avec rien. Ouais. C'est ça. C'est un peu un plan... Si c'est reconnu, une des raisons pourquoi il disait il y a des pénuries d'enseignants dans les écoles, surtout à Montréal. La raison pourquoi, c'est que les conditions de travail valent pas de la scrap. Qui veut aller faire ça, qui veut devoir c'est payer ça. De sa propre poche les affaires qui va dans la classe. C'est ça, c'est que bon, t'es hein. déjà pas si payé que ça, pour les études que t'as, puis la job que tu fais qui est supposément importante pour la société. Ouais. Voilà pourquoi tu manques de monde. C'est pas parce que c'est pas valorisé. Oui, c'est pas valorisé parce que tu fais tout pour le dévaloriser, puis c'est pas en créant un ordre professionnel que ça va se changer. Et tu continues à varger dessus par de l'autre main, tu sais. Tellement d'accord. Ben, c'est ça. Fait que c'est pour ça que je dis, bon, c'est intéressant de lire les livres. C'est sûr que s'il y a de la merde dedans, mais en même temps, c'est le fun, c'est quand même un exercice que ces politiciens-là font de mettre sur papier leurs idées. Puis c'est que de créer un livre, ben ça permet de le critiquer. C'est beaucoup plus facile comme là, ça nous permet de discuter de ce que le ministre Proulx propose, même si je ne l'ai pas lu le livre. ben tu sais, je veux dire, il a été analysé d'un bout à l'autre très très religieusement par beaucoup de monde. Fait que tu sais, on a quand même une bonne idée de ce qui est dedans. Mais ça permet de beaucoup mieux le critiquer que des déclarations de même en conférence de presse, que là finalement se rétracte, finalement change d'idée, finalement. Non, ça c'est sur papier, puis ça nous dit où est-ce qu'il veut s'en aller. Puis un peu en quelque part, comment qu'il veut se rendre. Donc deux éléments sur trois de ce que je parle. Il devrait avoir l'état actuel des choses, mais ça je me fais pas d'idée, j'ai comme l'impression que c'est un peu tassé. T'sais, comme je dis, il y a des drôles d'idées sur les il me semble pas régler les problèmes qui sont présentement connus et évidents. Il règle d'autres problèmes. Il vise à régler d'autres problèmes, ce qui est déjà une affaire, mais au moins si sa manière de concevoir les problèmes et les solutions qu'il veut y apporter sont au moins sont cohérentes, ben déjà ça prouve qu'au moins il s'est un peu gratté le coco avant d'écrire ça, ce qui est une bonne idée. Soit dit en passant, il se vante qu'il écrit pendant ses vacances des fêtes, ce que moi je trouve un peu. Ben, les vacances, ouais. C'est quoi, deux semaines, les vacances des fêtes? Ben, les députés, ils ont quasiment un mois, en fait. Ah, mais un mois pour écrire un livre. Ben, un mois pour écrire un livre, c'est pas long. Non, je sais, ça, je dis. Ça prend beaucoup plus de temps que ça. Ça prend probablement plusieurs années. Même temps, peut dire que ça fait un bout de temps qu'il y a pensé, mais ouais. Bon. OK, peut-être qu'il tape bien vite. Ah, peut-être. Son cerveau, il spin. Mm-hmm. Non, un mois, c'est pas bon. Bref, hey, Sébastien Viguertin, encore une fois, tu te surpasses dans ta cohérence et ta pertinence. Ben, merci. C'est incroyable. Très bonne chronique, Bulletin Viguertin. Ouais. On se refait ça la semaine prochaine. Oui. Même heure, même poste. Même heure, même poste. C'est les mercredis à 7h30. Vous écoutez Assemblage Ricky, édition week-end. Assemblage Ricky pour toi aujourd'hui. Assemblage Requis, édition week-end. Avec Tania Baudin et Mathieu Plante. Mathieu Janvier, qui est avec nous pour une nouvelle chronique de jeux de table, jeux de société. Enfin, on va en parler avec lui pour savoir ce que c'est. Salut Mathieu Janvier. Oui, bonjour tout le monde. Mon homonyme. Oui. Donc, moi, dans le fond, je vais vous présenter toutes sortes de choses. Je vais vous présenter l'univers des jeux de société. Puis, au cours des différentes chroniques, on va voir différentes catégories de jeux de société. Je vais présenter, mettons, mes jeux préférés pour vous donner une idée de qu'est-ce que moi j'aime, qu'est-ce que moi qui m'attire. Puis, je vais aussi parler aujourd'hui un peu de l'histoire du jeu de société, comment qu'on est arrivé aux jeux de plateau modernes. Fait que je vais expliquer là, vraiment c'est quoi. C'est une bonne idée. Donc, qu'est-ce qui se fait aujourd'hui? Tu viens de dire jeu de plateau, j'ai dit jeu de table, j'ai dit jeu de société. Est-ce qu'il y a un mot qui englobe absolument tout ce qui est ce sorte de jeu-là? Parce que là, quand tu dis le mot jeu, tu peux pas juste dire jeu, parce que ça englobe d'autres affaires. Ça va. La tag est pas là-dedans. Mais non, c'est sûr que souvent le concept va être un peu étiré. Ouais. Pour certains, est-ce qu'un jeu d'art est un jeu de société? C'est un jeu qui joue à plusieurs? Il y a une compétition? Oui. Est-ce que c'est un sport? Ouais. C'est ça. Fait que là, la zone est quand même floue. Mm-hmm. Moi, pour ce qui me concerne, il y a quand même un style de jeu qui me parle plus, c'est ce qu'on définit le jeu de designer, le jeu d'auteur. Okay. Donc, c'est un jeu où le nom de l'auteur va être sur la boîte, c'est plus ça que, dont je vais on parler. On sait pas, mais il y a tout le temps quelqu'un derrière chaque jeu. Je disais, les jeux naissent pas comme ça par... Non, même par les plus vieux, comme Uno, il y a quelqu'un qui a créé ces règles-là, c'est pas... T'sais, les échecs, oui, aussi, il y a quelqu'un qui a créé ces règles-là, on mais là, c'est peut-être. Tellement loin que c'est perdu. Là. C'est ça. Mais c'est différent parce que, disons, un livre, ça va avoir tout le temps le nom de l'auteur en super gros. Le film, ça va être tout le temps genre Stephen King présente. Mais exact. Un jeu de société, je savais même pas qu'il y avait des auteurs. Oui, ben justement, c'est là que ça se définit quand les compagnies ont commencé à réaliser que l'auteur du jeu a autant d'importance que. Ben, un auteur de livre. C'est ça. Exact. Il y a des règles. Des fois, les règles sont super compliquées. Des fois, ça peut être un gros livre qui va venir avec le jeu. Là, évidemment, on n'entrera pas dans les jeux de rôle, peut-être. Pas aujourd'hui, mais ça pourrait être quelque chose que je pourrais aborder. Tu considérais ça dans la catégorie des jeux d'auteur, disons. Dans la grande famille des jeux, mettons. OK. Quelque chose qu'il faut s'asseoir et jouer à plusieurs. Là, je sais que je t'amène ailleurs complètement et que ta chronique n'a même pas théoriquement commencé parce que tu n'es même pas dans ton contenu. Mais est-ce que tu pourrais jouer à un jeu de société ou un jeu d'auteur seul? Oui, il y a plein de jeux qui se jouent en solo, des styles de jeux solitaires, mais il y a aussi des jeux qui se jouent à plusieurs, mais qui ont une version solitaire, dans le fond, soit on essaie de faire le meilleur score ou on essaie de pas perdre contre le jeu. Un peu comme dans les jeux vidéo, ça peut être des modes solo ou des modes aventure, des fois qu'on appelle, donc ça existe là-dedans aussi. Oui, je vais en parler, je vais les aborder. Mais maintenant, on va commencer avec ce que tu avais prévu de dire. Donc là, on va parler de l'historique de cette sorte de jeu-là. Exactement. Donc, moi, dans fond, je suis passionné de ce genre de jeu-là. J'ai toujours aimé les jeux de société, mais depuis, disons, 2005, c'est là que j'ai découvert l'univers moderne des jeux. Donc, et depuis 2012, je travaille dans une boutique de jeux. Et donc, c'est sûr, ça un peu augmente, ça t'es facilite tout, mon... Oui, c'est sûr, mais ça facilite un peu ma dépendance, si on veut. Disons que l'un va avec l'autre. T'as peut-être choisi ton emploi par rapport à ce que t'aimais déjà, ou est-ce que c'est sûr que je visais quelque chose semblable, Ça aurait pu être le contraire. Quelqu'un qui travaille dans un magasin de jeux comme ça aurait pu se créer une certaine dépendance, mais non, tu l'avais déjà. Je l'avais déjà, Comment je rejoindre l'utile à l'agréable? Exact. Tellement, c'est ça qu'on veut tous dans éviter notre portefeuille. Ouais, est-ce que t'as un rabais? Oui. Quand même, mais tu sais, ça peut monter cher quand même. C'est ça, j'imagine, parce qu'il y a des jeux qui sont extrêmement chers dedans. Ça dépend de la qualité des matériaux, j'imagine. Exact. Ou combien il y en a dedans aussi. Là. Ouais. Ça, je pourrais en parler aussi là, des différentes. On veut se lancer dans tous les sens, là, mais on a quand même 6-7 semaines ensemble, donc on va pouvoir déblatérer sur bien des sujets. Oui. Donc, un autre point que je voulais faire, c'est sûr qu'aujourd'hui, ce qui est plus populaire, c'est les jeux vidéo. Ouais. De loin, là, si on compare les ventes des jeux vidéo et des jeux de société, c'est même pas comparable. C'est sûr que si on compare les ventes, le prix est tellement cher pour les jeux vidéo, encore plus. Ah, ben il y a des jeux de société à 100-150. Fait que le prix, les possibilités sont là pour les deux, mais il y a beaucoup de jeux qui sont 20$ et moins aussi. Ouais. Fait que, mais, c'est ça, le jeu vidéo est vraiment une industrie plus grande, mais il y a deux façon de faire entre le jeu vidéo et le jeu de société qui fait que c'est deux catégories très distinctes. Ouais. Quand on parle de jeu de plateau, jeu de société, on a de la stratégie, mais l'avantage aussi quand on interagit avec les autres joueurs, on voit directement leur réaction. Oui, c'est différent de parler dans un micro, là. Dans un jeu vidéo. Dans un micro ou juste regarder l'écran, ce qui se passe. Ouais. Là, on doit manipuler avec nos mains les pièces. On s'échange des choses avec les autres joueurs. Et ça peut paraître anodin, mais non, il y a quand même un plaisir à manipuler les pièces physiquement. Ouais. L'odeur parce que j'aime des pas... jeux, souvent, c'est parce qu'il était dans le sous-sol. Mais... Ouais, mais moi, j'adore les jeux vidéo aussi, ouais. Mais il y a quand même un plaisir à avoir le côté physique. Puis l'interaction aussi. Ouais. Exact. Et c'est compatible avec toutes les consoles, les jeux de société. Hein, ça fonctionne. Oui, puis dans 100 ans, le jeu de société va toujours être bon. Il n'y a pas de temps qu'il y a des règles dedans. Plus tard, Non, c'est ça. Il est toujours, les consoles vont changer, mais le jeu ne changera pas. Quoique les jeux ont des expansions... aussi. Donc, oui. Là, ça, c'est une similarité entre les jeux vidéo et les jeux de société. Oui, c'est vrai. Une autre chose, de plus en plus, les jeux de société intègrent des applications tablette ou téléphone. Ah, pour vrai, je savais pas ça. Fait que c'est sûr que ces applications-là, s'ils sont plus mises à jour, le jeu ne marche plus dans certains cas. OK. Mais c'est assez rare, ces jeux-là. Ils commencent à prendre les mauvais plis des jeux vidéo, on dirait. Oui, c'est ça. Mais ça offre des expériences de jeu différentes. C'est ça. Mais ça, est-ce que c'est une tendance qui augmente ou ça stagne, cette tendance-là d'essayer de... Ah, bien, finalement, l'application est à jour, tu dois t'acheter un nouveau jeu. Ben, on aurait pu croire que oui, mais finalement, non. C'est quand même... pour tous les jeux qui sortent à chaque année, il y en a très peu qui utilisent une application. OK. Donc, c'est vraiment des cas ciblés que ce jeu-là, avec l'application... Il y a un plus. Il y a un facteur novelty un petit peu, là, c'est le fun. Oui, là. Oui, oui. Tu essaies une fois, puis t'as compris le principe. Ouais. Ouais. Donc, si on parle, on va remonter un peu dans le temps pour expliquer comment on est arrivé aux jeux modernes. Savez-vous quel est le jeu le plus vendu depuis tout le temps, là, depuis plusieurs années? J'aurais pensé Monopoly. Mais c'est bien ça. C'est ça? Oui, c'est le Monopoly. J'aurais pensé peut-être sinon Risk. Ça doit être dans les plus vendus, j'ai pas vérifié. Mais c'est vraiment le Monopoly. Et savez-vous... C'est quoi? Depuis quand existe le Monopoly? L'année 30, je crois. Moi, ça va être 30. Oui, les années 30. Dans le fond, il y a eu une version en 1904 qui a été créée par Elizabeth Magie, qui s'appelait The Landlord's Game. Okay. Mais que, dans le fond, elle avait créé ce jeu-là pour un peu dénoncer les problèmes du capitalisme. Fait que je sais pas si vous voyez comment c'est ironique. Moi, j'adore ça. Acheter les hôtels, les maisons. Exact, de montrer comment... que durant la crise économique. Ben oui. Exact. Mais disons que les règles plus présentes, là, plus récentes, ont été créées par Charles Darrow en 1935. Donc vraiment les années 30. OK, donc c'est pas tellement plus récent. Non, c'est ça. C'est quand même un jeu très, très vieux. Et là, on parle pas des dérivés qu'il y a eu là, pour enfants. Ça doit être plus du temps de Parker Brothers Hasbro que ça a été créé sous licence. Là. Mm-hmm. Mais non, c'est sûr que la version originale, c'était vraiment juste avec les terrains, les rues de New York, là, comme on connaît le classique. Et les petits pions qu'on connaît tous qui ont été retirés. J'ai même vu l'image là, pas du prototype, mais du brevet. Là. Ouais. Puis il y a effectivement des petites images dessinées des maisons, des hôtels. Là. Est-ce qu'on joue à essayer de trouver chacun des petits morceaux, des petits pions? OK. Dé à coudre, fer à repasser, petit chien, oui. Chapeau, brouette, balouette. Ouais. Qu'est-ce qui manque? Aide-moi laver les bols, aide-moi. Ben, on va vérifier ça. Moi, je sais. Ça commence par B. Bateau. Oh, c'est le bateau. Ben, il me semble. Et la petite automobile. Mais c'est sûr que l'automobile, non? Je sais pas en quelle année est introduite. Je sais pas si c'était dans le design original, je me rappelle plus. Mais c'est sûr que dans différentes versions, ils ont mis différents pions. Ouais. Ils sont toujours cool à voir. Ben oui, le petit chat là, qu'ils ont ajouté récemment. Après, ouais, c'est ça. Je pense, hein? Ils ont retiré le déacoude, non? Ils en ont tiré un sûrement. Là. Ouais, quelque chose comme ça. Mais c'est sûr, des dés à coudes, on voit plus bien ça là, avec les machines à coudes. Ben, les faire passer vieux jeux, même. Moi ouais, non plus. En tout cas, bref. Fait que dans l'histoire d'autres jeux qui ont marqué quand même, puis j'en parle parce que c'est tout. Tu sais, chaque jeu a comme eu. Comme créé son propre genre, donc on connaît le Monopoly. Mais il y a aussi le Scrabble qui vient de 1931. Les jeux de mots. Exact, tous les jeux de mots viennent de là. Il y a le Milbourne, qui est un jeu de cartes toujours assez populaire. C'est lequel, celui-là, déjà? Ça, c'est celui où on joue des cartes de points, c'est comme des bornes là, d'autoroute. C'est ça. Puis on a des feux rouges, des accidents, puis on bloque les autres. Ouais, OK. C'est très... en fait, tu ressors toute ton agressivité. Ben non, c'est une manière de parler, c'est pas vrai. Faut pas que tu sois agressif quand tu joues ce jeu-là. Mais c'est juste drôle parce que c'est toujours le but de t'en sortir en coinçant l'autre. C'est pas très... Exact. Je sais pas, mais en même temps, c'est drôle parce que faut avoir le sens du mot quand tu joues. J'ai jamais joué à ça. Non? Jamais. Ah ben t'essayeras. Ouais, donné, je t'en prêterai. on a aussi la conquête du monde qui, dans le fond, c'est l'ancien nom de Risk. Donc, lui, est quand ça même important. Ça s'appelait La conquête du monde. Oui, la première version, ça s'appelait La conquête du monde. C'était en 1957. Okay. Donc, ça a inauguré toute la catégorie de jeux de guerre, les jeux de militaires. Mm-hmm. Puis, je voulais aussi parler de la compagnie Avalon Hill, à ce propos, qui a été fondée en 1958, qu'eux autres étaient spécialisés dans les jeux de simulation de guerre historique. Puis, c'est eux autres qu'on voit, je sais pas si vous avez vu dans certains jeux, des grilles hexagonales. Là. Ouais. C'est eux autres qui ont conçu ce système-là, mais que maintenant, se retrouvent dans toutes sortes de jeux, souvent plus tactiques. Puis, c'est aussi eux autres qui créent Axis Analyze. Ah, donc, c'est une compagnie qui est maintenant rachetée par Hasbro là, depuis 2000. Là. J'imagine qu'ils sont pas mal toutes des propriétés de ces grandes compagnies-là. Souvent, quand c'est les plus vieilles, si on pense aussi à Wizards of the Coast, qui est ceux qui ont créé Magic, qui est assez connu. Eux autres aussi ont été achetés par Hasbro. Par contre, je pense que c'est encore publié sous leur nom. Là. La compagnie n'a pas disparu. Il y a encore quelques petites compagnies indépendantes de jeux quand même. Ah, ben des petites, il y en a énormément. Là. Ouais. Mais ils sont toutes très petites. C'est ça. Jusqu'à temps qu'ils deviennent moyennes, puis ils se font racheter, puis bien grosse. Exact. Puis on va en parler de ça aussi. D'autres choses que je voulais mentionner, Donjon Dragon, en 1974, par Gary Gygax et Dave Arneson. Là, c'est la catégorie jeu de rôle. Ça, c'est la catégorie jeu de rôle, mais c'est un jeu très important pour le jeu de rôle parce que c'est ça qui l'a inauguré. Mm-hmm. Puis ça a comme donné ses lettres de noblesse, si on veut, là, pour faire un peu comme dans les livres. Mm-hmm. Puis on en parle, il est toujours actuel, il est toujours édité. Fait que c'est prouvé comment que c'est apprécié. Puis qu'il est mais aimé. Ça, c'est beaucoup plus compliqué parce que là, c'est là qu'on parle des fois des briques, des livres de règles. C'est compliqué, mais en même temps, il peut avoir un côté très, très newbie friendly. Okay. Là, on peut y accéder facilement. Là. Faut juste que tu joues avec des gens qui connaissent un petit peu plus ça. C'est sûr que c'est mieux que ton maître de jeu connaisse bien les règles, mais il va te guider. Puis tu sais, c'est pas un jeu que le maître de jeu est contre les joueurs. Okay. Mais c'est vraiment une expérience narrative qu'on fait tous ensemble. Mm-hmm. C'est comme un peu faire de l'improvisation, mais entre amis. Là. Okay. Même des gens qui sont pas, si je peux dire ça comme ça, gamer ou geek, aiment ce jeu-là. Ouais. Donjon Dragon. Oui. Exactement. T'as déjà joué? Non, malheureusement. Parce que c'est souvent plus une question de parler, de gérer les situations oralement. Ouais, presque. Et on a des jets de dés. Oui, c'est ça. Puis on a des jets de dés pour voir, OK, c'est ce que je veux faire, je peux le faire ou pas. Là, parce c'est du théâtre guidé, presque. Exact. Entre amis. Oui, oui. Vraiment. Sans public. Souvent. Puis. Tout ça, il y a aussi Trivial Pursuit que je voulais mentionner. Oui, les jeux de faits divers ou de connaissances. Ce qui est intéressant, ça a été créé en 1984. Okay. Ah, c'est donc bien récent, c'est ça. Assez récent par Chris Haney et Scott Abbott, qui sont des Québécois. Arrête-moi donc ça. Oui. Okay, là, wow. Puis, tu sais, souvent, on entend le nom Quelques arpents de piège. Oui. Mais c'était le titre original, mais celui-là en 1979. Wow, OK, là, je suis vraiment surpris. C'est quand même récent. Ouais. Oui, oui, oui. Ben, d'une certaine manière. Plus vieux que moi. Ouais. je dirais pas mon nom. Puis on a mentionné Magic en 1993. Ouais. Que lui aussi, c'est sûr, inauguré le jeu de cartes à collectionner. Oui. Mais aussi, beaucoup de systèmes de jeux de cartes d'aujourd'hui sont tributaires de Magic. Donc, tu mettrais les Pokémon, cartes comme ça de Pokémon, dans les jeux. Ben pas d'auteur dans ce cas-ci. C'était quoi là, qui regroupait tous les jeux? Hein? Les jeux. Les oui, jeux. Mais mettons Pokémon, le jeu de cartes, est un descendant de Magic. Là. Ben c'est oui. C'est indéniable. Là. Oui, il a adapté les concepts. Pouvoirs, les trucs comme oui, ça. Oui, mais c'est la même compagnie en plus là, qui fait ah oui? Pokémon. Ah oui, c'est Wizards of the Coast. Cool. Puis le dernier, c'est les colons de Catan, que vous connaissez peut-être. J'ai entendu souvent le nom. C'est sorti en 1995. Je vais en reparler, mais c'est vraiment le jeu qui a ouvert la porte aux jeux modernes. OK. Mais comment que toute cette évolution-là jusqu'au jeu moderne s'est faite? C'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale, bon, l'Allemagne a perdu. Puis on là, vous apprend quand... rien, spoiler alert. Non, non, c'est ah, ça. Ah, mais je savais pas, moi. Évidemment, ben, parler de guerre quand t'as perdu la guerre, c'est pas super. T'as envie de faire semblant que ça n'a pas eu lieu. Exact. Ouais. Fait que là, quand les auteurs voulaient créer des jeux, là, les jeux, c'est créé depuis longtemps, là, même si on connaît les auteurs depuis peu. Là. Roche, papier, ciseaux, dans le temps, c'était Roche. Roche. Ou roche, papier, mais pas de ciseaux. C'est ça, exactement. Mais, donc, ils voulaient pas parler de guerre. Fait qu'est-ce qui reste comme à explorer dans les jeux? Ben, de la gestion économique. Oui. Comment qu'on détermine un gagnant? Ben, c'est par des points de victoire, mm-hmm. et non par une conquête, parce qu'on peut pas conquérir, il y en a pas. Puis, un des autres éléments qui vont primer, c'est les mécanismes de jeu. Donc, comment le jeu est structuré. Puis, il y a pas d'élimination de joueurs. Fait que on va les voir là. Puis évidemment, la plupart du temps, on évite les thèmes militaires parce que justement, ouais, c'est un mauvais souvenir. Alors, les États-Unis, au contraire, ben, eux autres, ils ont gagné la guerre. Fait que parler de guerre, ça va, ça fait le fun. Donc, le risque, ben, c'est pour ça que ça existe, mm-hmm, parce qu'il n'y avait pas ce tabou-là. Surprenant qu'il n'y ait pas plus de jeux avec des guns aux États-Unis. Ouais, ben, il y en a maintenant, mais qui ne sont pas nécessairement, ouais, des États-Unis. On en reparlera. Okay. Je pense que je l'ai mis dans mes listes, là. Donc, c'est ça. Fait que souvent, dans les jeux américains, on va avoir plus un thème qui est là, puis les mécanismes de jeu, c'est moins... secondaire, disons. Ouais. C'est un peu secondaire. Fait que là, il y a comme deux termes qui ont ressorti. Okay. C'est le Eurogame en anglais, ou le jeu à l'européenne, et le Ameritrash, autrement dit, des jeux poubelles américains. OK, il y a comme une espèce de vision un peu condescendante. Oui, ouais, mais ces deux termes-là, à l'origine, oui, c'était d'une façon comme, mettons, moi, j'étais un amateur de jeux américains. Ah, toi, c'est rien qu'un Eurogame, là, j'aime pas ça, ces jeux-là. C'est des jeux plates de gestion. Puis la même chose, les passionnés de jeux européens vont dire, ah, vous, c'est de l'Améritrash, c'est pas bon, il y a pas de mécanisme. Mais, tu sais, ça a comme créé un affrontement à deux camps. Ça a quasiment créé une guerre qu'on voulait éviter. Mais en même temps, là, aujourd'hui, ces termes-là sont plus utilisés pour catégoriser les deux grandes maisons de pensée. Par là, les fans, là, parce que c'est des, oui, pas des mots que j'ai entendus dans ma vie. On tombe dans le spécifique, mais ouais, c'est ça, je veux faire découvrir ces termes-là. C'est ça, j'aime ça. Parce que souvent, si on parle de, mettons, Eurogame, un jeu à l'allemande ou à l'européenne, on parle de jeux que, comme j'ai expliqué, c'est des mécanismes qui priment. Les thèmes, ça va être des thèmes économiques. Un peu générique. Des fois, ça peut être assez spécifique, okay, là, mais c'est sûr, ça soit de gérer notre propre ferme ou de peindre des tableaux, il y a toutes sortes de choses, là, vraiment. Là. Alors que dans le jeu à l'américaine, ben, ça va être de la conquête ou de détruire des bâtiments. On a un gros monstre, on détruit un bâtiment, il y a toutes sortes de choses. C'est plus dans l'action directe. Oui, ouais, souvent. Oui. Mais des fois, on parlait de jeux vidéo, tantôt on faisait des parallèles. Des trucs comme SimCity, ça pourrait ressembler à un jeu à l'européenne, exact, mais en jeu vidéo. Oui, puis un exemple, ça serait Suburbia. Là, je vais nommer quelques titres, mais c'est des titres que je pourrais revenir dans les prochaines, cool, semaines. Suburbia, oui, c'est un jeu de gestion de ville qui rappelle beaucoup SimCity, que j'aime beaucoup. Mm-hmm. Puis pour chaque type de jeu vidéo, je pourrais dire que maintenant, il y a même un jeu de société qui peut comme équivaloir. Là. Ils s'inspirent les uns les autres. Oui, oui. Ça, vraiment, on pense que c'est en opposition, mais finalement, ça s'alimente. Ouais. Oui, oui, vraiment. Tu peux jouer à Monopoly en jeu vidéo aussi. C'est sûr, c'est sûr. Puis il y a des jeux de société qui ont la licence des jeux vidéo. Là, ouais, si vous connaissez peut-être StarCraft, ouais, ben, il existe un jeu de société là-dessus, World of Warcraft, il y en a plein, Railroad Tycoon, il y en existait un, il y a plusieurs exemples. Est-ce qu'un jeu, en fait, un jeu de société Mario Bros? Il y en a aussi, ben oui. Ah oui. Puis des Monopoly, entre autres, mettons. Oui, mais il y a aussi un jeu qui est sorti pas très longtemps, mais qui est malheureusement disponible qu'en anglais, qui s'appelle Mario Level Up. Ah. Qui est comme un jeu de bluff et un peu de risque, là, okay, que j'ai pas essayé malheureusement, là, mais je l'ai vu en ligne. Ah, mais c'est intéressant, j'avais pas vu ça. Ça semble bien. Il y avait un jeu d'échecs aussi de Mario. Ça, je me rappelle. Oui, bien sûr. Oui, oui, absolument. Fait que c'est sûr que les thèmes peuvent être facilement appliqués à des jeux classiques comme ça, Monopoly, échecs, mais il y a aussi une tendance à créer des jeux originaux, oui, avec des mécanismes propres à la licence. Je pense que c'est plus le fun encore, parce qu'à un moment donné, je veux dire, tant qu'à jouer à Monopoly, joue au vrai Monopoly. Oui. Ouais. Mais il y a le Monopoly Gamer qui est sorti là, assez récemment, okay, là, qui reprend un peu le style Monopoly d'avancée, mais là, avec le thème Mario encore plus intégré. Là. C'est pas juste Monopoly avec les personnages de Mario. Là. Parlant de Monopoly, le Monopoly pour tricheurs. Là. Hein? Oui, j'ai entendu la nouvelle, là, mais j'ai pas vu de quoi ça a l'air. Monopoly pour tricheurs. D'après moi, ça va être un peu n'importe quoi. Là. Probablement. Je veux dire, si on peut tricher. Okay, c'est dans le fond, c'est frauder. Le but, c'est de frauder le plus possible. C'est pour ça. Ouais. Je pense que c'est ça, la Hasbro voulait faire un peu, tu sais, comme mettre toutes les règles pas supposées, tu sais, comme mettre l'argent sur le free parking, là, oui, puis de ramasser ça, c'est pas une vraie règle, ça, là. Ou ramasser 2-400 quand on arrive exactement sur le go, là, ça rajoute du plaisir. Ça rajoute du plaisir, mais ça a aussi le problème de prolonger le jeu. Oui, okay, ben oui, c'est ça. Fait que si le monde dit « Ah, là, le jeu, c'est bien trop long, ça dure 2 heures, 3 heures », ben c'est ça, ces règles-là, okay, font que le jeu dure plus longtemps. Dans le fond, c'est les mauvais plis officialisés et approuvés par la société. Tu peux même voler de l'argent. Ah, ils sont pas approuvés si tu lis les règles du jeu. mais je veux dire, la version qui veut sortir. Oui, la version tricheur. Ah, okay. La version tricheur, ouais, on va, je sais pas, on verra ce que ça donne. J'ai hâte de voir. C'est curieux. Mm-hmm. Donc, on avait mentionné le jeu Les Colons de Catane. Oui. Est-ce que vous êtes capable de me nommer d'autres jeux qui seraient comme plus récents? Est-ce qu'il y en a que vous connaissez? Moi, je pense au jeu de société Game of Thrones. Ouais. Parce qu'un jeu de société, parce qu'on parle des jeux de vidéo, mais il y a également les séries de télé qui, parfois, ou la littérature qui sortent leur propre jeu, comme Game of Thrones, qui est assez élaboré comme jeu. Ça prend une heure au maître. Si on peut appeler ça comme ça, la personne qui connaît bien le jeu prend une heure pour expliquer tout. Mmh. Mmh. Oui, c'est vrai. Mais c'est le fun, une fois que t'es dans le bain. Ouais. Moi, j'irais avec la catégorie jeu de performance à la Cranium. Oui. Ah oui. Oui, ça, c'est des jeux récents. Ou vous connaissez peut-être Expressio. Mmh. Non. Non. Non, OK, mais ça, c'est très semblable à Cranium. Okay. Mais il y a aussi certains jeux, là, mettons, on va dans les jeux de stratégie. Mmh. C'est surtout de ça que je vais parler, là, même si je vais quand même toucher à des jeux de party, comme tu as mentionné. Mais dans les jeux de stratégie, bon, les Colons de Catane, c'est quoi? C'est un jeu de gestion économique, mais avec un côté négociation. On ramasse des ressources, on peut les échanger avec d'autres joueurs pour construire nos colonies, nos routes, marquer des points, puis c'est le premier qui atteint 10 points qui gagne. Fait que, tu sais, c'est... Il n'y a pas d'élimination, là, c'est vraiment de la négociation, là, beaucoup, là, d'essayer d'être plus fin que les autres. Mm-hmm. Puis il y a beaucoup d'interactions parce qu'on peut aussi voler des ressources aux autres joueurs. Oh! Donc, c'est vraiment le produit fort qui a ouvert la porte, et ça venait d'Allemagne, c'est pour ça qu'on parle de jeu à l'Allemagne, jeu à l'Européenne. Puis c'est quand ça a été introduit aux États-Unis que là, ça a créé un buzz, un boom, et maintenant, ben, on en a plein. Un autre que je veux mentionner, c'est Carcassonne, oui, qui est sorti en 2000-2001, vous connaissez. Mm-hmm. Donc, lui aussi, un jeu de tuiles, celui-là, beaucoup plus rapide et simple. De tuiles, mais... définis-nous un petit peu un jeu de tuiles. Un jeu de tuiles, dans le fond, on va avoir des petites tuiles de carton qu'on va poser sur le plateau, mais selon les jeux, là, ça peut être les poser, ça peut être les enlever, mais dans Carcassonne, on les pose chacun notre tour et on crée vraiment le plateau. Le plateau va avoir plein de villes, de routes, de différents éléments, et on va marquer des points selon où on se place. On a des petits bonhommes qu'on va placer sur les tuiles qu'on place, et c'est là que ça va nous donner des points. Mm. Donc, lui aussi, très important. Puis, c'est vraiment un jeu qui est parfait pour les familles, parce que c'est rapide, mais tu sais, famille, pas avec des petits-enfants, là, mais mettons 8 ans et plus, là, ça marche très bien. Mm. Un autre jeu très populaire, Les Aventuriers du Rail. Déjà ça ne dit rien. Non? C'est en 2004 par Alan R. Moon. Donc, c'est un peu un jeu sur le principe du remis, là, qu'on ramasse des cartes de couleur, puis on va utiliser ces cartes-là pour placer des trains. Fait qu'au lieu de juste mettre, tu sais, comme dans le remis, on place nos quais, nos petites tuiles de plastique, là, mm-hmm. puis on fait des combinaisons, ben là, on place des trains. Puis ces trains-là vont nous faire des points, mais le plateau représente les États-Unis, puis on relie des villes, mais à la fin de la partie, si on n'a pas relié les villes qu'on devait relier, on perd des points. Fait qu'on a aussi une question de bloquer les adversaires qui rend le jeu très intéressant. Mmh, c'est vraiment très tactique, mais ça reste simple. Là, ça se joue en une heure. Est-ce que ça peut provoquer des accidents ferroviaires, par exemple, ce jeu-là? Non, mais peut-être que dans une extension que je connais pas, il y en a. Okay, mais non, ça, j'ai pas ma connaissance. Ou la version tricheur. La version tricheur, ben, c'est sûr, je sais pas s'ils vont le faire non, pour des gros jeux comme ça. Un autre jeu intéressant, c'est Pandémie, connu sur les deux noms. Ça, c'est beaucoup plus récent, c'est en 2008, mais c'est un jeu coop. Puis c'est souvent le jeu coop par excellence. Donc, coop, ça veut dire qu'on joue tous contre le jeu. OK, le jeu est sa propre personne. Oui, on va piger des cartes qui vont nous donner des indications sur ce qu'on doit faire. Puis c'est un thème aussi très intéressant parce que c'est sur des maladies du monde. Fait que c'est toujours d'actualité. Donc, il y a 4 maladies qui se propagent dans le monde et on se déplace sur le plateau pour aller arrêter ces maladies-là. Des vraies maladies, pas fictives. Dans ce jeu-là, dans cette version-là, il y a juste des couleurs. Là. Ils n'ont pas de nom. Là. Ah, bon. C'est le noir, le jaune, le rouge et le bleu. Mais si tu veux appeler le jaune l'Ebola, tu as le droit. C'est ça, le malaria. Bien. Oui, t'as le droit. Donc, c'est quelques titres là, vraiment là, qui vaut la peine de connaître. Je voulais aussi parler de sites importants. Donc, c'est sûr, la plupart sont en anglais. Il y a Board Game Geek. C'est vraiment ma place de choix. C'est surtout une base de données, je dirais. Mais il y a vraiment un catalogue immense de jeux. Plus de 97 000 jeux catalogués, jeux, extensions. Okay. Dont 50% de Monopoly. Peut-être pas 50%, mais il doit y en avoir une bonne centaine que c'est du Monopoly, oui. Un autre site, celui-là français, c'est TrickTrack. Okay. TrickTrack.net, il me semble. Que eux autres aussi ont beaucoup de présentations de jeux, des fiches, des vidéos, beaucoup de vidéos explicatives, de présentations, des entrevues avec les auteurs, les créateurs. Est-ce que c'est seulement des jeux qui sont disponibles en français sur ce site-là? Non, je pense qu'ils vont aussi dans le jeu anglais, là, ils se gênent pas. Mais c'est très intéressant. Ça, puis ça, c'est français de France. Voilà. Fait que attendez-vous à ce que ça parle beaucoup. C'est ça, tic-tac.net, David? Oui, exactement. Oui. Puis sur YouTube, si vous aimez mieux de voir la vidéo, parce que c'est sûr qu'un jeu avec le visuel, c'est bien, l'explication de règles. Ça donne envie de l'acheter. Ouais. Il y a The Dice Tower, qui est une grosse chaîne qui produit énormément de vidéos, de critiques de jeux, des top 10, toutes sortes de choses. Puis il y a aussi Watch It Played, qui est une chaîne où ils vont présenter les jeux. Ils font pas juste ça, mais c'est surtout de présenter les jeux et d'expliquer comment ça joue. Mais ils donnent pas nécessairement son opinion. Okay. Mais quand on veut savoir comment ça joue, c'est sûr qu'il faut connaître l'anglais. Mais c'est une chaîne très intéressante. Puis si je me trompe pas, c'est un Canadien. Ah, bon. Ouais, l'auteur. Mmh. Une autre petite chose que je voulais aborder, c'est Kickstarter. Savez-vous c'est quoi Kickstarter? Tellement. En fait, quand on a un projet, c'est un... Je sais pas comment ça s'appelle, ce genre de site-là. Sous-financement. Ah, ben oui. Donc, tu mets de l'argent. C'est pas comme un magasin où t'achètes, mettons, un jeu, mais c'est que tu promets de donner de l'argent et s'ils se rendent à leur but, le jeu va être produit. S'ils se rendent pas à leur but, t'as perdu de l'argent. Puis... Ah, ben ça dépend. S'ils ont un but monétaire, mettons, c'est 10 000 $. S'ils atteignent pas le 10 000 $, ils ne chargent pas. Non, okay, c'est juste à la fin de la campagne, là, que les personnes qui ont contribué sont chargées si le montant est atteint. Okay. Moi, je pense que ça diffère de... Il y avait Indiegogo, puis GoFundMe, puis Kickstarter, qui sont pas tous sur le même principe. Indiegogo, je pense que c'est le même principe, mais peut-être pas, je les connais moins. Là. Indiegogo, GoFundMe, je connais les noms, là, mais j'ai pas utilisé moi-même. Là. Mais bref, c'est pas un magasin, fait que des fois, j'ai envie de mettre de l'argent dessus, puis là, je fais comme, OK, je suis pas sûr de... Ouais, puis ça, ce principe-là, c'était créé, ça a été comme, c'est né un peu de façon spontanée. Là. Mm-hmm. C'est quelqu'un qui avait un show, qui voulait faire un show, puis là, il avait pas assez d'argent pour louer la salle. Fait qu'il a demandé, voulez-vous me financer? Vous payez le billet maintenant, vous allez financer la salle, puis après, vous viendrez me voir si j'ai assez d'argent pour acheter la salle. Puis ça a marché, puis de là est né Kickstarter. C'est une excellente idée en tant que tel. Ouais, évidemment, c'est utilisé pour les jeux de société aussi. Ben oui. Donc, il y a un titre qui est comme le premier gros titre. Alien Frontiers, qui a récolté beaucoup d'argent. Et après ça, en 2012, là, il y a eu un boom. Puis maintenant, c'est vraiment une source inépuisable d'innovation. Puis c'est aussi là qu'on... Le numéro 1 sur Board Game Geek, que j'ai mentionné tantôt, c'est un jeu qui est disponible seulement sur Kickstarter. Wow! Donc, c'est dire comment que ça a un impact. Mais c'est sûr que, comparativement à toutes les autres jeux qui sortent des compagnies, c'est une petite marge, là. Mais ça a un impact... quand même sur l'industrie. Mais comme Mathieu le dit, ça se peut que ça ait beaucoup de succès que ça soit racheté par une plus grosse compagnie. Oui. C'est ça. Et puis là, au moins, ça va avoir commencé par Kickstarter. Il faut commencer en bas de l'échelle, des fois. Oui, c'est ça. Mais oui. Fait que c'est pas mal ça que je voulais vous présenter. La prochaine fois, on pourrait parler de jeux vraiment. Là, je pourrais expliquer plus dans le détail des jeux familiaux, là, des jeux qu'on peut jouer avec les enfants ou entre amis, qui sont pas compliqués, qui sont rapides. Qu'il y a de la stratégie quand même. Génial, ce sera dans la prochaine chronique. Donc, on va faire ça tous les jeudis. C'était la première aujourd'hui. Chronique sur les jeux de société, jeux en général, jeux de table, jeux de peu importe. On va faire ça tous les jeudis matin à 8h avec Mathieu Janvier. Et on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Bye bye. Marc Gagné. Yay! Toujours aussi avec Antoine Lapointe-Ricard qui connaît mieux un remplacement de Tania Baudin aujourd'hui. Exact. Et c'est à ton tour. On a un petit sujet à aborder ensemble. Un petit sujet à aborder ensemble qui est en fait le sujet. Chronique plein air. Ben oui, ma chronique plein air. La chronique de cette semaine, si vous me permettez, je vais juste, mettons, lire l'entraque de la chronique. Au moins, ça va vous mettre dans le bain. La chronique dans le zone campus. Oui, exactement. La chronique que vous allez pouvoir retrouver dans le zone campus. C'est ça. Ça va comme suit. Et je cite. Vous souvenez-vous d'une époque où nous n'avions comme seul moyen de transport que notre fidèle monture à deux roues? Nous passions des après-midi à dos de bicyclette sans destination précise. Beau temps, mauvais temps, nous avalions les kilomètres avec entrain sans même prendre conscience de l'importance que possédaient ces coups de pédale. Ouh, c'est la citation de qui, ça? C'est ma citation. C'est ma citation. Antoine. Oui, c'est moi qui ai... C'est plate à dire, mais on dirait que c'est nous autres qui avons vécu ça. C'est notre génération. Mais c'est ma génération, c'est ta génération. Ben ouais. C'est la génération, en fait. Ben oui. Puis j'ose croire, en fait, qu'encore aujourd'hui, il y a des jeunes de 10, 11, 12 ans qui se promènent en vélo, toute la gang ensemble, toute le petit club. Oui, le matin, avant d'aller à l'école, on se rejoignait tous dans les trottoirs. Même après l'école, mettons, en été, il faisait 30 degrés, on s'appelle, on s'en va-tu en vélo? Puis on était une bonne gang, on était environ quoi, 5, 6, 7, 8 à vélo qui... On faisait les jumps, ces trottoirs. Ouais, exactement, là, le patinage du quartier. La chaussée du trottoir devenait un jump, littéralement. Là. Puis quand le printemps arrivait avec les côtes de gravel, on se faisait des jumps. Ouais. Ah non, mais c'est ça, mais cette époque-là, en fait, j'essaie de la ramener un petit peu à travers ma chronique. Puis, ma pour faire une histoire courte, ça fait 2 ans que j'habite, comme on le disait tantôt. Ben, c'est le vent, ça fait le tremplin avec. C'est parfait comme ça. Écoute, je suis content que tu l'aies amené ce sujet-là parce que c'est ça, ça fait 2 ans que j'habite au centre-ville. Puis 2 ans au centre-ville, c'est plate à dire, mais je n'ai pas accès à une voiture. Ouais. Il n'y a pas de stationnement. Puis même là, je veux dire, je suis sur Art, tout près de des forges. Et plus souvent qu'autrement, l'été, des forges est barré à cause des festivals. C'est vrai. Ah ouais, ouais. Des festivals ou des festivals. Des festivals. Ok, t'iras pas payé pour le stationnement souterrain. Non, parce qu'il faut savoir que, par exemple, le stationnement Badeau, pour les personnes qui ne sont pas de Trois-Rivières ou qui ne connaissent pas le stationnement Badeau, c'est 90$ de plus par mois que j'aurais payé, que plus que mon loyer. Ça ne garantit pas une place, hein, ils ferment cet été pour des rénovations ou quelque chose. Tu vois, en partant, bon, j'ai dû me séparer de ma Volkswagen, de ma Jetta 2003. Elle s'appelait comment? Jetta. Ouais. Jet lag. J'ai dû me démunir de Jetta. Mm-hmm. Puis c'est ça, en fait, j'ai changé la voiture par un vélo. Un vélo de quelle marque, là? Un vélo... C'est pas important pour les vélos, les marques, c'est pas? C'était un Specialized, si tu veux savoir. Mais veux pas. Moi, je conseille n'importe quel vélo à n'importe qui, en fait. Je veux dire, tant que ça te permet de te déplacer du point A au point B... Ben, n'importe quel, ça dépend. Il y en a qui sont vraiment beaucoup plus lourds que d'autres, plus légers, c'est pratique, ça, non? Oui, c'est vraiment pratique. En appartement, je trouve. C'est vraiment pratique en appartement, surtout parce que je suis au deuxième étage. Ouais. Fait que veux pas, c'est plate, mais je laisse pas mon vélo en bas, non, barré. Je ne fais pas tant confiance à la vie. Surtout ça avec. Oui, ben au centre-ville, surtout ça. Là, je veux dire, là où je m'en vais habiter, il y a des chances où je serais plus à l'aise de le laisser en bas. Mais centre-ville, devant le temple, à 3h du matin, non, je ne fais pas confiance à la vie. Ouais, ouais. Et moi, je sais que si je dois transporter mon vélo au deuxième étage ou plus, je ne veux pas m'en servir. J'en avais un jusqu'à il y a quelques mois, je m'en servais pas. Exact. C'est plate à le transporter sur l'épaule. Ben, c'est pas pratique, mais en même temps, c'est un sacrifice à faire. Puis en fait, c'est de ça que j'aborde à travers ma chronique. Si j'avais à faire une appellation pour la définir, ça serait un plaidoyer. Un plaidoyer en faveur d'un mode de vie sans voiture, un mode de vie où on met le vélo en avant-plan. Ouais. Puis, c'est ça, en fait, le premier argument qui, bon, vous vous en doutez clairement... Faire du cyclotourisme. Faire du cyclotourisme, ouais, mais dans un mode de vie qui est plus routinier, quotidien, je suis d'accord, je suis pour le cyclotourisme. Puis honnêtement, moi, c'est cet été, je peux partir avec ma petite tente, avec mon stock. Je triperais, ça, c'est clair. Mais c'est pas le premier critère. Mais le premier critère, pour économiser moi... de l'argent? C'est le troisième critère, c'est économiser de l'argent. Okay. Non, c'est la forme physique, en général. Oui. Ouais, la forme physique. C'est plate, mais combien de fois on a entendu quelqu'un dire... j'ai pas le temps d'aller au gym. Mm-hmm. J'ai pas le temps, avec la vie, tout ça. Je travaille, je veux jouer à l'école, j'ai des amis, puis je veux avoir une vie sociale. Je peux pas me permettre d'aller une heure et demie au gym. Mais écoute, prends le vélo. Le vélo, je peux te garantir que tu vas avoir une très bonne condition physique en sortant. À la fin de l'été, tu vas être en shape. Ton tonus musculaire aura peut-être pas tant changé, mais je peux te garantir que niveau cardio, tu vas être agréablement surpris, tu vas être en forme, exact. Ouais, tu t'en rendras pas tant compte que ça, non, non plus, parce que je veux dire, tu pédales, tu écoutes de la musique ou peu importe. Exact. Ouais. Non, c'est ça. Fait que, d'un sens, c'est pas rushant. Non. Faites attention avec votre musique de pas mettre des écouteurs qui vont bloquer le son du trafic. Hein? Ça, c'est vraiment important que tu le mentionnes parce que j'ai déjà mangé un ticket parce que j'aime mes écouteurs. Un beau ticket de 70$ parce que. C'est des gros écouteurs par-dessus les oreilles. C'était des écouteurs. Puis le pain là-dedans, c'est que j'en ai des écouteurs qui viennent couvrir l'ensemble des oreilles. Puis, cette fois-ci, c'était des écouteurs qui rentrent dans l'oreille. Exactement, bouton. Puis, le policier n'a pas été très sympathique. Malheureusement, il ne m'a pas laissé la chance de me justifier. C'est plate, mais moi, le cas de la route au niveau des vélos, je le connais pas par cœur. Est-ce que tu penses qu'on peut mettre un écouteur et garder l'autre? Ça, je me suis renseigné, puis c'est correct. Intéressant. Je me suis renseigné à même un de mes chums qui est dans la police, qui vient d'entrer dans les forces de l'ordre. Fait que c'est ça, premier argument, la forme physique. Ouais. Deuxième argument, niveau environnemental. Ben oui. Niveau ben environnemental, il y a personne qui va être en mesure de me regarder dans les yeux puis de dire, ben la voiture, c'est moins polluant que le vélo. Non, c'est impossible, ouais, malheureusement. Non. Même une auto électrique est plus polluante. Ben oui, certainement, parce que, à part, il y a certains gaz qui peuvent s'échapper d'un cycliste, mais pas du vélo. Ben, il disait aussi que la voiture électrique, c'est le transport, là. Ben, le transport, la création. La création. Je veux dire, il y a des bons côtés, oui, à la voiture électrique, mais à long terme, si tout le monde, si 6 milliards d'êtres humains devaient avoir chacun leur voiture électrique, je suis désolé, mais l'ensemble des matériaux chimiques qu'on utilise, une batterie, 6 milliards de batteries plus tard sur la Terre, je peux vous garantir que ça sera pas beau à voir. Non, là, c'est le caoutchouc, le cuir. Exactement, le tree, c'est ça. Non, c'est de trouver des alternatives, puis c'est ce que je présente aujourd'hui, en fait. Mm-hmm. Un vélo. On dira ce qu'on voudra, mais c'est plus pratique qu'on pourrait le penser. Ouais. Ben, minimum le transport en commun. Minimum le transport en commun. Exactement. Ouais. Moi, c'est plate, je le cache pas. En étant étudiant à l'UQTR, pour les étudiants qui nous écoutent actuellement, sachez que c'est 20$ par session. C'est rien. Pour avoir accès à un transport en commun. Moi, je l'ai acheté et je suis bien content. Ben oui, mais tu sais, je ne dis pas que c'est le plus performant, mais je dis qu'il est convenable. Est utile. Exact. C'est pas pratique en tant que tel, parce qu'il faut attendre des fois, mais comme. Si t'es trop sous pour prendre ton char, tu prends l'autobus. Ouais, voilà. Mais l'autobus finit à 11h. Fait que si t'es trop chaud à 11h, ben là. Ouais, c'est vrai, boy. Bon, prenez un taxi, les amis. Mais ça, tu vois, mettons, je le mentionne à travers la chronique, Trois-Rivières, c'est gros comme ma poche. Ouais. Puis bon, ta poche n'est pas énorme. Ma poche n'est pas énorme, hein? Malheureusement. Mais excusez-moi. mais c'est gros comme ma poche. Dans le sens où je retourne au centre-ville de l'université, si je prends un taxi, je suis pas en état de conduire, ben ça me coûte 10$. Ouais, 10$ pour sauver une vie, je suis désolé, mais ça vaut la peine. Ben c'est ça. Ouais, c'est ça. Pas trop souvent, mais quand 10$ pour ne plus souffler dans la ballonne dans ton auto. Ah mon dieu. Ouais. Oui, mais ça. Puis je veux dire, les coûts rattachés à la ballonne sont exorbitants. Là, je veux dire, pour connaître quelques personnes qui ont malheureusement une ballonne dans la voiture. Mm-hmm. Il y en a beaucoup, hein, on le sait pas, mais il y en a plus qu'on pense. Moi, je pense qu'une combinaison de tout ça, l'autobus et la marche. Exact. Ouais, et le vélo. Mais mettons, ma chronique tourne autour du vélo, mais veux pas, je marche, je prends le transport en commun, je fais du longboard. Oui. Longboard à la longue planche. Ouais, ça, c'est le pire ennemi du vélo, hein. Pourquoi? Je me promène, moi, sur la cyclable avec mon longboard, puis on dirait que ça dérange beaucoup de cyclistes. Ah, parce que tu prends beaucoup de place, T'es moins rapide qu'un vélo, mais en même temps, t'es quand même sur la track de vélo. Parce que veux pas faire du longboard sur des trottoirs, c'est de la marde. Excusez-moi l'anglais. Les bosses, là, les cracks. Ben oui, avec les petites cracks, exactement. Ça a beau être des plus grosses roues qu'une planche à roulettes conventionnelle, mais c'est pas agréable. Y'a pas de choc, ça tue. Non, y'a pas de choc. Je connais pas les termes, tout. Non. Mais le vélo est plus confortable quand même sur la chaussée, disons. Bon, fait que, bon, environnemental, la forme physique. Le troisième argument. On l'a dit, c'est l'argent. Oui, c'est l'argent, exactement. L'argent, OK. Ouais. L'argent qu'on peut sauver. Mais en fait, comme je te dis, c'est le quatrième argument, mais c'est pas grave. On va toutes les énumérer à la fin. Puis, non, c'est ça, c'est l'argent. L'argent que j'ai pu sauver au niveau, par exemple, des plaques, au niveau du véhicule en soi, au niveau du gaz, au niveau des assurances, au niveau des réparations en lien avec la voiture. Tu te fais un cadeau avec cet argent-là. Ben oui. Ben ouais, mais tu sais, je veux dire, honnêtement, si j'avais à évaluer le nombre d'argent que j'ai sauvé dans l'année, ben, dans les deux dernières années, probablement que je dirais que ça oscille entre le 5 000 et 6 000$. Mais 5 000, 6 000$, c'est considérable quand on prend en considération que je suis un étudiant, que j'ai une job à 20 heures semaine. Je ne vis pas sur l'or, mais je me permets de bien vivre en sachant que je fais ces sacrifices-là. Ouais. Fait que vous voyez pas, c'est ça. C'est un plaidoyer que je me dis. C'est un sacrifice qu'on est prêt à faire pour un certain moment. Ouais. Et encore une fois, je ne dénature pas l'idée d'avoir une voiture. Je ne dis pas, je ne fuis pas la voiture comme la peste et je ne la démonise pas non plus. Tu vas en revoir un jour? Est-ce que tu as déjà eu une? Oui, j'en ai déjà eu. Écoute, je suis rendu à 3. À mon compte, là, j'ai eu 3 voitures dans ma vie. Puis c'est dans mes projets futurs d'avoir une voiture. Temporairement, t'en as pas. Exactement. Okay. Ben c'est dans mon mode de vie à moi actuel, je ne peux pas nécessairement me le permettre. Puis c'est correct comme ça, je l'assume très bien. Oui, j'ai des problèmes techniques des fois. Si je veux retourner à Repentigny dans mon coin de pays, je peux pas me le permettre. Je peux pas arriver à chaque jour dire, hey, moi, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est aller faire une virée à Québec. Faut que tu trouves un lift. Mais oui. Tu loues une auto. Chers auditeurs, je dois admettre que ce n'est pas pratique pour ma vie amoureuse non plus d'avoir, de ne pas avoir de voiture. Et imagine, mettons, une date Tinder là, ouais. Où tu t'en vas en vélo au restaurant. Puis bon, moi, c'est quand la fille t'a dit « Tu veux-tu que j'aille te porter? » Ben non, je ne veux pas que tu ailles me porter. Je ne veux pas dépendre de personne. Je ne veux pas être handicapé par le fait que je n'ai pas de voiture. Là, c'est plate. Je comprends ça. Marc, il comprend trop bien. On est les trois, je pense, dans cette situation-là. Non, parce que si elle fait un lift, elle va chez toi, tu sais. Ben oui, mais c'est quand même elle qui t'a transporté. Nombre de fois que je suis parti, mettons, parce que j'avais une petite fréquentation il y a quelques temps, puis nombre de fois que c'est nous qui prenait, on prenait sa voiture à elle pour se déplacer partout, puis je fais pas bien. Là, c'est plate parce que je fais un contre-plaidoyer, ma propre chronique, mais reste quand même, le fondement, c'est juste de dire, on peut ne pas utiliser la voiture à des fins excessives. Si, par exemple, tu veux aller à l'épicerie, vas-y en marchant, vas-y en vélo. Trouve d'autres moyens que d'utiliser à chaque fois la voiture. Il y a des alternatives qui sont beaucoup plus intéressantes niveau écologique, niveau de mise en forme générale, niveau économique. Puis en fait, mon quatrième point, ça m'amène à ça. C'est souvent, on va dire, ouais, mais le vélo, c'est vraiment moins rapide qu'une voiture. Mais combien de fois c'est arrivé avec la voiture de tourner en rond pendant un bon 20-25 minutes à essayer de se trouver un stationnement ou bien au centre-ville ou bien dans les alentours de l'université pour les étudiants qui nous écoutent? Il y a le trafic aussi. Il y a le trafic, exact. Mais sur des courtes distances, moi, je suis prêt à débattre mon point que le vélo est plus rapide. Et même si tu veux aller très loin, les autobus peuvent transporter les vélos de nos jours. Oui, exact. Exact. Pas l'hiver, mais tu vois, ça, c'est le sujet que je voulais aborder tout à l'heure. C'est t'en as parlé, l'hiver, puis... Même le transport en commun, ça va plus vite parce qu'ils ont des voies réservées. Ils ont des voies réservées. S'il y a pas un... Moins à Trois-Rivières, par contre. Moins à Trois-Rivières, mais Quand je vivais à Québec, moi, exactement, ils ont des voies réservées beaucoup plus rapides. Ça passait aux 15 minutes. J'arrivais avant tout le monde, j'avais pas besoin d'auto. Je passais le trafic. Salut le trafic! Hey! Salut! Gang de cœur! Vous envoie! Non, mais c'est ça. Fait qu'au final, la chronique porte là-dessus. Puis honnêtement, c'est drôle parce que ça me tient énormément à cœur. J'aimerais qu'elle soit partagée le plus souvent possible. Puis à la fin, je fais un clin d'œil à Vélo de quartier. Je sais pas si vous connaissez un peu, c'est à exactement, c'est au Cap de la Madeleine, si je ne me trompe pas. C'est un organisme, en fait, qui loue des vélos. Qui répare des vélos, exactement. Dans le fond, ils vont faire l'acquisition de vélos usagés, vont faire les réparations nécessaires, puis vont le louer. Pour la modique somme d'environ 30$, 30-35$ si je ne me trompe pas, avec un 20$ qui va être retourné à la fin si tu ramènes le vélo en bon état. Pour une semaine ou pour combien de journées? Non, ça peut être pour la saison complète, pour l'été. Oui, ce qui fait en sorte, je ne dis pas que c'est des vélos haut de gamme, mais veux pas, 30$ pour l'été, ça vaut la peine. Vaut la peine, puis tu seras jamais perdant. Tu vas sauver de l'argent, tu vas sauver... C'est ça, je fais un petit clin d'œil à ça. C'est drôle parce que je deviens émotionnel quand je parle de ça. Je deviens émotionnel parce que dans ma tête, je me dis, on devrait tous avoir cette mentalité-là de... Je sais que c'est utopique un petit peu. C'est utopique, puis c'est peut-être selfish de me dire, ben ma mentalité, je pense qu'elle est bonne et je pense que j'aimerais la partager au plus de monde possible. Ben, on le dit pas assez souvent, en plus. Je pense qu'on en parle pas assez souvent. Écoute, c'est déjà arrivé, mettons, avec mes chums. On va-tu faire l'épicerie? Là, ils prenaient tout leur auto. On colle le taxi. Il y a un peu de paresse là-dedans aussi. C'est de la négligence. C'est plus facile. C'est de la négligence, c'est de la paresse physique, intellectuelle. Je suis désolé, là, mais il y a moyen, tu sais. Mon épicerie, je la fais, ça fait 2 ans que je la fais à pied. Ouais. Je suis à environ 2 km. Ouais, moi aussi. Je la fais à pied. Je suis à 10 minutes à pied. Exact. Puis c'est plate. Moi, je prends mon sac à dos d'expédition 60 litres. Je le remplis de stock. Puis limite, ça me fait juste une marche de santé. Je me sens juste plus en forme après. Puis. Vendez, c'est un gros sac à dos. Je peux penser à ça. Ouais, sac à dos, 5-6 sacs. Essaye quand même de mettre ton pain sur le top. Ouais. Mets pas ton pain en dessous. Mais on parlait de l'hiver. Il y a façon de faire du vélo l'hiver quand même, fat bike. Il y a façon, exactement, fat bike. Je l'ai essayé, malheureusement, mon vélo n'était pas adapté. C'est un peu comme l'escalade l'été, l'escalade l'hiver. Être équipé, ça coûte cher. C'est plate, c'est onéreux. Puis, ça va toujours coûter moins cher que d'avoir une voiture, de gazer, tout ça, ce que je disais tout à l'heure, mais... Avoir le fat bike qui est entre 1000, 1500, 2000$, tout dépendant de la qualité qu'on va aller chercher, les crampons qu'on va aller chercher également. Certaines personnes vont utiliser par exemple un harnais qu'on va venir entourer la roue, en fait. Fait que, non, c'est ça, ça coûte très cher, puis je ne cache pas que ça peut être peut-être plus dangereux. Okay. On sait qu'à Trois-Rivières, je ne pense pas que ce soit la force de la ville, je ne pense pas que Trois-Rivières soit réputée pour son déneigement impeccable. Oh non. Malheureusement, quand tu te retrouves sur une voie qui est très, très rapprochée de la voie qui est passante des voitures, de la voie de circulation, ça peut être dangereux. Ouais. C'est plat de tomber sur une plaque de glace ou... J'aimerais pas me retrouver dans ce genre de situation, malheureusement, puis je ne peux que déconseiller que de chercher des alternatives moins dangereuses, plus accessibles. Fait que c'est peut-être mon petit mot aux gens qui souhaitaient faire du cyclisme hivernal. Renseignez-vous, puis assurez-vous que... au moment où vous décidez d'en faire, que la chaussée soit impeccable et que ça ne soit pas dangereux dans le temps de ce genre de périple. Peut-être au début de l'hiver. Oui, exact. Parce que je l'ai déjà essayé. J'avais un vélo qui était cross-country, en fait, qui était un mélange de vélo de montagne et de vélo hybride, disons. Fait que là, ça pouvait aller partout. Ça pouvait aller partout en théorie, mais en pratique, c'était tout autre. Non, c'est dégueulasse. Et les trottoirs à Trois-Rivières, je veux dire, c'est même pas déblayé la plupart du temps. Non, c'est ça, c'est pas le déblayé. Les bosses, puis dans la rue, ben, le banc de neige, il continue jusqu'à la voiture. Je veux tomber sur une plaque de glace, c'est pas pratique tomber en vélo quand tu tombes sur de la glace. Ah fait non. Bénéfique pour le bien-être, l'environnement, puis exactement. Ton portefeuille. Sur c'est un bon la forme physique, puis tout ça. C'est, le quatrième argument tourne vraiment autour de tout c'est plus rapide. Ben, c'est plus rapide à court terme, mettons. Ouais. J'irai jamais que le vélo est plus rapide pour se rendre à Québec qu'une voiture. Non, on s'entend. je reste quand même réaliste, mais comme tu dis. Je ne nommerai pas de compagnie, mais reste quand même qu'il y a des compagnies de transport qui offrent à des prix accessibles quand même, entre 25-30$ de Trois-Rivières à Québec en autobus. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Amigo Express, sinon, du covoiturage. Absolument. C'est très bien ça. J'aime bien ça. Pour les vélos aussi, je conseillerais un vélo léger qui peut-être se plie pour l'amener à quelque part. C'est une valise voiture, en taxi ou C'est vrai, ça existe. Ouais. Là, ça va, par contre, c'est moins pratique, c'est moins performant sur la route. Par contre, c'est vrai que pour une personne qui a besoin de mobilité, si j'ai un rendez-vous d'affaires, par exemple, à Québec, je peux prendre Amigo Express avec mon vélo pliable, rendu à Québec, faire un petit kilomètre avec mon vélo. C'est vrai que c'est pratique. C'est un investissement. Oui, clairement, c'est un investissement. Je suis totalement d'accord. On file dans son campus, Antoine Lapointe-Ricard. Ta chronique est là. C'est la chronique journal que tu viens de nous faire à la radio. Elle n'est malheureusement pas encore sortie. Pas encore par là. Contre, okay, mais non. Sous peu. Ah. Dans les, c'est dans en les exclusivité ici. Oui, à la radio. C'est en exclusivité. Et j'espère, en fait, j'ose espérer que vous allez me lire et partager. En fait, c'est un petit message d'intérêt général. Ce sujet-là me tient énormément à cœur. Puis j'aimerais ça qu'il soit partagé le plus de fois possible pour qu'il y ait, en fait, le plus d'impact social possible. Disons. Ouais. C'est sur la page Facebook du Zone Campus. Elle va être sur la page Facebook du Zone Campus. Sinon, Antoine Ricard, ajoutez-moi sur Facebook, puis envoyez-moi un petit clin d'œil pour... Ben oui. C'est beau, ben ça. Ben oui, je suis ouvert. Ben oui, t'es ouvert. Antoine Lapointe Ricard, pour ta chronique plénière, merci beaucoup. Merci à vous. Eh ben voilà, c'est tout pour Assemblage Requis édition week-end. On se retrouve lundi pour une autre semaine d'Assemblage Requis. Du lundi au vendredi de 7h à 10h, édition week-end les dimanches dès 15h. Pour Mathieu Plante et moi-même, Tania Baudin, merci d'avoir été à l'écoute. Bon week-end et à lundi.